Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Caméranise. Et nouveau, nouveau. Bon, pour la peine, puisque là, c'est le Jacadi, appelez-moi un Jacques à Marseille. Bam. Ce serait bien que ce soit Jérém. Pourquoi t'es pas venu, toi, Jérém? J'avais le baptême de ma fille. Après, les excuses, on s'en fout. Okay, excuse pour ouais. Non, c'était super bien, tu rigoles. C'est vrai que ça se mange, ça. Oui, vivant. Ça se mange. Tiens, t'as envie de manger un. Mais pas vivant, mec. Sûr que si. T'as vu? Allô? Allô? Vous êtes Jacques? Allô? Jacques? Non, c'est pas un Jacques, ça. Jacques? Non. Mais non. Bah, vous êtes, je suis pas chez Jacques? Et non, c'est pas Jacques, c'est Xav. Salut Xav. Mais Xav, vas-y, ça marche pas. Dis-moi Xav, Xav, il est pas là, Jacques? Non, il est pas là, Jacques. Bon, c'est Xav là. C'est ok, grave. Salut Xav là. Salut Xav. On va jouer à Xavadis, pas. Moi je m'appelle Koé, ça va Xav? Ouais, ça va, tranquillou. On est sur énergie, t'es en forme Xav, la France entière t'écoute, mec. Ouais, ça va super. Ça va, qu'est-ce que t'étais en train de faire? Xav, qu'est-ce que tu faisais? Je suis au bar là. Au bar? Ouais, je regarde le match. Là, c'est qui contre qui, Xav? C'est Belgique-Italie. Qui gagne? L'Italie. C'est l'Italie. Ah merde, attendez, bon, on est numéro 1 en Belgique le soir, faut pas déconner avec ça. Là, les Belges vont. Ouais, c'est pour la Belgique? Bah, je suis un peu plus pour la Belgique, on est numéro 1 en Belgique, je suis pas numéro 1 en Italie. Donc, le jour où je serai numéro 1 en Italie, je me poserai la question, mais pour l'instant, c'est en Belgique. Ah, je suis numéro 1 en Italie, tu sais pas, toi? T'es numéro 1 en Italie, mec? Eh oui. Bon, en bien. Tout cas, j'ai besoin de toi tout de suite, d'accord? Ouais, dis-moi. Écoute-moi bien. Je vais te donner des prénoms, c'est toi qui choisis. Puisqu'en théorie, c'est Jacques Adi, mais comme on n'a pas Jacques, ça va devenir Xavadi. Voilà, ça marche aussi. Vas-y, fais Xavadi, ça passe très bien. Le prénom que tu diras prendra un seau d'asticot dans le dos et dans le t-shirt. Ah ouais? Ouais. Tu as le choix entre moi, entre Julie. Moi, c'est pas un prénom, hein. Moi, c'est Koé. Julie, d'accord. Jérém. Julie, elle est bonne. Hein. Julie, Jérém, Psycho ou Fred? Fred. Ah, Koé, alors. Jacques Adi. Ah. C'est pas du jeu. Mais c'est pas du jeu. Oh putain, non, j'ai mis du temps fou à me débarrasser de tes c'est merdes. C'est chiant, c'est le truc à chaque fois. Oh, tu fais chier avec j'en ça. J'en ai plus c'est un canon à confetti dans le dos. Mais non, c'est pourri. Tu m'envoies des. À chaque fois tes confettis, je les embarque dans le vieux. Dis-toi par rapport aux asticots, c'est rien. Et tu dois faire flipper les auditeurs à chaque fois avec l'explosion. Bien joué, Xav. Putain, Xav, pourquoi t'as fait ça? Allez la Belgique, allez la Belgique. Ciao Xav. Xav, pourquoi t'as fait ça? T'en mets dans le jean aussi. Peut-être. Pourquoi quoi? Pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi on t'a choisi toi? Mais oui. Pour tes fesses. Mais pour mes fesses, elles sont plates, bordel. Il y avait Julie, elle a un petit cul tout rond. T'aurais pu prendre les fesses mais de Julie. Mais non, pas les filles. Mais on aime bien les pleines lunes nous ici. Ah. Allez. Allez, à cause de vous, je vais. Prends le t-shirt, hein, allô. J'ai Fred. Allô. Ça va tomber dedans. Ouais, Xav, merci beaucoup, Xav. Allô. Merci beaucoup. J'ai Fred qui vient de me faire une réflexion comme quand on allait avoir plein de mouches dans le studio. C'est scarabée. Ah non, il a raison. C'est des mouches. Ouais, c'est des mouches. Hey, Xav, merci beaucoup. Hein. Ah, de rien, ça me fait plaisir. C'est tu veux un gros taquet? C'est dégueulasse. Ah non, mais ferme pas le t-shirt. Bah, parce que tu veux que ça tombe dans mon caleçon? Eh, Koé, il vous a traité. Mettrai... Fils de mouche, il a dit. Je les motive. Ah là là, mais comment tu peux faire ça? On y va? Mais... Allez, merci, Xav. Hein. Tourne-toi un peu. Tourne-toi un tracard, tourne-toi. Ah, attends, on va lui faire passer devant. Là. Comment tu peux? Oh, arrêtez ça. Ah, ça pique. Mais ça, c'est fait régime, ça fait bouffer la peau. Ça te pique. Ah, c'est collé au t-shirt. Comment t'as pu faire ça, Coco? Sur l'épaule. C'est collé partout. Dans le cou. Dans l'oreille. Il y en a partout. Je veux m'en aller. C'est un film d'horreur. Retourne ton t-shirt. Il se collait à l'intérieur. Je vais m'en aller. Ah là là. Oh mon dieu, c'est horrible. Il y en a un qui va rentrer dans mes fesses ce soir. Et tu vas avoir le verre solitaire. Ah quoi? C'est très sympa à l'intérieur, vous en savez rien. Je vais vous embrasser, je vous suis. Avec qui venir à la maison. Non, non, non, il y a le gagnant. Ah ouais. Il y en a un qui grimpe sur ton épaule. Frotte, pardon, je suis désolé, je suis torse nu, je m'en fous. Frotte. Coco, faut prendre le gagnant du double hit. Ah, j'ai été vilaine. J'ai été vilaine. Ouais, oh, ça va, c'est bon. Il y en a plein par terre. Ah, il y en a par terre, je glisse dessus. Je suis désolé. Oh, qui... Il va y avoir des mouches. Gratte-moi le dos. Il va ramasser les gars. Double hit, on y va, c'est parti. Allez hop, qui est. Arrête, arrête, ça va me péter au dos, t'es fou. Mais t'as vu, lui, il veut pas y toucher avec la main, il fait une flippette, Loris. Ah, t'es une flippette. Mais t'es ouf, toi. Tu nous fais une Nabila ou quoi? Allô? Allô? Oui? Bonjour, c'est qui? C'est quoi? Oui, attends, je me fais gratter le dos. Je peux pas te répondre là parce qu'on me gratte le dos avec une petite main. Tu sais, une petite main. Oh, c'est bien. C'est quoi ton prénom? Gaël. Yeah, yeah. Gaël. Gaël. Ah, j'ai compris. Yeah. Yeah. J'imagine le père bourré, comment vous allez l'appeler. Yeah. Yeah. Ma belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je vais aller voir Selena Gomez en concert. Tu vas aller voir Selena Gomez en concert? Ouais. Faites du bruit, elle va aller voir ça. J'entends plus rien. Je ne t'entends plus, t'es contente ou pas? Oui, je suis contente. Ma chérie, 19 octobre, tu iras voir Selena Gomez, d'accord? On dirait un connaturiste. Je viens de me voir dans l'image et j'avais pas vu que j'avais un bronzage de camionneur. Non, mais surtout qu'on voit pas, qu'on a l'impression que t'es à poil là. Ouais, mais tu commences à avoir des pecs là. Ouais, de t'as ouf. Pris des pecs là. T'as pris des pecs de ouf. C'est vrai. Je vous interdis de bander sur moi, ok? C'est très désagréable là-dessus. Et on finira là-dessus. Je vous laisse avec Guillaume. Je vous souhaite une très bonne nuit. On revient demain. Bisous tout le monde. À demain. Ciao. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Toute la semaine de 22h à 1h. Je comprends pas comment mon fils ça peut aller payer une somme pareille pour aller te voir. Tellement t'es nul. Guillaume Radio 2.0 de 22h à 1h sur Énergie. Allez à l'antenne. On est sur Énergie. 22h04, la bonne nuit tout le monde. Guillaume Radio 2.0. On se retrouve le soir, hein, 22h tout pile, avec le match Belgique ce soir qui est en cours contre l'Italie. Je vais s'agir qui suit le match. Ah, et la Belgique qui perd 1-0 là. Voilà, pour c'est la mi-temps. Voilà, donc, à Lyon. On est avec les deux, nous on aime bien les deux. Les Diables Rouges. On est avec... Moi j'ai mis un t-shirt Belgique aujourd'hui, marqué Eden dessus. Eden Hazard. Voilà, joueur de la Belgique. Et on suit le match ce soir. On suivra mercredi en direct. On est en direct, hein, donc on peut vous dire le score du coup. Ouais, ouais. Et on est en direct à la seconde près, vraiment. Donc il n'y a pas de décalage du tout. Et 1-0 pour l'instant pour l'Italie. C'est ça, ouais. Je vais stagiaire un petit pronostic sur le match de ce soir avant de commencer l'émission. Bah, deux partout. Et bah, deux partout. Voilà, match nul. Le vagième du standard. Salut, gars, moi, ça, tu super. Tu suis le match ou pas là? Ouais, un peu, ouais, je suis. Ouais. Moi, je dirais pronostic, partout. Un partout. Un partout, ouais. On verra ce que ça donne. Allez, on va voir. Ça va, Amina du standard? Oui, salut, Guillaume, salut tout le monde. Amina du standard qui s'est bien fait niquer hier. Ah, non, mais là, quand mais elle est rentrée de la radio, elle s'est fait escroquer. Elle est tombée sur une escroquerie au téléphone. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Et Amina du standard s'est engouffrée les deux pieds en avant. En plus, Amina du standard. C'est la fille qui se fait tout le temps avoir et se met dans la merde toute seule. C'est-à-dire que je suis trop gentille. Non mais ah c'est pas ça. Parce que pourtant t'es pas trop gentille toi. J'ai une tête c'est pas de bébête. Non t'es pas cucu toi. T'es pas. Non c'est pas vrai. Il y a des gens cucu toi. T'es pas cucu du tout. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai une tête de bête. Non. Simplement. Non mais je te jure. Elle c'est se ça. Flagelle elle-même. Ah, parce que je suis énervée là. Je m'en veux à moi-même. Non, elle s'en veut. Alors en fait elle a prêté son portable à une fille et une dame. Ouais une maman même. Une maman. Une maman dans le métro. Dans le bus. Dans le bus ouais. À 3h du matin et une maman Rome qui est venu la voir, lui parle lui disant dans une langue étrangère, voilà, c'est pour ça que j'explique qu'elle est Rome parce qu'elle comprenait pas ce qu'elle disait, Amina du standard. Ah ben, elle lui a parlé forcément dans une langue, voilà, et elle lui dit est-ce que tu pourrais me prêter ton portable, faut que je passe un coup de fil. Elle a évidemment passé des coups de fil, elle a plein de numéros sur taxi, ah ouais, il fallait se méfier. Elle lui a rendu 2 minutes après et elle est partie. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Bizarre ça. Tôt ou tard les loups, je vais me faire manquer dans le bus. Passer les crédits, c'est bah, appeler des numéros sans taxé et c'est moi qui l'aurai dans le cul. Non mais putain, t'as été trop gentil. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Je sais pas ce qu'on va faire de moi. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est pas encore affiché la somme, elle va le savoir dans quelques minutes voilà, parce qu'il faut son application, elle se met plus à jour là. Exactement. Et, tu vois, et même si t'appelles, ça marche pas du coup là. Non, ils m'ont dit tous les opérateurs sont en ligne, je sais pas quoi. De toute façon, là, ils vont faire fortune grâce à moi. Donc, attends, ça mais va. T'es chez qui comme fournisseur? SFR. SFR, c'est 1-2-3 SFR. Ouais, 2-3, ouais, service au conso. Et 123, ça te dit c'est occupé. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, t'attends 1000 ans et tout. Mais non, c'est un truc, c'est un répondeur. C'est un robot. Oui, mais si t'as une autre demande, parce que là, se faire arnaquer encaisser autre demande. Mais non, tu peux l'avoir. Dans le... Mais non, mais déjà, tu vas savoir leur forfait. Ouais. Non, parce qu'il me dit que ça a été mis à jour le 13. Ah oui, il faut que tu attendes une journée en fait. Ah ouais, bah ouais, c'est pas. 24 heures. C'est comme quand t'es à l'étranger ou quoi. Et en plus, il y a plein de numéros, je sais pas où là. T'es dans le cul. Heureusement, l'arnaque avec le téléphone. Ouais, non, mais après, les téléphones, en fait, c'est une nouvelle arnaque en gros. Oui, c'est ça. Voilà, c'est. Ils ont trouvé une nouvelle arnaque en fait. Ils demandent le téléphone, tu passes un coup de fil et ils te baisent. Mais Cassel, il gagne. Voilà, il gagne. Bah ouais, parce qu'en fait, s'il faut, c'est le numéro, c'est sa famille. Il récupère. C'est son mec. Numéro à eux, il récupère à chaque fois genre 1 euro sur les 2 euros de téléphone et puis il fait ça 20 fois par jour et gagne. Ouais, faut pas lui prêter le téléphone. Peut-être 5 euros par coup de fil, j'en sais rien. Je sais pas, on va voir. Peut-être que c'est 100 euros par téléphone. Hein. Ça va être super. Allez, génial. On va savoir le match. On vous tient au courant du score dès qu'il y a un but pour la Belgique ou pour l'Italie. On crie évidemment. On est là de toute façon 22h07. C'est ça. Bon courage hein, si vous avez des examens. Là, chez demain, il y en a qui ont des trucs et tout. Là, un peu galère. Donc bon courage à tout le monde. On va retrouver Timothée qui est là de Auchel, qui appelle du 62 dans le nord de la France. Mais laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Ça va quoi? Salut mec. Enchanté, mon ouais, Timothée. Vous allez bien? Ça va tranquille. Déjà ouais, passé, déjà passé à la radio ou jamais toi? Ouais, un coup avec vous. Ah, t'es déjà passé? Bah vas-y, bah bienvenue gros. Rebienvenue. Ah, t'es passé? Ah, on a fait Isa Jésus ensemble. Oui. Ah énorme. J'ai ma mère. Ah, trop bien. Ouais. C'est tous les jeudis. On le fera jeudi là. Eh oui. On pourra faire Isa Jésus avec Joule. Ouais. Ah, il y a le rappeur Joule. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Il sera avec nous jeudi. Il veut faire reculer l'émission sur Flanot, hein. Ça fait très plaisir. Ouais, merci à lui. Hein. J'ai vu son planning média, il a eu plein de propositions télé et radio, il a tout marré en noir. C'est vrai qu'on le voit pas en fait. Il a juste choisi l'émission, voilà. Sympa quoi. Donc, à la télé. Donc on l'embrasse. Avec tous les copains marseillais, ouais. Soprano qu'on a déjà eu dans l'émission. Ouais. Tous les mecs du Sud qu'on est content d'avoir, et bah voilà, bah, ça sera donc du coup la semaine prochaine. Enfin non, la semaine prochaine, dans 3 jours. Ouais, ouais. Jeudi soir. Enfin, jeudi soir. Et vendredi, on vient à Rennes vous rencontrer. On se fait un petit meet-up, une rencontre dans la Fnac. Alors il y en a qui m'a dit est-ce que c'est payant? Évidemment que non les gars. Ah non, c'est juste pour avoir un toit à la Fnac. Hein. On se donne rendez-vous dans la Fnac. Voilà, c'est pour se retrouver. Comme ça, on se fait une petite. On se met des fauteuils et tout tous ensemble. Et puis on se rencontre, on discute, on rigole un peu quoi. Venez nous faire un bisou. On prend la voiture vendredi et on vient à la Fnac de Rennes de 16h à 19h30. Voilà, 16h-19h30 vendredi à la Fnac de Rennes au centre commercial Columbia. Il y en a qui m'a dit Guillaume, l'adresse que t'as donnée, c'est pas dans Rennes. Si, c'est dans Rennes même. Ouais, centre-ville. Il y a pas de. Vous avez dû vous tromper, mais c'est bien la Fnac de Rennes. Le lendemain, on vient à Caen samedi de midi à 15h. Donc ceux qui me demandaient pouvaient donner rendez-vous. Voilà, si vous voulez prévenir vos parents, si vous n'avez pas de voiture ou quoi, même si vous venez un peu loin, pour venir à la Fnac de Caen de midi à 15h samedi. Et à Rouen, on fait l'émission dimanche soir ensemble de 20h à minuit. Voilà, 20h minuit dimanche soir. Ce serait bien marrant que vous veniez. On va laisser les portes ouvertes du studio. Vous êtes tous les bienvenus. Ouais, ça va être cool. Hein. 19 rue de l'Aubette. Donc on va bien rigoler tous ensemble avant de s'écouter Sopra. Pour le job, ça pille plus en pada. Allez Guillaume et votre message au 6-11-12. Si vous voulez balancer une petite dédicace avec nous à l'antenne, un petit message ou quoi, hein, voilà, trop bon de t'écouter, je chauffe un taxi en service jusqu'à 5h, une bonne galère avec le match soir. Ah bon courage. Et on passe bien vite avec vous, salut Ben de Lyon là. Ah bah oui, je joue à Lyon soir le match. Belgique Italie. Ouais. Exactement. Au Parc Belge, tous les Italiens sont à Lyon soir. Ah il y a du monde. Hein. À quand un meet-up à la Fnac de Valenciennes, Amandine Saumin du 27 ans, salut Amandine Saumin. Bah, on va essayer de venir avec plaisir à Valenciennes. On a eu beaucoup de messages et tout, c'est avec plaisir. Aujourd'hui pas de cours pour moi après avoir vomi toute la nuit, ça fait trop chier, vous êtes là pour me remonter le moral et la pêche. Salut Enzo du 4-4. Salut. La gastro, ça. Ah, on va t'appeler gros. Dédicace aux deux cassos avec moi, Alan du 60. Pose dédicace à mon guide de la régie chérie qui prend le temps de répondre. Salut Astrid. Demain oral de bac de français, gros stress. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Passe une dédicace au transport Rosette et au chelublu de la part du touriste. Salut, je kiffe vos t-shirts Guillaume Blais, merci beaucoup. Merci. Dédicace à tous ceux qui passent le brevet la semaine prochaine. Salut Lucas. Ah ouais, et merci à tous ceux qui portent le t-shirt de l'émission. On a le shop en ligne. Ouais. Je vous ai mis le lien sur la page Facebook. On avait mis un mot de passe pour 15% de réduction sur jusqu'à dimanche là. Voilà, exprès pour ceux qui veulent porter le sweat et le t-shirt et tout de l'émission. Merci les mecs de suivre l'émission et d'être avec nous et tout ça, ça défonce les mecs. Et toi Timothée, tu fais du sport un peu à Auchel, tu fais un truc le week-end là? Ouais, je cours dans les rues quoi. Un week-end de... Ah, tu fais un feria ou quoi? Tu fais la vachette. Ah bah, ouais, c'est bon ça, bah, t'as, t'as un coureur toi, t'es un Éthiopien, tu vas faire le marathon. Ah ouais. C'est dur le marathon. Et les mecs ils font 42 km en 2 heures, tu sais pas comment ils font. Ils ont pas de cœur. Non mais franchement, mais même en vélo je les fais pas moi. Ou alors ils se dopent, mais on le sait pas. C'est vrai, franchement c'est impossible. T'as déjà fait un marathon ou pas Timothée toi? Non, pas du tout. Mais ouais, pas du tout pour encore. J'aimerais bien. Ah, c'est vrai, moi c'est marrant parce que autant je. Tu sais, ça me donne envie, autant je pense qu'au bout de 100 mètres, j'en aurai le cul. C'est 42 km. Tu sais, je pense que c'est le début et tout. À moins que tu le fasses avec tes potes et tout. Ça. Ah non, au contraire, moi je rigole avec mes potes. Ouais, je suis pas concentré. Ouais, mais au moins tu te marres et tout, tu discutes. Ouais, t'as un point de côté. Ouais, voilà. Mais après, le faire. Après, je comprends, c'est quand même kiffant. Il paraît que c'est un peu une drogue de courir. Il paraît. Plus tu cours, plus tu cours. Plus tu cours, plus t'as envie de courir, quoi. Je sais pas, mais. Bon, en tout cas, Timothée, dans le 6-2, dans le Nord. Ça, vous avez un temps de merde aussi comme nous ou pas, toi? Bah, moi, ça va. Ouais, il fait 14 degrés. Mais ouais, mais bah, c'est. Bah oui, c'est un temps de merde. Pour le mois de juin, c'est bien, ouais. Ouais, c'est pas normal, hein, gros. Putain, attendez, combien? On est le 13 juin, là. Dans une semaine, c'est l'été. Attends, là, mais c'est la merde, là, la météo, là. Putain, j'en ai ras le cul. Il va pleuvoir à Sydney, il va pleuvoir demain à Paris, il va pleuvoir mercredi, jeudi, vendredi. Merci, au revoir. Faut qu'on fasse grève. Ah, par contre, dimanche, lundi, il va commencer à faire un petit peu beau. Mais enfin, bon, 21 degrés fin juin, c'est quand même. Ah, c'est relou, ouais. Oh là là. Ouais, non, c'est clair. Tu pars en vacances un peu, Timothée? Tu vas faire quoi cet été, toi? Bah non, je sais pas. Ouais, tu restes un peu à la maison, ouais? Bah ouais, je sais pas. Ouais. Vu qu'il y a rien à faire. Bah ouais, ouais. Bah tu restes avec les potes et tout. Tu geeks un peu, tu joues un peu ou pas? Ouais. Sur PS4. Sur PS4, ouais. Il nous reste, je crois qu'il nous reste plus de jeux sur PS4. Hein, ouais. Putain. J'ai donné. Hier, on a avoiné, j'ai filé un milliard de trucs. par contre, on a. Attends, et Flo, des cadeaux dans le couloir, là. Ouais. Attends, viens faire un bisou à l'antenne. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut. Viens nous voir. Il n'y a plus de jeux pour PS4 du tout, là. Non, mais il y a pour PC encore. Voilà, mais on s'en fout, là. Timothée qui a une PS4. Il n'y a pas de PC, lui. Non, non. Il n'y a plus que ça, désolé. Bon, bah attends. Bon, bah je vais être obligé de t'offrir un PC, tu sais, le mec. Le Qatarite, c'est ça. Et donc voilà, on fait le Bretagne-Normandie tour, hein. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi à Rennes, samedi Caen et dimanche à Rouen. Trop hâte de venir vous voir un peu partout là, trop cool. 35-14 et dans le 76. Trop hâte de venir. Je vous adore de ouf. Dédicace à toutes, la 5e-6 du 35 justement. Emeline, Jessica, Noémie, Louise, Nolan la base. Et vous pourriez passer Jules, Fitalonzo, ils le savent. Dadouche qui vous écoute tous les soirs, salut Dadouche. Salut. Salut Guillaume, est-ce que le standard ils appellent en numéro privé? Car depuis que j'ai envoyé un message, j'ai eu plusieurs appels en numéro privé. Oui. Eh oui les gars. Il faut répondre. Et on le dit tout le temps, putain, c'est numéro privé les gros. Si vous voulez passer à l'antenne, faut répondre au numéro privé. C'est le passage obligatoire. En fait, on est obligé de vous appeler pour passer à l'antenne. Mais c'est gratuit, hein. C'est juste que on vous appelle, comme ça on vous met en attente, nous, et c'est nous qui payons. Quoi. Non, le job, ça pille plus en panne. Content de vous retrouver après une journée de travail, même si dans une semaine plus de cours. Ah ouais, Lucas, de plaisir. Ah, salut mec. 78. Eh, t'inquiète, dans une semaine, c'est les vacances. Ah ouais. Et dans une semaine, c'est. Et dans une semaine, c'est l'été. Quoi. Les cocktails. Putain, ça y est, on pourra se. Hier, j'avais passé plein de musique de reggaeton et tout. Ah, c'était bien, ouais. Et ben voilà, c'est ce que vous pourrez écouter dans une semaine. Là, vous pourrez vous mettre en mode été. Ambiance plage. Ah là là, putain, la ouais. Quête a... Morito. Eh oui, peut-être pas forcément Morito, mais. Amina Solar, ses vacances, ça arrive avec alcool tout de suite. Et pas genre soleil ou quoi. Non, le premier mot qui lui vient, c'est alcool. Mais non, mais reggaeton, tout ça. Tu bois beaucoup, Amina Solar, t'es vraiment une buveuse, toi, un peu ou pas? Est-ce que t'es un trou? Est-ce que t'es un vrai. Non, en vrai. Non, mais c'est une vraie question, hein, pas moqueuse, hein. Est-ce que t'es un vrai trou? Non, c'est vrai que j'aime bien faire la fête. Faut pas se mentir. Est-ce qu'il y a beaucoup de liquide qui passe dans ce Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de cristalline. Et beaucoup de cristalline. Voilà. Non, c'est une vraie question. Attends, c'est possible. Voilà, est-ce que non, voilà, non, franchement, je sais me tenir, je fais attention. Non, ça va, ouais, t'y arrives. Ouais. Alicia et Naoufel, bonsoir à toi, une dédicace à mon Guigui. Salut à toi, gros bisous à tout le monde. Guillaume et votre message 612. Moyen qu'Amina du standard t'es la SFR en direct, ça peut être drôle. Nico, ouais. Non, mais alors ça, c'est vrai. Elle s'est fait enculer par une Rome hier dans le métro. Ah, mais là, elle s'est fait, attraper son téléphone et elle a appelé un numéro sur taxi, c'est fait ken. Dégoûté. Tu veux pas qu'on appelle en direct avec ton numéro? Mais ça s'est pas actualisé. J'ai appelé il y a un quart d'heure, 20 minutes. Ah, mais t'as dit qu'ils étaient pas dispo. Mais peut-être que si t'appelles pour avoir le mec là en haut-parleur, ça pourrait être dispo. Bah, on peut essayer si tu veux. Vas-y, appelle les haut-parleurs. Allez, Amina, on va essayer. Attends, ça serait. Non, mais ça serait magnifique. Et s'il faut, elle s'est fait enculer 3 000 euros. Ah ouais, là, dis pas ça. Alors là, c'est un malaise. Bah ouais, putain. Ah, bon, j'appelle la banque. Non, mais ils ont des numéros spéciaux pour te niquer. Hein. Ah oui. Ah, genre la mafia. Moi, quoi. Tout à l'heure, j'ai un 0983 qui m'a. Oui, moi aussi. Depuis... Vous avez un faut appel urgent, rappel au 09. Il faut pas le rappeler. Non, je sais bien. Ah putain, c'était ta vie. Je pense que c'est après le même genre. Mais attends, ils t'ont appelé aujourd'hui? Non, la semaine dernière. J'ai le standard. Pareil, dans la semaine, ce week-end aussi. Ah bah moi, c'est cet après-midi. Ouais. Il y a une voix bizarre, un robot. Comment ils ont. C'est quoi ces sociétés? On est sur les C'est quoi? Je pense que c'est des mecs qui font des millions en 15 jours et après ils ferment la boîte. Ouais. rappelle tous les numéros les uns après les autres, c'est numériquement. Ouais, les gens qui répondent. Et bah voilà, c'est gratuit, 09. Ah ouais, c'est pas grave. Donc, et on rappelle, quand tu rappelles, tu te fais ken. Et je suis sûr qu'il y a des papiers, des mamies, ils comprennent pas. C'est sûr, parce que c'est sûr, ça, les pépés, les mémés. Amina du standard, ça marche ou pas? Ouais, mais là, c'est appuyer sur un machin. Ah, vas-y. On a le temps. Moi, j'ai acheté un de vos t-shirts. Ah, merci les potos, c'est trop gentil. Merci beaucoup les mecs de nous aider et tout, à faire connaître l'émission, c'est trop bien. Je t'embrasse, mon pote. J'ai besoin de vous ce soir, l'une de mes meilleures amies est dans le coma pour une embolie pulmonaire, elle est en mort cérébrale. Oh, oula, putain. C'est pas bon ça. Ouais, laisse ton numéro si tu veux qu'on t'appelle, je te fais un gros bisou. Et puis laisse ton numéro, je vais t'appeler avec plaisir là. Toujours à l'heure pour Guillaume Radio, bonsoir le polar du 57. Et bonsoir à vous les taxis, bonsoir à vous ceux qui bossaient la nuit, bonsoir à vous ceux qui découvrent l'émission chaque soir là, et qui arrivaient peut-être par hasard ou par erreur ici. J'appelle Guillaume, nous sommes sur Énergie, c'est 22h01, c'est la des rares dernières émissions en direct dans l'absolu, vraiment sans aucune seconde de décalage. Amina du standard, c'est bon ou pas? Je te vois lever la main en l'air. Nous vous informons que nous sommes ouverts de 8h à 22h. Ah oui, ah, c'est nickel, d'accord. Là. Alors j'en fais 22h17. C'est relou quoi. Il y a Julien le stagiaire de l'émission. Ouais, vous présente tout le monde hein, si vous découvrez l'émission ce soir. JM du standard. Ouais, bonsoir à tous. Amina au standard. Oui, Flo des cadeaux. Salut tout le monde. Flo des cadeaux d'ailleurs, c'est toi qui fais le jeu de ce soir. Ouais. Tous les lundis, Flo des cadeaux, il nous trouve 10 tueurs en série et 10 meurtres un peu hardcore. Avec toujours un thème. Par exemple, ça va être un thème, ça va être en France. Ouais. Ça va être avec un rapport avec les enfants, un rapport avec les animaux. Ouais. Il y a toujours un rapport avec quelque chose. Il faut. Je vais prendre deux d'entre vous à l'antenne. Il va falloir savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que Flo Descadeaux a inventé l'histoire ou c'est une vraie histoire? Ah, c'est marrant. Malheureusement, les pires souvent ce sont les vrais. Ouais. Et ce soir, c'est sur quoi comme thème, Flo Descadeaux là? Bah, pour rendre hommage à la Belgique, vu qu'il joue ce soir, c'est sur la Belgique. Eh bah, c'est la Belgique. Bon, je sais pas, c'est vraiment rendre hommage. Voilà. Eh bah, en tout cas, allez la Belgique ce soir, allez les Italiens. On va suivre le match. Il y a toujours un zéro. Pour l'Italie, ouais, il reste une demi-heure de jeu. Voilà, pour ceux qui suivent, donc un quart d'heure, ça fait un quart d'heure que la deuxième mi-temps a commencé. Ouais, c'est ça, l'Euro. Et on se tient au courant dès qu'il y a le moindre but. Hein. C'est l'Euro ce soir. Et alors, il y a eu des matchs aujourd'hui, il y a eu le Suède qui a fait un partout là. Contre l'Irlande et il y a l'Espagne qui a battu les Tchèques 1-0 à Toulouse. Voilà, ceux qui suivent un peu le match. Et demain, le Portugal qui joue. J'ai un partiel de français avec le match et ton émission Galère pour dormir. Salut Jean-Louis, salut JL. C'est vrai que t'es tenté après. Salut, je vous écoute dans ma pizzeria. Vous êtes géniaux les mecs. J'attends 22h avec impatience tous les soirs. Salut moi Axel. Et salut la pizza. Ouais. Pizzaiole. Ciao. Salut. J'ai une musique un peu italienne. Il me faudrait une musique un peu. Non, j'ai une musique espagnole. Il me faudrait une musique un peu italienne. Attends, parce que j'ai une musique irlandaise. Ah bah oui. Avec les chefs de bière. Attends. Ah, ça c'est Castagnette. Voilà. La famille, quand ils sortent dans la rue, là, ouais, là, quand je pousse la puerta. Attends, je crois que j'ai des. En plus, j'en avais des. Ouais. Putain, des musiques italiennes. Classique, la base. Mais Mutiamo, je sais pas quoi, là. Sarà perché ti amo. Ah, voilà. Ah, oui. Eros Ramazzotti. Ah. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas italien. C'est Brésil. Là. Ah, ouais. Allez les Italiens et allez la Belgique ce soir. On suit les deux. Moi j'ai un t-shirt belge ce soir là. Mais ouais. Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Et ce soir il y a le double hit qui peut tomber aussi avec des places. On a des places pour Rihanna, pour Maître Gims, pour Justin Bieber à vous offrir avant 1h du matin. Voilà les Italiens. Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione. Gogo, trop contente de vous écouter au collège de la Villette et à Martin qui vous écoute. Bonsoir Alison. Moi j'ai pas eu cours aujourd'hui grâce aux examens. Salut à toi aussi. Content de vous retrouver après une journée de travail. Si dans une semaine plus de cours, bah, salut les profitez de la dernière semaine. Ah ouais. Moi j'ai deux t-shirts et un sweat de ton émission. Gros bisous Amandine, 27 ans, je t'embrasse très fort. Ces plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers Mythique. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Bah moi, je fais pas d'allergie, j'ai rien de spécial. Mais faut faire un test, ils trouvent rien. Ouais. Ah, ils savent pas, mais t'as fait des essais genre à l'hôpital et tout ça? Ouais, j'ai fait un truc pour mon cœur, une prise de sang, ils trouvent rien. Ah, et putain, c'est relou. Hein. Est-ce que vous avez, pareil, un problème physique non élucidé? On a tous un peu des. On avait commencé à en parler le soir. Ouais, je me rappelle. J'avais expliqué que j'avais un peu mal au ventre à cause du stress. En fait, on m'a fait une sorte de sachet à la banane, là, dégueulasse. En fait, c'est passé. C'est une sorte de plâtre un peu pour l'estomac, là. Il te donne un peu de. Parce que parfois, quand t'es stressé, il paraît que j'avais expliqué que les intestins, c'était le deuxième cerveau de l'homme. Ouais. Et que, apparemment. En fait, c'était le gastro-entérologue qui m'a expliqué ça et que quand t'étais un peu stressé, tes intestins se serraient. Et du coup, c'est pour ça que parfois, t'es constipé. où tu chies. Par exemple, avant un entretien d'embauche, t'as envie de pisser, t'as envie de. Ouais, c'est envie le stress. Parce qu'en fait, tes intestins se contractent et du coup, t'as envie de t'expulser tout ce que t'as à l'intérieur. T'as même envie de vomir d'ailleurs. Ouais, quand tu manges pas. Avant de monter sur scène, pour ceux qui font qui ont déjà fait de la scène ou avant un entretien d'embauche, t'as envie de quicher, quoi. Ça a rapport avec les intestins, voilà, ou l'estomac. Est-ce que pareil, vous avez un problème physique non élucidé? Oula, on met l'enquête. Genre, vous avez. Non, mais c'est intéressant. Guillaume, et votre message avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Je vais lire vos messages. Si vous voulez passer avec nous, vous êtes les bienvenus. Il y a forcément quelqu'un qui écoute à qui c'est déjà arrivé. Sur Énergie, 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Gaëlle ? Oui ? De la MED dans les Bouches-du-Rhône ? C'est bien moi. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Plus Manu, plus Énergie ! Eh oui ! Je vais doubler ton salaire. Chaque mois, tu touches 1130 €. Eh ben, ça va faire pour toi 2260 € qui vont arriver. C'est super, merci à tous, vous êtes géniaux, continuez comme ça. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra s'est vendue en pack de 3 maintenant. Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, oh, c'est cool. C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95 € le lot, soit 1,32 € le litre. Voir modalité dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top. Énergie présente Énergie Extravadance à l'Oglis Park le 18 juin avec Sam. Le samedi 18 juin, les stars et DJ Energy viennent faire la fête avec vous dans l'un des plus grands parcs aquatiques de France en Vendée. Retrouvez Oriska, Sound of Legend, Boosty, Unique et Souf. Énergie Extravadance à l'Oglis Park le 18 juin. Surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et si on parlait Renault Service ? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc ? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial ! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. En modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides ? Quoi ? J'ai des rides, moi, maintenant. sur Énergie de retour. Bon, allez hop, c'est bon, la pub est terminée. Ça fait deux minutes, j'attendais, ça se termine. C'est bon, on est là à l'antenne sur Énergie. Bonsoir tout le monde. Il y avait Louis qui est là, qui a appelé aussi. Bonsoir. Et puis Timothée qui réagissait avant, qui avait du mal à respirer. Tu m'entends, Louis, parisien, du 17? Oui, ça va, je m'entends. T'es déjà passé, toi, Louis, avec nous là? Non, jamais. Jamais. Alors, on avait un Louis du 17 qui est passé il n'y a pas très longtemps que ça, là. Eh, perché ti amo, perché ti fusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Ah là là, c'est bon ou quoi? Et t'es pour qui, toi, Belgique ou Italie, ce soir, Louis, là? Plutôt Belgique. Plutôt Belgique. Eh ben, allez les Belges, okay. On suit le match. Hyper d'un zéro. Ce soir, hyper d'un zéro pour l'instant. Oui, il reste 20 minutes. Attends, c'est pas terminé. Ah non, moi j'y crois. On va voir. Eh, les Russes, ils ont mis un but à la dernière minute. À 93ème, ouais. Vraiment, dernière seconde. Russes, juste avant qu'ici, deux secondes avant qu'il ait déjà sifflé dans la bouche. C'était énorme, ouais. Le match en plus. Ouais, c'est dingue. Angleterre-Russie, ouais. Et bon, bah écoute, en tout cas, enchanté, Louis, parisien, 17 ans alors. T'es du 17ème, t'es à quelle arène métro, toi, Louis? La Porte de Clichy. Porte de Clichy. Sur la 13. Ok, cool, dans le Nord. À quand une émission à La Rochelle? Ah, bah j'aimerais bien. Salut au collège Agrippa d'Aubigné, dans le 4B, là, c'est, enfin 4B, la classe. Je suis en préparation du brevet. Bonsoir à vous, les mecs. Au collège La Villette et à Martin qui vous écoute. Bonsoir, Alison. Bisous. Au cousin de Don Lou dans le 35 aussi. Salut, les mecs. On vient dans le 35 vendredi, on vient à Rennes. Ah, venez. 16h à 19h30. On vient dans la Fnac. On a emprunté un petit coin de la Fnac et tout pour se rencontrer à la cool et tout. Donc, centre commercial Columbia, place du Columbia à Rennes, 35 000. Voilà, les potes de l'Ille-et-Vilaine. C'est tous les bienvenus vendredi après-midi là. Et toi, Louis, tu voulais réagir par rapport aux problèmes physiques non élucidés, c'est ça? Voilà. On se demandait un petit peu les problèmes physiques qu'on avait. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui l'avaient et tout? Ça peut donner parfois des réactions et tout, de mecs qui ont la même chose que toi, qui ont trouvé la solution. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Louis? Alors, tout simplement, j'ai un abdo qui est plus gonflé que les autres. T'as un abdo, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'abdo haut à gauche. Ouais. Qui est plus gonflé que les 5. Ah, il ressort un peu. Ah, bah moi aussi, c'est normal. Ouais. Je crois que c'est normal, c'est parce que t'as le cœur, non? Mais non, le cœur, on le voit pas normalement. Ils sont plus faciles à faire en haut, je crois. Non, je crois que c'est même pas en fonction de ce que t'as fait ou quoi. Je crois que c'est juste normal, quoi. J'ai le standard. Non, moi, ils sont pas symétriques. Allez, moi non plus, mais ça, c'est normal, non? Non, je crois pas. Si, moi, ils sont un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est normal, hein. Non, je crois que les abdos, ils sont pas à la même hauteur. Gauche et droite, en fait, il y a un petit décalage. C'est en escalier, en fait, les abdos, ouais. Je vois pas la différence, ouais. Et du coup, pourquoi il est vraiment gonflé, genre? Bah, des fois, ça arrive quand je contracte un peu, ça se voit un peu, mais. Ouais, tu te demandais pourquoi. Tu sais que moi, quand j'ai remarqué un truc sur mon ventre, ça vous fait passer un peu une côte qui ressort plus à l'abdo gauche. Justement, premier abdo, l'abdo le plus en haut, et ben l'abdo gauche le plus en haut, donc sous le pec gauche, en gros, j'ai comme une petite boule, en fait, comme la côte, en fait, qui ressort. Non, je pense que j'ai dû me casser une côte. Non, c'est comme ça, un peu devant, tu vois, je sens là que j'ai une bosse, quoi. Voilà, Non, ici, là, j'ai vraiment un truc, je sais pas pourquoi, quoi. Est-ce que t'as un problème physique aussi non élucidé ou tu t'es toujours posé la question? Ouais, depuis tout petit. Un en mal fait. De doigt, un truc chelou, une bosse. Le petit doigt gauche. En fait, il n'arrive pas à être droit, j'arrive pas à le plier correctement. C'est de la merde, hein, mais j'arrive pas. Je comprends pas. En fait, le petit doigt de la main droite, pardon, j'arrive pas à le mettre droit comme les autres doigts. Le mec, il me montre sa main droite, il dit tu vois ma main gauche. Non, pardon. On parlait de l'abdo gauche, c'est pour ça. Et en fait, le petit doigt droit, j'arrive pas à le mettre droit. Alors, ça veut dire quoi le mettre droit? Bah droit comme là, les doigts. Là t'as la main droite là. Oui, ah mais, non. Tu vois il se, je sais pas comment dire, ah, il se, putain, il se campe tout ouf. Seul. Attends. Mais vas-y, essaye de détendre la main. Tu vois. Ah oui. Il revient vers le creux de la main en fait. Oui, il revient vers l'intérieur. En fait tu peux pas le laisser tendu. Depuis que je suis tout petit. Tu vas le laisser détendu. Voilà. Ou alors je dois serrer moi et du coup il pense. Et laisse ta main naturelle là. Ah ouais. Ouais bah ouais, c'est normal non? Bah non parce que l'autre main. Bah ouais, un petit peu quoi. Et tu peux pas faire le signe genre me roi là. Si j'arrive. Si j'arrive. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a Flo des cadeaux? Non, j'ai déjà essayé de lui faire, il y arrive jamais, il est toujours plié. Son petit doigt. Regarde, il est pas droit. Il arrive pas à le mettre droit. C'est vrai, Je force pour qu'il soit droit. J'aime ça. Est-ce que t'as une particularité, un problème physique non élucidé? Ouais, en fait, moi, des fois, ça m'arrive, on va dire, une fois par mois, peut-être, j'ai des pointes au cœur. C'est trop bizarre. C'est pas bon ça. Non, mais vraiment. Non, mais ça, c'est des pointes intercostales que t'as, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que tu m'as déjà vu en plus, des fois, je reprends mon souffle et tout, j'aime mais ça m'arrive aussi. Parfois, tu sais, quand tu respires. Ouais, t'es en fait, t'as l'impression qu'il y a une sorte de hauteur de respiration. Et dès que tu le dépasses, ça refait mal et tu pousses un peu la limite petit à petit. Ouais, c'est ça, mais ça, ça a rien à voir avec le cœur. C'est un petit souffle. savez. Bah c'est, en fait, c'était comme les côtes de porc, tu vois, c'est la viande. Entre... Non, mais c'est pas une côte. C'est comme quand vous mangez une côte de porc, eh ben, c'est la viande entre les côtes. Ouais. Et c'est une pointe à ce niveau-là, en fait. Ouais, c'est t'as de la viande entre chaque côte. Mais ça me le on fait peut te manger, hein. Et ça fait une petite douleur sur la gauche. Mais ça fait mal, hein. T'as l'impression qu'il t'arrive un truc. En fait, il paraît que les vrais AVC, les problèmes vraiment de cœur ou les AVC, ça fait pas mal. Ça fait juste. En fait, t'as une douleur un peu dans le bras gauche, mais c'est pas très très douloureux. Et surtout, dans le bras, ça devient un peu insensible ton visage. Ça paralyse. Et il paraît que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes réactions. C'est-à-dire qu'une femme va sentir un AVC arriver différemment qu'un homme. Et genre, en fait, c'est pas du tout les mêmes symptômes qu'on c'est a. C'est de la merde, l'AVC. Ah ouais. Et ouais, et imagine, en fait, ça peut être une paralysie un peu faciale de la bouche, ouais, sur le côté aussi, gauche. Ouais. Pour les femmes, etc. Et je crois que pour les hommes, c'est plus le bras et l'épaule. Une sorte de petite douleur et tu sais pas trop ce que c'est. C'est fou. Hein. Ouais. T'imagines Salut Guillaume, vous êtes géniaux. Merci, hein, Ethan de Chamini. Gros bisous à toi, pote. Coucou, trop contente de vous écouter aussi. Salut, dédicace au collège La Villette. Martin qui écoute, salut. Alison, à ma femme, je l'aime. Gros bisous à son Pierrot. Bah, salut à toi. Salut Pierrot. Collège Jean Rostand dans le 7-3 aussi, à la 5ème G. À mon pote Maël et à mon meilleur pote Timothée. Salut à tous les meilleurs potes. Est-ce qu'il vous arrive pareil un truc physique, Amina du Standard? Est-ce que t'as un truc physique un peu non élucidé? Ah mais moi j'ai plein de problèmes. Déjà j'ai le cul qui gratte. Non. Je gratte de partout. J'ai pris une éponge avec côté vert et je frotte. Ce contexte, la chouchoune. C'est pas du tout dangereux. Là, tu mets la brosse à chiottes dans mon sac. Tous les matins. Est-ce que t'as un truc vraiment qui est encombrant? On va retrouver Laetitia qui saigne du nez en permanence dans deux secondes. C'est chiant ça. Moi ça m'arrive aussi. C'est le stress. De plus en plus saigne du nez tout le temps, quoi. Enfin non, de plus en plus, non, mais toujours pareil, quoi. Amina du Standard. Ouais, bah déjà j'ai deux ans. Moi j'ai saigné du cul, Guillaume. Arrête. C'est pas à cause de la chaleur, Guillaume. C'est à cause des hommes, Guillaume. Mais non. Non, c'est pas toi, je parle pas de toi. Je lisais un SMS. Ah, pardon, excuse-moi. Qui était pas susnommé. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et c'est quoi, on se fait boosty et tu nous racontes, Amina du Standard. Laetitia, tu bouges pas, ma chérie, tu m'entends dans le 29? Oui. Eh ben salut les Bretons. Ouais, le Finistère, salut. Salut les Bretons. On vient vendredi à Rennes d'ailleurs. Tu bouges pas, ma Laetitia, tu nous racontes après, d'accord? On se raconte les problèmes physiques qu'on a et qui sont pas élucidés. Et on n'a jamais compris pourquoi. Guillaume et votre message. Voilà, vous commencez le texto par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Il arrive sur mon petit écran d'ordi. Et je vous rappelle direct. Si vous voulez juste que je lise le message, vous me laissez pas votre numéro. Moi, je les vois pas, les numéros d'envoi. Guillaume et votre texte, vous l'envoyez au 6-11-12. Vous me laissez 3-4 minutes et vous l'entendrez à l'antenne sur Énergie. Ok. Je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non, j'ai pas une vie droite. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. On est ensemble chaque soir de 22h à 1h sur Énergie. Le diable s'habille plus en Prada. Allez. et Sopra, on se l'écoute après. Le diable ne s'habille plus en Prada. Jeudi, on reçoit Jules dans l'émission. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. J'ai créé un arrive au hasard, donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos et je pense qu'ils peuvent pour moi. On l'aura jeudi, vendredi, on vient vous voir à Rennes, à la Fnac de 16h à 19h30. On se rencontre à la Fnac. Venez nous faire une bise, les potos, si vous découvrez l'émission. Si vous écoutez du taf ou des cours tous les jours et que vous avez découvert, venez faire un bisou. Franchement, on se serre juste la main, on se fait des photos ensemble, on rigole. Ça fera plaisir de voir un peu à qui on parle le soir. Samedi, on vient exprès à Caen, on prend la voiture le lendemain. De midi à 15h, on se retrouve à la Fnac. Et dimanche soir, de 20h à minuit, on fera l'émission en direct du studio d'énergie à Rouen. Ceux qui veulent venir, il n'y a pas besoin de tickets, les mecs, c'est gratuit, hein, tout le week-end. Hein. Bah, venez, 19 ouais. Rue de l'Aubette à Rouen, on se retrouve là-bas dans le studio. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Deux jours avant la philo, là, en plus, là, pour ceux qui passent le bac de philo, la merde, là. Je suis, putain, galère pour tout le monde, là. Je sais que c'est un peu chiant et tout. Bon, et il y avait Laetitia qui saignait du nez. Tu m'entends, Laetitia, ma chérie, t'es là? Oui. On se racontait un peu les problèmes qu'on avait physiquement et qu'on n'avait pas réussi trop à élucider. Alors qu'est-ce qui t'arrive toi Laetitia? C'est avec le saignement de nez? Quand il fait trop chaud ou quand je stresse trop, je commence à saigner du nez pendant ça peut durer des heures. Ah oui, ça pisse quoi. Oh là là. Moi c'est vraiment hallucinant, hein. C'est-à-dire que je vais dans la douche, j'ai tout par terre qui est rouge. Hein. Ça m'arrive d'avoir un filet de sang. Et ça coule sur mon visage et tout. Alors parfois je laisse couler exprès. Bah, il faut. Et après je mets plein d'eau d'un coup et ça fait tout rouge sur le sol. Tu sais, dessine des trucs et tout. T'as l'impression que t'es un peu un guerrier. Ou alors t'as l'impression que tu viens de tuer quelqu'un dans Dexter. Et d'ailleurs, attends, il y a un mec qui vient d'être tué là, juste pour faire une petite pause avec un flash info, mais on est en direct, il est 22h40. Il y a un commandant de police qui a été tué à l'arme blanche chez lui dans le 78. Ah merde. Et le mec s'est retranché avec sa femme et son enfant. Enfin, la femme du mec qui vient de tuer. Non. Et l'enfant du mec qui vient de tuer, le preneur d'otage vient de rentrer dans la maison du mec dans le 78. Et le raid vient d'arriver sur place. Voilà. Oh là là. Ouais. L'homme est retranché à la maison du policier. De toute façon, il n'ira pas plus loin. Ah bah là, il va finir mort. Mort ou les deux mains en l'air, quoi. Ah, c'est un voisin, ouais. Et c'est un voisin, ouais. Non, mais il y a eu des problèmes. On vient de le savoir, là. Ouais, bah, sur le site, ouais. Il n'a pas tué le parisien. Ah putain. Ah, sur le site du Parisien. Ouais. Je dirais pas la ville, mais. Sur du meurtrier. Magnanville. Ouais. Ouais, on peut le dire de toute façon. Ouais. Magnanville, oui. Vous habitez à Magnanville. C'est aller des perdrix à Magnanville. Mais on n'y allait pas, c'est pas la peine d'aller prendre une balle perdue. Jamais. Surtout pas, ouais. Mais le mec, il est avec un couteau en plus, hein. C'est même pas un. Tu vois. C'est ouf, ça. Attends, franchement, elle est galère de voisin, putain. Ah, mais là, il y a un meurtre. Mais à quoi ça sert, ouais? Tu sais que tu vas finir ta vie. Bah, mal. Tu vas tuer ton voisin, tu sais que c'est terminé, ta tienne aussi. Ouais. C'est comme si tu partais de chez toi et tu y allais, c'est bon. Mais il le sait, alors. Les 15 prochaines années, je vais passer dans une pièce de 9 mètres carrés, c'est super. C'est un fou, le mec. Mais attends, c'est quand même gâcher sa vie, quoi. On en a qu'une, quoi. Attends, c'est dommage, ouais. En tout cas, voilà, on vous tient au courant. Il y a toujours le match Belgique contre l'Italie qui se joue en direct de Lyon ce soir pour l'Euro. Ouais, la Belgique qui perd 1-0, il reste 5 minutes de jeu là. Ah ouais, putain. Ouais, c'est quasiment fini. Ouais, c'est quasiment terminé. Est-ce qu'ils vont nous faire comme les Russes? Ils vont nous en planter un beau à la fin. Moi, je crois en match nul après. On va tenir, on va voir ça. Salut les mecs, c'est quoi ta chanson d'ambiance? Salut Flo du 34. Ah bah, j'en ai plusieurs. Ça, c'est Jules. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamber. Émotion, ça, c'est Maître Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ça, c'est Soprano. Dans le jab, ça pille plus en Prada. Ça, c'est Kinvé. Ça, c'est Daddy Yankee. Je suis déjà en vacances, dédicace au collège Rodin, Paris 13e. Bisous, Nathan le Calve. Salut. T'emballe pas, c'est Pizza Sprint. Pourquoi tu dis t'emballe pas? Les voisins vont t'en remporter. Salut à toi. Peut-être le premier SMS. Ah. On parlait de la pizzeria tout à l'heure. Pourquoi t'emballe pas? Ouais. Après, pour ton cousin ou quoi? Je suis là. Hein. Vous avez des nouvelles concernant votre contrat? Si vous serez là l'année prochaine? Toujours pas, gros, mais ça avance. Ça avance, mais. C'est le doute. Plane. Le doute persiste. Pour l'instant, je sais pas, gros. Je sais même pas si on sera l'année prochaine. J'espère hein, vraiment de tout mon cœur. Mais enfin, bon. J'ai essayé d'envoyer des fleurs à mon patron, mais répondu, j'ai envoyé un ballot de chocolat, il m'a pas répondu. Non mais dès qu'on le saura, je le dis rien. Salut au chauffeur JLF et à Dom Dom qui est sur la route en train de t'écouter. Salut man. Salut, bonne route. Merci beaucoup. On se fera la nouveauté là qui s'appelle Mommy. Aloha. On s'écoutera dans 30 secondes. Et Laetitia qui saigne du nez. Et comment tu fais pour arrêter le saignement du nez? Tu mets ta tête en arrière, tu fais comment? Non, faut mettre la tête en avant tout le temps et laisser couler. Ouais. Pendant 15 ans, ils ont dit qu'il fallait mettre la tête en arrière. Bah, ils sont bêtes ou quoi? Ils ont dit qu'il fallait plus faire ça. Et maintenant, c'est contraire. Maintenant, c'est en avant. Ouais, j'ai peur, les médecins. Bah, mais ça fait couler, non, mettre la tête en avant. Je sais pas, moi aussi, j'ai le même problème. Non, mais tu fais couler, tu te mets au-dessus d'un lavabo? Bah, je mets un mouchoir en dessous et je laisse couler la tête vers l'avant. Et faut bien presser le nez, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que sinon, ça coule dans ta gorge. Ouais, ah, ouais. Bah, c'est pas très grave, non? Bah, il paraît que c'est pas très bon. Ah, c'est vrai, ouais. Amina du standard, pareil, t'as des saignements, ça t'arrive. Bah, si tu veux, moi, c'est le cul, pareil. Ouais. Je suis obligé de me mettre en arrière. Ah, arrière. En l'air, Guillaume. J'en ai marre. Les allers-retours. Ok, d'accord. Vous avez vu le sélectionneur allemand qui a mis la main dans son sang? Ah ouais, ah oui. Il s'en a mis un plein match. En fait, en vrai, tous les mecs le font. Mais là, il est pas fin, le mec. C'est un peu, je trouve. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve un peu abusé, c'est qu'il le fait trois fois. Après, il est maintenant la deuxième fois. Il y a un mois, il a mangé ses crottes de nez. Ah ouais, sur le nez. Il est bon. Non mais abusé. Et lui il est chaud, mais il est marrant. Putain, moi j'ai deux trois mecs avec qui j'ai envie de lui organiser un repas. J'en connais deux trois des mecs comme ça. Georges Sora dans 92. Bah, je suis assez t'es un peu pareil. Oui, alors tu vas dire ça, mais t'as toujours le nez. Oui, je me cure le nez, mais j'entends. Mais toi, tu me regardes en mangeant. Non, je mange pas. Non, mais tu vas fouiller. Mais parce que je suis à l'aise. Je suis bien. Les fesses. Non, les fesses pas. Souvent. Donc quoi? Dans les fesses. Ah, c'est vrai. Ah bon, je me rends pas compte des fesses alors. Tu caresses un peu le. En fait, tu caresses un peu le haut de la fente. En fait, je suis comme un chat quand je suis à l'aise. Je me caresse les fesses. Et tu passes ton doigt et on voit. Et après tu sens. Non, je sens pas. Si, c'est vrai. Après ça, si on le fait tous avant la bouche. Ah bah bien sûr. Que je respire mon boxer le soir en rentrant. Tu sens voir si c'est une catastrophe ou pas. Mais la douche. Et il y a des fois t'es limite déçu quand tu sens pas. Tu dis putain. Et du coup tu vas plus profond et. Et alors tu fous profond, je viens de te. Et après t'es content, t'as ce que tu voulais. Et là, je peux dormir heureux. Et après, je fais ma nuit tranquille. Voilà. Cherche sa petite odeur. Mais en vrai, je pense qu'on est des animaux à ce niveau-là. Hein. Ouais. Et là, et Laetitia, ouais. Tu fous tes doigts profonds dans ton nez aussi. Et non, mais moi, c'est pareil. Souvent, c'est du nez. Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est les vaisseaux, non? Je crois que mon grand-père, il s'était fait cautériser un peu le nez. Mais ça, c'est des vaisseaux. Pour ceux qui saignent beaucoup du nez, tu peux avoir une sorte de petite opération avec un laser. Pour saigner moins. Et ça t'enlève les deux, trois vaisseaux qui coulent tout le temps. Même du coton spécial et tout pour les gens qui saignent beaucoup. Et c'est-à-dire pour le mettre dans le nez, une sorte de Tampax de nez, quoi. C'est ça, ouais. Ah, mais il y a des gens, c'est plus épais et tout. Bien sûr. À cause de quoi? Bah parce que je saignais beaucoup du nez quand j'étais petit. Ah ouais. Ouais. Je faisais du judo et dès qu'on mettait par terre, des fois je pissais le sang. Mon auto rouge et tout. J'aime ça, ça faisait mal mener. C'est compliqué. Salut Guillaume, pour les saignements du nez, il faut presser la narine pendant 9 minutes, le temps de coagulation. Bah, 9 minutes, c'est long. Merci Emmanuel Prado. Bonsoir Emmanuel Prado. Salut Emmanuel. Eh ben c'est gentil pour la réaction. C'est sympa Emmanuel Prado, on t'embrasse. Emmanuel Prado, qui n'est pas forcément de Marseille, attention. Ah non, c'est pas obligé. Je suis déjà en vacances, dédicace au collège Rodin, Paris 13e. Bisous Nathan Lecal, parce que je viens de voir son Twitter, il est de Marseille en fait. Alors c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est un quartier de Marseille. Le exactement, Prado. Ouais. Tu pourrais me dire le résultat entre la Belgique et l'Italie? Ça y est, enfin, toujours 1-0 pour l'Italie. L'Italie. Ouais, quasiment fini là. Avec un but de Gyari. D'un Italien. Je vous kiffe, vous êtes super. À toute l'équipe, salut Eric du 8-5 et de la Nouvelle-Calédonie. Salut à toi. Salut. Alors, on se raconte un peu les galères physiques qu'on n'a jamais trop élucidées. Amina du standard, est-ce que tu as une galère physique? Alors, déjà, j'ai des os en plus au niveau des pieds, sur les côtés. Donc, c'est pas très très beau, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, t'as quoi? T'as un orteil en plus, non? Non, j'ai des boules en fait, des os sur les côtés des pieds. Bah, ouais. Moi aussi, sur le milieu des pieds, c'est normal d'avoir une petite boule. Hein. Pas là, sur le côté. Non, à l'intérieur, oui, moi je parle à l'extérieur des pieds. Hein. Non, à l'extérieur, au milieu, j'ai une petite boule. Moi, si je passe le doigt, je sens qu'il y a une petite boule, normalement. Moi, j'ai non deux grosses boules. On m'a mis deux boules sur la narine et ça m'a fait éclater. C'est du nez. Alors, bon, donc. Et j'ai ça, mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, j'ai remarqué il y a quelques temps que mon nez avait un problème. J'ai deux narines hyper différentes. C'est-à-dire? Bah, franchement, ça se voit. Non, mais c'est normal d'avoir deux narines différentes. C'est comme les yeux, c'est pas pareil. C'est comme les oreilles, c'est pas les mêmes. Je crois bien que j'ai complètement deux narines aussi. Pas symétrique. Je l'ai montré à des potes, ils ont halluciné. Ah ouais, moi aussi, je crois, non? Ah oui. C'est vraiment très différent. Vraiment. Viens montrer ton nez, Mina du standard. C'est tellement chic. Elle a une narine plus grosse. Regardez avec votre portable, vous le mettez en. Ouais. Mettez-le en. Non, mais je vois. Attends. Ah ouais! Ah putain, t'as un nez de travers. En fait, tu peux le voir. Je la vois derrière la glace, c'est ce qui est dans le couloir. Attends. En fait, on peut le voir avec son portable. Vous le mettez en mode selfie, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez une narine très différente? J'ai des poils. Non, j'en ai un autre. Non, toi, t'as pas de jumelles. Vas-y, lève la tête. Ouais, normal. Ouais, ah, petit peu à gauche, un peu plus grand. Ouais, c'est vrai, je vois pas. À peine. Amina du Standard, c'est genre deux fois plus gros. C'est flagrant, vraiment. Ah oui, c'est pas du tout la même taille. Il y a eu un trou. C'est ça. Non, mais c'est quoi, ça peut prendre un coup de boxe ou un truc, ça peut te casser le nez parfois et te le décaler un tout petit peu, ça fait grandir le truc. Je suis tombée une fois quand j'étais petite, j'avais 2 ans sur un ballon et je me suis éclatée par terre, c'est peut-être pour ça. Ah bah, peut-être, écoute. Je sais pas. Dans un gangbang. Ça m'a décalé le nez. Adélaïde de Montaigu, bonsoir Adélaïde dans le 85. Salut. Et ça fait très noble, Adélaïde de Montaigu. Salut. Tout le monde appelle Adèle. Excuse-moi. Adèle de Montaigu. J'ai récupéré une musique en plus d'ambiance là qui était marrante tout à l'heure parce que de temps en temps on fait des petites musiques à la con là. Vous avez vu la plus mauvaise caméra cachée de l'histoire de l'humanité? Non, c'est quoi? Non mais vous avez pas vu Flo des cadeaux, toi qui regarde toutes les vidéos, est-ce que t'as vu? Franchement non, je vois pas. Alors non mais ça s'est passé il y a 4 heures juste avant le début, enfin pas avant le début d'émission mais vers 18h, ça s'est passé en Égypte. Oula. Ils ont piégé dans une émission de télé, vous vous rappelez de la Star Academy? Ils étaient dans un château. Avec Nico, il y a l'équivalent en Égypte. Eh ben, ils ont fait la production qui a organisé ça. C'est la plus mauvaise idée de l'histoire de l'humanité. Ils sont arrivés à 10 en mode Daesh avec les vrais drones. Ah, sérieux? Enfin, ils font pas non, faire ça. Non, tu l'as vu, j'ai ça? J'ai entendu. Non, mais je l'ai vu, la vidéo, ça m'a mis mal à l'aise. Mais ça fait rire qui, ça? Bah, ça fait rire personne, en fait. Et tous les candidats se sont mis à hurler leur mort. Voilà. Normal. Attends, ils sont arrivés. Non, mais attends, c'est pas fini. Ils sont arrivés avec des fausses mid-raid, ils ont fait s'aligner. Ils ont fait. Non, mais attendez, je vais vous faire écouter le truc. Ils sont arrivés avec des drapeaux de Daesh, ils ont mis une caméra. Ils sont arrivés avec une fausse bombe qu'ils ont fait éclater. Plainte, il y avait vraiment un peu d'explosif dans une. Ça fait comme un gros pétard. Ils l'ont accroché sur une meuf de force. Arrête. Ils l'ont fait courir, ils l'ont fait éclater. Ils avaient un faux bazooka, ils ont tiré sur un mec. Non, mais ils sont allés. C'est des faux. Ouais. Mais ils sont allés 100 fois trop loin. Je sais pas si vous avez vu. Dans cette... Alors, je vais vous faire écouter en 10 secondes. Le traumatisme. C'est passé tout à l'heure, donc en Égypte. Hein. Bosse les caméras. Attends, juste 2-0 pour l'Italie. Voilà, 2-0 pour l'Italie à l'instant, but de. But de PLE. De PLE. Ouais, PE2LE, ça se dit PLE, je pense. Salut à tout le monde. Ouais. Alors, et donc, écoutez ce qu'ils ont fait en Égypte. Fausse équipe de Daesh qui est venue dans l'équivalent de la Star Academy. Bosse les caméras. Mais c'est bosse les caméras. Voilà, il dit regarde la caméra et il tire et ils font semblant de l'exécuter avec des balas blancs. Non, ça va trop loin là. Non mais c'est la plus mauvaise idée d'une production de télé que j'ai vue de ma vie. Surtout en Égypte en plus. Ils ont le Sinaï avec un désert et tout, il y a une partie qui tient. Et donc ils vont tirer. C'est qui les mecs? Ils font s'allonger par terre avec une ceinture d'explosifs quoi. Ah c'est vrai, c'est pas drôle. Mais il y a plus aucune blague en fait. Et en direct, hein, c'est-à-dire que c'était diffusé en direct. Il voulait baiser, tu vois. Mais... Pas de buzz. Et là, ils vont tirer quoi. C'est bon. Voilà, mais il lui tire dans la gueule et tout, avec des balles à blanc. Il la rattrape parce qu'elle croit qu'elle avait évité. Elle crée la wakbar et il retire dessus et tout. Ça, c'est, donc c'était la plus mauvaise idée de caméra cachée de l'humanité aujourd'hui. Ah c'est choquant. Et c'était sur une très grosse chaîne égyptienne, donc on embrasse les Égyptiens. Et Amina du Standard. Mais je crois qu'il y a plein d'émissions comme ça en Égypte qui aiment bien faire c'est ça. C'est Dodo, mon cœur, maman, elle est au téléphone. Ah, y a des... Me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Ah, excuse-nous Adélaïde d'en prendre 10 secondes, hein, parce qu'il s'est passé ça tout à l'heure, il fait que j'en parle. Ah, là, noté, c'est dingue. Qu'est-ce que tu disais, Amina du Standard? Et ouais, une émission égyptienne, ils avaient piégé Paris Hilton il y a quelques temps en la faisant monter dans un faux avion qui allait se cracher alors qu'elle a très peur de l'avion. Et genre, elle a fait une crise d'angoisse et tout. Ça, c'est normal. Hein. Gros bad buzz, ça. Ah ouais, c'était chaud. Si, j'avais vu, mais j'ai pas vu ça faire bad buzz. Émission égyptienne aussi, du coup. Je pense que c'est les mêmes. Ah ouais, ça s'appelle Al Anara, un truc comme ça. Il faut qu'ils arrêtent là, tranquille. Ah non, Al, A-N, quelque chose. Al Ansar, un truc comme ça, non. Il devait avoir une conseillère bad buzz. C'est sûr. Ah non, mais franchement, mais c'est pas drôle du tout. Attends, donc il lui accroche le truc. Genre, ils sont en train de la filmer, genre, l'exécuter. Et donc, il a un pistolet à blanc. Il lui tire une balle et elle part en courant. Il retire une balle, donc elle tombe, elle, parce qu'il croit qu'elle est touchée, tu sais, avec le cerveau, quoi. Et après, il lui jette une fausse bombe dessus qui explose comme un pétard. Mais le traumatisme à vie. Ah ben, c'est non, mais moi, je les tue pour de vrai. Je porte plainte. Bah, ils vont porter plainte. Attends, c'est obligé. Ah, tu sors non, du mais jeu. C'est une candidate et tout, et c'est la prod. Ils se sont excusés à l'antenne et tout. Tu quittes le jeu. Franchement, ce qui est abusé. Les parents, ils font quoi? Mais ce qui est abusé, c'est que le truc, il dure. Parce que là, je vous ai fait écouter 30 secondes, mais en vrai, le truc dure 10 minutes. Et tu te dis. Regardez la vidéo. Genre, en fait, ils sont passés par-dessus les grillages et tout ça. Voilà, c'est l'émission de télé réalité en Égypte où ils ont fait croire qu'il y a une équipe de Daesh qui passait. un commando Daesh qui venait les tuer en direct. Quoi. Ah, c'est la plus mauvaise idée du monde. Et les mecs sont vraiment barbus avec une cagoule et tout. Donc en fait, tu peux pas savoir. Et il y a des vrais drapeaux Daesh, ils ont même pris des vrais drapeaux de Daesh. Donc ils arrivent, ils les mettent derrière, ils les ont fait. Et ils arrivent derrière et tout. Enfin, c'est mauvais goût. En plus, avec des vraies mitrailleuses à blanc, des vraies ceintures explosives à blanc et tout. Tu dis les mecs. Ça fout la rage. Ces derniers temps, j'ai de plus en plus de demandes de comptes fake de Loan et de toi, Guillaume. Ah, je sais, putain, les mecs, je suis désolé. Salut Géraldine. Je fais toute la journée des signalements. Je sais que sur Facebook, il y a beaucoup de fake. Vous vous bougez pas, on se retourne dans deux minutes. On se raconte les problèmes physiques qu'on n'a pas résolus sur Énergie. Nous sommes le 6 juin. Oui. Nous commémorons quoi ? Personne n'aide. 6 juin. Non, toi, c'est toi la blonde. Pour voir si c'est une légende. Je passe. Aucune idée. Bah, fais pas, passe. À côté, mademoiselle, le 6 juin. Je sais pas non plus. D'accord, derrière, on passe derrière. C'est le jour où ma mère, elle reçoit sa paye. Eh bien, nous commémorons le jour où sa mère reçoit sa paye. 19h, 22h. Sur Énergie. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra, c'est vendue en pack de 3 maintenant. Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, c'est cool. C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95€ le lot, soit 1,32€ le litre. 20 modalités dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top. Unreal, votre série inédite, demain à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Demain à 20h55 sur Énergie 12. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Baby, this is what you came for. Calvin Harris, le plus grand DJ du moment, est de retour avec un nouveau tube, This is what you came for, en duo avec Rihanna. Énergie, it's music only, avec le festival de Carcassonne. Du 4 juillet au 1er août à Carcassonne, retrouvez Louane, Maître Games, Lefa, Nekfeu, LJ, Indochine et bien d'autres. Attention, événement, le 17 juillet, concert exceptionnel de Pharrell Williams. Infos et réservations, énergie.fr et festivaldecarcassonne.fr. Le festival de Carcassonne, un événement énergie. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc ? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial ! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides ? Quoi ? J'ai des rides, moi, maintenant ! Énergie présente. Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin avec Sam. Le samedi 18 juin, les stars et DJ Energy viennent faire la fête avec vous dans l'un des plus grands parcs aquatiques de France en Vendée. Retrouvez Oriska, Sound of Legend, Boosty, Unique et Souf. Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin. Surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Tous les soirs, ils sont avec vous. Dans votre lit. Au travail. Dans votre voiture. Tous les soirs, nous sommes ensemble dans Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h sur Énergie. 22h à 1h. Juste après, on va faire le jeu sur énergie, la flot des cadeaux, prépare-toi. Ouais. On va faire le jeu des tueurs en série, le jeu des faits divers. On va essayer de savoir si c'est des vraies histoires ou des fausses. J'aurais besoin de deux mecs, deux personnes, deux d'entre vous avec nous à l'antenne. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir délirer avec nous. Mais alors, juste avant, il y en a un qui disait: Guillaume, j'ai beaucoup de comptes fake sur Facebook, de Loan et de toi, qui m'en rajoutent tout le temps pour m'appeler, pour me demander d'appeler des 0800 pour gagner des téléphones. Ah merde. Ce n'est jamais moi qui vais vous demander d'appeler un numéro sans taxé. Ah bah oui. On s'est battu, les mecs, ici, pour, voilà, pour avoir le droit d'avoir un numéro gratuit, 0800 70 42 48. Voilà, donc c'est surtout pas ça. Et ne l'appelez jamais, ne validez jamais un compte qui s'appelle Guillaume Play qui vous demande un ami, c'est pas moi. Il n'y a pas d'embrouille. Le seul compte que j'ai, c'est le compte Guillaume Play, P-L-E-Y. On est 1 925 000 dessus. Ouais, c'est ça, 260. C'est la page qui est certifiée. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le savoir. C'est fait exprès, d'ailleurs, ces petites certifications. C'est pour prouver que c'est bien, voilà. Que c'est pas une couille et que c'est pas un mec qui va vous rajouter pour vous arnaquer. Ça a été fait exprès par Facebook, la petite étoile bleue là. On est 1 925 280 exactement. Voilà, mais surtout vous laissez pas avoir et pas appeler. Il y a beaucoup d'arnaques téléphoniques en ce moment. C'est ah bah ouais, faites gaffe. Hein. Putain, c'est une mode, truc de fou quoi. Amina du Standard, ça marche toujours pas sur ton appli? Non, bah non. Tu sais toujours pas ce qu'elle a prêté son téléphone à une meuf hier et qui a plein de numéros surtaxés, ça m'a fait un peu niquer dans le bus. Un peu beaucoup, ouais. Apparemment, elle a passé plusieurs coups de fil, c'est ça, ouais. Bah moi, j'en ai tapé qu'un seul et quand j'ai regardé mon téléphone, il y avait 3 appels émis. Oh là là. Et après, elle m'a regardé, elle a ricané. Ouais, bah moi, mais franchement, je voulais l'aider. Imagine, c'est ta daronne, tu vois, elle est dehors à 3h du mat. Ouais, justement, c'est 3h du mat. Mais franchement, la meuf, faut que je lui dise, rentre chez toi, mamie, va dormir. Non, mais attends, il y a un problème, tu vois, la meuf dans le métro, dans le bus. Ouais, j'ai voulu être gentille. T'as chance qu'elle soit pas partie avec, je suis désolé. Non, mais c'est clair. Moi, c'est exactement ce que je lui ai dit. La meuf, elle prend ton téléphone et le met dans ses seins. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais pour te dire à quel point je suis bête. Moi, franchement, je vais le racheter. Et même, meuf ou pas meuf, je sais pas. Dans ma coque de téléphone, j'ai ma carte bleue en plus. Mais ah ouais, c'est ton portefeuille bête en même temps. Jusqu'au bout. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Dédicace à la pro de Poitiers, petite dédicace à la pro de Poitiers. Vous passez à Poitiers, on va essayer de venir à Poitiers, bien sûr. Ouais, dans le 8-6. Ouais, dédicace tout le 8-6. Le match Belgique, c'est terminé. Et ils ont perdu 2-0 contre l'Italie. Belgique-Italie, c'est la surprise pour l'Italie. Enfin, la surprise de l'Euro. J'aime bien les compétitions de foot comme ça. Ah oui, t'aimes pas le foot, mais non, mais oui, mais c'est pareil pour la Coupe du Monde. Il y en a plein, c'est génial. Je trouve que ça me fait revivre le foot. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le foot. C'est les grosses compétitions comme ça. Même pour les petits matchs, tu vois. Ouais, quand ça se passe bien. Eh oui, t'as l'impression que l'été, c'est. C'est surtout bien quand ton équipe est gagne. Non mais c'est vrai, ça fait vivre. Et en plus quand c'est en France là, c'est ça qui est kiffant. C'est chez nous, c'est à côté là. Si depuis 1998, finale, la Coupe du Monde là, c'était génial. Maintenant c'est bien. Ouais, c'est le match en finale, putain. Et si on arrive en finale, c'est la folie. C'est chaud. Putain, les places vont se vendre cher. Hein. Si jamais la France est en finale, les mecs, putain, sa mère. Et donc au Standard, il y avait, vous êtes nombreux à nous passer un petit coup de fil. Il y avait Adélaïde aussi qui a appelé. Bonsoir Adélaïde, 28 ans de Montaigu. On se retrouve. Salut. On s'était parlé juste avant. Et après on se fait l'énigme aussi. Vous avez des cadeaux là. Il y a des télés, des PS4 et des tablettes Samsung qu'on a récupérées. Plus des places de Gims et Bieber aussi. T'as un enfant, Adélaïde? Ouais, j'ai une petite fille de 4 ans qui fout le bordel et qui veut pas dormir. Comment elle s'appelle, la petite de 4 ans? Elle s'appelle Camélia. Eh ben très bien. Ah. Jolie Camélia. Ouais, ouais, c'est original. Comment il s'appelle le papa? Le papa, il s'appelle Ludo. Ludo. Ludo et Adélaïde avec la petite Camélia, c'est marrant. La famille. Enchanté. Vous êtes toujours ensemble et tout, ça va? Non, je l'ai quitté, j'étais enceinte, il m'a frappé, merde. J'ai failli la perdre. Oh putain. Ah ouais, non, merde, je croyais que... Ouais, non, j'ai senti une gêne quand je t'ai demandé le prénom, j'ai dit ah merde. Trop tard. J'ai dit ah putain, j'ai fait IF quoi. Bon, en tout cas, c'est, j'ai l'impression que c'était un petit peu comme ça quoi. Je m'appelle Jason et je marche le long de la mer. Je suis au bord de la plage, c'est la plage du débarquement. Nous sommes à Ouistreham, c'est marée basse, il fait beau. Les bunkers caressent le soleil. Et la falaise est haute et fait une ombre immense sur les plages qui ont marqué l'histoire le 6 juin 1944. Je marche main dans la main avec ma femme. Elle s'appelle Ludivine. Ah oui, chérie, je suis là. Ludivine. Ah oui. Ludivine. Ah bah oui. Donne-moi la main, Ludivine. Ah tiens, nous sautillons sur le sable chaud. J'ai envie de manger des coquillages ce soir. Je vais t'empêcher à main nue, à pieds nus. J'ai envie que tu prennes tes petits orteils. Ah mes orteils. Et que tu racles le petit nable. Vernis et rose. Fais-moi sortir les coques en raclant le sable avec tes pieds. Églou, églou, églou. J'ai envie de manger les couteaux, les... Tu sais les couteaux? Ah bah oui. Non, tu connais pas les couteaux? Si, je connais. C'est quoi? Je sais pas, mais je connais. Ah, les couteaux, les petits coquillages. Ah oui. Et j'ai envie de manger un petit crube. Je vais te chercher un crube, chérie. Ah non, les crubes, les crabes. Ah, les crabes. Crabes en forme de U. Les crabes en forme de U. J'ai envie qu'on aille tous les deux chasser. Chasser le crabe, le crube. Et qu'on aille manger du homard. Oh, le homur, le homard. Oh, j'ai envie qu'on aille les pêcher tous les deux, qu'on aille lever les algues et les ramasser avec notre petit crochet. Et faisons l'amour dans les algues, mon mignon. Et j'ai envie de t'éclater la tête contre une huître. J'ai chaud, chérie, j'ai chaud. J'ai envie de t'éclater la tête contre un rocher avec une huître. Je suis en train de fuir à l'intérieur. Oula, mais attends, je vois qu'il y a un marin pêcheur là-bas. Oh oui. Un jeune marin pêcheur. Oui. Jeune marin pêcheur. Oui. Bien, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Nestor. Bonjour Nestor. Non mais attends, tu me prends un prénom normal. Ah ouais. Bonsoir Nestor. Bonsoir. Eh, qu'est-ce que t'as ramené aujourd'hui de la pêche? Eh bien, j'ai ramené de beaux bars. Ah, des beaux bars. Un bar. Ah, chérie, les nuits. Un bar. Qu'est-ce que t'as envie de manger? Un bar. Oh, ça va, on dirait que je te prends une bille. Ah ouais, c'est un bar. Avec son bar. Salut, je joue à Minecraft. Il est marrant ce morceau là. Ouais, c'est un peu romantique. Je marche au bord de l'eau. Je suis au vent. Avec Amina du Standard et Julien Stagiaire. Ouais, JM du Standard et Flo des Cadeaux. Ouais. Nous marchons une après-midi à la plage. Ah ouais. Et là, Amina du Standard marche dans une merde. Comme d'hab. Adélaïde de Montaigu, qu'est-ce qui t'arrive toi physiquement? C'était quoi ton problème que tu n'arrives pas vraiment à expliquer? Je suis née avec un jumeau parasite. Un jumeau parasite, c'est-à-dire? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire que c'est un jumeau qui est mort-né, non? Et puis tu le gardes sur toi? Non, c'est pendant la division cellulaire, en fait. Il y a un bug et mon corps a absorbé celui de mon frère ou de ma sœur jumelle, en fait. Ah oui? Et donc, je suis née avec un rein en plus. Ah, t'as trois reins? C'est vrai? Voilà, je suis née avec trois reins. Il y en a un, en fait, on s'en est rendu compte très tard déjà. Mes parents ont pété un plomb vers 4 ans parce que ça m'arrivait de pas faire pipi pendant 3-4 jours. Et puis tout d'un coup, je me pissais dessus et j'en avais partout, quoi. Et donc, mon père a fini par m'emmener à l'hôpital à Caen, parce qu'on habitait à Caen à cette époque-là. Et s'est mis dans un bureau en disant, bah voilà, moi, je bougerai pas tant que vous saurez pas ce qu'a ma fille. Et donc ils m'ont fait une échographie et ils se sont rendus compte que c'était urgent parce que j'avais les urtères qui faisaient des boucles. C'est quoi les urtères? Les urtères, c'était le tuyau qui relie le rein à la vessie. Ça c'est où? Attends, c'est vrai que t'avais trois reins quoi. Mais c'est pas plutôt un avantage d'avoir trois reins? Genre c'est pas mieux pour aller courir en quoi? Non, tu peux enfiler à quelqu'un. Celui qui était en plus, il a jamais fonctionné. Ah oui, d'accord. Ah oui, sinon t'aurais pu le filer à quelqu'un qui avait besoin pour les dons d'organes et tout. Et en plus, comme les urtères, il y avait pas de clapet dedans. En fait, mon urine, elle montait, redescendait dans le rein. Ah oui, donc c'est pas très bon. Donc, qui était déjà trié et remonté. C'est comme si rein, tu buvais ta pisse en fait. Ah, ça revient. Les reins, ça refait un bouc. Ah, une boucle, c'est pas très bon. Ouais. Et là, tu t'es fait enlever les reins du coup? Du coup, en fait, ça a fait pas mal de problèmes. J'ai été opérée et ça allait plutôt bien. Sauf qu'après un accident de voiture, on s'est rendu compte pas mal d'années après, une quinzaine d'années après, que le rein qui était en plus s'atrophiait. Ah ouais. Donc mon urologue m'a dit c'est pas grave, vous en faites pas, votre corps va l'éliminer, patati patata. Sauf que c'est pas vrai, ça a atrophié le rein gauche, mon rein gauche à moi. Ah merde, ça t'a niqué ton vrai rein. Ah ouais, d'accord. Mon vrai rein en fait. Et alors? Donc en fait, ça fait 2 ans qu'on me dit qu'il faut enlever, mais qu'on n'enlève pas tout de suite parce qu'on attend que le rein, puisque le rein continue. Ah, t'as toujours pas enlevé, t'as toujours pas enlevé. Voilà, ça fait 2 ans en fait qu'il me balade. L'année dernière, je suis restée 6 mois avec une sonde urinaire. Oh là là, ça fait bien 28 ans, surtout quand t'es maman de trimballer pendant 6 mois avec une sonde. Ah ouais, c'est relou. J'ai été pendant 3 mois sous morphine. Enfin bref, une balade à l'hôpital et je commence à péter un plomb. Ah ouais, je comprends, putain. T'as pas de chance. T'as un rein qui est en train de pourrir, quoi. Ça fait vraiment, vraiment mal. Et tu veux pas changer d'hôpital? Peut-être qu'il faudrait que tu viennes à Paris, tu sais, des hôpitaux spécialisés. C'est ce que je vais faire parce que j'en peux plus, là. Il faut même pas attendre. Je sais pas comment tu peux attendre une journée. On perd pas de temps. T'as un médecin qui est un peu chelou. Il y a des médecins qui sont chelous, hein. Il faut dire. Il faut aller voir. Franchement, moi, j'irai voir quoi qu'il arrive plusieurs hôpitaux pour avoir plusieurs avis. Ou à l'étranger, même, je sais pas. Après, si t'as les 15 hôpitaux de France qui disent il faut pas pour l'instant, c'est qu'ils ce qu'ils font, mais s'il y en a qu'un qui t'a dit ça, moi j'attendrai pas. Hein. Ouais, il faut comparer. Ça me fait des douleurs comme si j'avais des calculs rénaux. Ouais, donc c'est mal. Attends, regarde, parce que vous avez tous des problèmes différents. Sophie, oula, tu m'entends, Sophie? Sophie? Ouais. Enlève le haut-parleur. Tu m'entends? Ouais. Et fraîche aussi, ça. Ça va, Sophie? Salut, papa. Ça va, c'est tranquille, papa. Ça ou quoi, ça? Tranquille, Sophie? Ouais, si on veut. Tranquille, ça boit quoi ce soir, Sophie, là? Là, je suis à la bière. Ah ouais, ouais. Bah, c'est le foot, soirée. Avec du sirop de menthe. Avec quoi? Ah, un bière avec menthe. Avec du sirop de menthe. Et de la bière à la menthe, ça doit être bon. T'as essayé? Oh là là. Ah, bah, c'est excellent. Et je suis serveuse. Je suis sérieuse, tu sauras qu'on appelle ça une valse. Une valse. D'accord. Oui, Monaco, représente le troisième 2 de Saint-Sens de Rouen. Salut, Man. Salut. Eh ben, on vient dimanche à Rouen, 21 minutes, faire l'émission là-bas. Il y aura sûrement Kinvey qui viendra avec nous dans le studio d'ailleurs. Ah, cool. Passera faire une bise. Est-ce qu'il est de là-bas? C'est rigolo, donc on pourra le voir. C'est rigolo. Ça fait du bien de réviser la philo en vous écoutant. Le bac, il arrive, ça paie comme jamais, Lolo du 94. Ah, bon courage. Et alors, toi, Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? On parlait des problèmes physiques, on n'arrive pas à expliquer. Déjà, aujourd'hui, c'est mon birthday. Ah, bon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Et ouais. Ouais. Bien main pour tout le monde. Tu t'en serviras un peu. Eh, vas-y, foutez-vous de ma gueule. Non, la bière main, attends, pas du tout, au contraire. C'est original. Je vais en prendre un aussi. Non, j'aime le soda. Très bon. Ouais. Je te jure, c'est très bon. J'aime beaucoup. Oui, alors moi, j'ai un problème, tu vois, au niveau des maladies bizarres. Ouais. Alors que je bois ou que je ne bois pas, j'ai les jambes qui gonflent, mais c'est incroyable. Ah ouais, genre, mais genre quoi et... Ah ben, ils savent pas. Là, ils vont m'envoyer chez une... attends, j'ai l'ordonnance sous la tronche. Angélologue. Ah ouais, un angélologue. Je connais pas, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ben non, moi, je croyais angélologue. Eh ben non, c'est angélologue. Ouais, mais parce que à cause de quoi, en fait? Parce que ça vient d'où? C'est parce que peut-être tu restes trop debout, non, pour une serveuse? Ben, déjà, ouais, tu piétines derrière un bar. Ouais. Bon, ouais. La pitch, ça n'arrange pas non plus. Ah, et toi, tu bois beaucoup d'alcool? Ah, bah attends, je vais me gêner. Après, pour le foie. Déjà, t'as compris là. Direct, t'as compris la meuf là. Ou alors, j'ai le pancréas qui descend dans les mollets. Mais c'est pas. Faut mettre des bêtes contre le foie. Ah, non, mais la vraie. Non, j'ai essayé, je peux pas. Elle gueule. Ouais, elle gueule le coup. Non, j'ai entendu. Amina. Oui. Amina, je t'ai entendu. Les bas de contention, je peux pas, je suis pas assez grosse. Ah, non, attends, j'ai quelqu'un qui veut te souhaiter ton anniversaire, Sophie. Il est dans le même état que toi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, open last. Mais il est encore plus bourré que moi, tu vois. Happy birthday to you. Bon anniversaire, Sophie. C'est pas le dame-dame, ça. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 13 aussi. Oui. Dédicace, gros bisous à tout le monde. Et on se raconte, alors Sophie qui a les jambes gonflées, alors vous êtes très nombreux à nous passer des petits coups de fil aussi. Il y avait normalement Loïc, tu m'entends, Loïc? Ça va ou quoi, Loïc? Ça va, Loïc? Tranquille ou quoi? Tranquille. Salut. Loïc, ouais, tranquille. Qui est là. Loïc et puis Lucas, vous êtes deux à avoir appelé. Puis Cyril aussi après. Tu m'entends, Lucas? De bien, ouais. Allô, ouais, je t'entends. Ça va, tu m'entends? Tu t'appelles du 47, toi? Ouais, Lot-et-Garonne. C'est sud-ouest. Salut à toi, là. Salut, Man. En direct du Lot-et-Garonne, représente le 47 sud-ouest. Ouais. Force. Tu viens de quelle ville d'ailleurs? Bias, c'est ça? Ouais, Bias, ouais. Bias. À côté d'Agen. Vas-y, bah, sois le bienvenu, gros. Toi, tu voulais passer. T'avais un problème physique non élucidé, c'était quoi? Ouais, c'était en fait au niveau du sourcil. Ouais. Juste en dessous. Ouais. J'avais une jarre de boule, en fait, qui est apparue. Et du coup, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin m'a dit d'aller voir un opticien. L'opticien m'a dit d'aller voir un dermato. Le dermato m'a demandé. Ah ouais, ça a été la merde. Un mec spécialisé dans la chirurgie autour de l'œil. Et mais il savait pas ce que c'était. Du coup, il m'a proposé une biopsie, donc une petite opération pour savoir ce que c'était. Et au final, c'est parti tout seul, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Mais il y a des trucs comme ça qui apparaissent sur le corps, tu sais pas trop ce que c'est. Des taches. Moi, j'avais une petite boule sur la main aussi, tu sais, comme sur le tendon un peu. Ouais, ça me gênait, c'est resté quelques mois, puis après, c'est parti, quoi. Moi, j'ai toujours... Ah ouais, putain, elle est grosse ta boule. Ouais. Oh là là. Oh la boule. Une petite boule de gras. Ah ouais, une petite quoi? Une petite boule de gras. Une petite boule de gras. C'est pas une boule de chair plutôt? Ouais. Je sais pas. Une petite boule de quoi, Minasa? De chair. De chair, non, je sais pas trop ce que c'est, ouais. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais tu sais, voilà. Le seul moyen de le savoir, je vais te dire un truc, Lucas. Le seul moyen de savoir ce que t'as sur la main, c'est d'aller chercher le chat de Sacha chez ce jersey. Ah, non. Fou, alors. Après, Lucas, tu fais ce que tu veux. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Lucas, après l'émission? Il faut qu'on aille chercher quoi? Oh putain, je vais pas réussir à te dire. J'aime le standard. Ouais. Pour enlever ta boule, il faut. Non, il faut aller chercher le chat de Chassa. Amina du standard, on va faire quoi après là? Bah, on va chercher le chat de Chassa chez. T'as pas compris, Amina du standard, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Je bug à la fin. On va chercher le chat de Sacha chez. Dans les cadeaux, on va où après là? Eh ben, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. C'est marrant qu'il n'y arrive pas, toi. Ah, alors, mais je suis nul à ça. Il n'y arrive pas du tout. Yo, moi, c'est Vivien, nos gens le retrouvent. Ma force est décuplée. J'ai 16 ans et j'ai la force de quelqu'un de 30 ans et je ne comprends pas pourquoi. Salut à toi. Ah, t'es fort, peut-être. Ça fait du bien de réviser la philo en vous écoutant. Ah, salut, gras. Et salut. Salut, gros. Salut, Guillaume. Je pensais à la boule de gras de Jim. À quoi, Michel, à Besançon. Salut, gros. Salut, Mylène. Avec plaisir. Hein, c'est de venir à Besançon. C'est vrai qu'on pourrait venir. Ouais, salut, doux. Guillaume. C'était pour te dire que j'ai pareil que toi. PS, je vous kiffe. Ah, je sais pas de quoi tu me parlais. Peut-être des mots de vente, non? Non, la petite bosse. La petite bosse aussi sur le, ouais, sur le ventre. Est-ce que t'as un truc, James Sander, qui te gêne physiquement, à part la boule de gras sur la main là? Non, ça va, franchement. C'est ça que t'allais dire? J'étais lancé dessus. Il avait qu'un truc à dire de l'émission. Il a préparé. Moi qui le lance, quoi. Grave. Flo des cadeaux, t'as un truc physique aussi, t'as vraiment jamais élucidé? Ouais, moi, c'est en ce moment, en fait, ça fait 3 semaines que j'ai hyper mal au genou, j'arrive plus à le plier, alors que je suis pas tombé, j'ai rien eu, quoi. Tu vieillis? Ah, c'est vrai, ouais. Et je sais pas d'où ça vient. Et j'arrive plus à le plier, je sais pas ce que c'est. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah ouais, putain, c'est. Et que le genou gauche. Ah ouais, et tu t'inquiètes pas, non? Bah écoute, là ça commence, je pensais que ça allait passer, que j'avais fait un faux mouvement, mais en fait pas du tout. Bah chez le kiné. Et c'est un mal à l'intérieur? Non, mais en fait j'arrive pas à tenir ma jambe droite, ça me fait mal au bout d'un moment. Mais genre tu peux pas marcher, quoi? Si, si, mais des fois je boite un peu parce que ça me fait mal. Ah ouais. Attends, t'as pas fait une levrette ou quoi? Ouais. Bah écoute, là-bas, non, j'ai rien fait de spécial. Ouais, c'est vrai, j'ai une levrette, c'est sur les genoux, ouais, même pour l'homme, hein, ouais, derrière. Sur le parquet, ouais, ouais. J'ai eu une attaque cardiaque à 26 ans et tu le sens grave. Oh là là, on va t'appeler le 393, ouais, là. Ouais. On va te passer un petit coup de fil. Putain, une attaque cardiaque à 26 ans, on peut le faire. Il n'y a pas d'âge, hein? Ouais, je crois qu'il y a pas d'âge. Attends, attends, je t'appelle gros. T'as les problèmes de cœur. Attends, je te passe un petit coup de fil. Une attaque cardiaque, putain, je pensais pas que ça pouvait arriver si jeune quand même. Même les enfants, ils en ont. Attends, 80. Ah bon? Bah ouais, je pense, ils ont un cœur fragile, ça va arriver. Attends, 97, 82. Je t'appelle à l'antenne. Attends, 06. Ok, c'est bon, vas-y. Je fais ton numéro. Voilà. Mon handicap physique, moi, vu que je m'assure souvent, mon pénis penche tout le temps à gauche. Salut, Mermoud. Salut ou quoi? Tu m'entends? Ça va? Salut, mec. C'est quoi ton prénom? C'est Thierry. Enchanté, Thierry. T'as quel âge, Thierry? 40. 40. Et t'es bien d'où, Thierry? Du Gers. Ah, du Gers. Ah ouais. Attends, t'as vraiment fait une attaque cardiaque à 16 ans, toi, Thierry? Non, 26. 26, 26, pardon, ouais. 26, ouais. Et comment ça se fait que t'as fait une attaque cardiaque? Ben c'est à l'époque je venais de créer mon entreprise, quoi, donc quand tu crées ta boîte, tu sais, tu fais crédit, tout ça et tout, donc tu fais gaffe et tout ça et tout, et tu bosses, et un lundi matin, après un sale week-end où j'étais pas sorti rien du tout, hein, parce qu'à l'époque, je te dis, j'étais tellement crevé, quoi, que... Ouais, à force de pas dormir, quoi, en fait, t'as fait une attaque cardiaque. Voilà. Voilà. Ah ouais. Le surmenage plus le café, les clopes, le manger, tu sais, à l'emporte-pièce, tout ça et tout, quoi. Donc manger, voilà, à l'emporte-pièce, putain, ah, ça fait longtemps, quoi, que j'avais pas entendu l'expression, quoi. Et voilà, c'est sûr que c'est pas bon non plus, hein. Alors attends, juste, il y a Cyril qui est là en 2 secondes. Salut, Cyril. Ouais, il est venu la chier. Ça va ou quoi? Salut. Ah, j'adore ce son, ça y est. Ah, celui-là et celui-là, là. Alors attends, ça y est, c'est de mes 2 nouvelles musiques. Attends. Attends, il est où? Il est là, là. Non, il est pas là non plus, il est là. Non, il est pas là. Merde, il est où, ce con? Il est parti. Ah, il est où, ce con? Putain. Il est caché. Et bravo à tous les Italiens, ils sont contents d'avoir gagné du moins. Ouais, tous ceux d'origine italienne, du moins. C'est moi. Une dédicace à Google Translate. Bonjour à tous les Italiens qui écoutent Énergie et bravo à vous. T'as voir si ça comprend là. Attends. Ciao a tutti gli italiani che hanno ascoltato Energia e complimenti a te. Ciao a tutti la famiglia. Ciao. C'est grande, hein. Bonjour à tous, c'est ciao a tutti. Ciao a tutti. Attends, attends, et je t'aime très fort. Pour voir ce que ça dit en italien. Ti amo molto forte. Ti amo molto forte. C'est stylé l'italien. C'est stylé quand même. Poétique, charmeur. Ah, ça fait vraiment langue de dragueur, je trouve. Ti amo molto forte. Ti amo molto. En français, je t'aime. Ouais, bah je t'aime très fort. Ah, c'est beau le français aussi. Ah ouais, bien sûr. C'est plus doux, je trouve. Ouais, I love you very much. C'est limite plus beau l'italien que l'anglais. Ah oui, moi je t'aime. Ti amo molto forte. Mais parle fort l'italien. Morne, morne. Ouais, c'est ça. Dans le métro, il y en avait. Eh, Cyril, ça va ou quoi, gros? Tranquille, Castillon, Couseron, c'est ça dans le 09? C'est ça, ouais, ça fait pas longtemps, moi. De je viens de Marseille, de base, là, ça fait pas longtemps que je suis là. Ah, c'est vrai, t'as déménagé, tes parents ont trouvé un autre boulot? Ouais, ma mère a été mutée ici, donc du coup... Très dans quoi, maman, là ? Elle est vice-présidente d'une association qui lutte contre la discrimination dans le national. Sur les discriminations, quoi ? Dans le national. Dans le national, c'est-à-dire ? Bah, partout en France, tu vois. D'accord, ok. Comment elle s'appelle, l'association ? C'est la Maison des Potes. La Maison des Potes, ah. D'accord, ok. Ça vient pas de là, touche pas à mon pote, non ? Non. C'est eux qui ont récupéré ça, je pense. Ah ouais, d'accord. Ils l'ont créé il y a longtemps. Et ok, cool. Bon, vas-y, on va lâcher l'énigme, Cyril. Alors, ok. C'est ça, je vais tourner la roue des phrases. Entre 1 et 10, à chaque fois, on va voir sur combien ça s'arrête. Plus il y a de phrases, plus c'est facile. Moins il y a de phrases, plus c'est dur. Ce soir, en plus, c'est le premier jour, donc il y a le maximum de cadeaux. PS4 télé. Grosse télé, grosse télé en plus aujourd'hui. Et Samsung Galaxy Tab 1. 7. Eh ben, 7 phrases. 7 phrases. Okay. On va donner l'énigme maintenant. Vous envoyez Guillaume au début de votre SMS, forcément. Pendant une minute, ensuite, on va jouer au jeu des faits divers. C'est marrant, là. Ah ouais. Comme tous les lundis, Flo des cadeaux va nous raconter des histoires de meurtre. Il va falloir savoir lesquelles c'est vrai, lesquelles c'est faux. Donc allez-y, Guillaume, un espace. Et Guillaume, un espace. Et maintenant, on a besoin, réfléchissez bien, à la bonne réponse. Guillaume, un espace et la bonne réponse, avec votre numéro dedans pour qu'il puisse vous rappeler. Et vous l'envoyez au 6-11-12. Il faut juste commencer par Guillaume, me l'envoyer au 6-11-12. On t'écoute, gros, quand tu veux, Cyril. Alors, il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. Il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Grand corps est un chanteur. Qui suis-je ? Alors, qui suis-je ? Réfléchissez bien. Guillaume, donc, et la bonne réponse au 6-11-12. On essaie de trouver la bonne réponse de Stenning de soir. Il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. On n'a pas fait momie encore. Non, pas encore. Il y en a des imaginaires. C'est une musique en une heure. Ouais, tranquillement, on Il y a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. Il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. Parle à mon cul, ma tête est 1-1. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Je vais chez le médecin, je suis 1-1. Grand corps, 1-1, est un chanteur, un slammer. Il y en a des imaginaires. Le 1-1 imaginaire, c'est une pièce. On peut l'être mental. Putain, mais lui, c'est un fou, c'est un 1-1 mental. Hein. Certains travaillent comme des 1-1. Il faut les soigner, les 1-1. On parle au cul quand la tête les parle à mon cul, ma tête est. Guillaume et ce mot-là. Avec votre numéro 612, soit vous gagnez une PS4, soit vous gagnez une télé, soit vous gagnez une tablette, on va faire un tirage au sort. Bonne chance. Il est 23h19, nous sommes en direct. Hein. Il y a eu 2-0 pour l'Italie contre la Belgique ce soir. Ouais, c'est fini, et c'est la Suède qui a joué, qui a fait match nul. Un partout contre l'Irlande. Il y a eu un autre match aussi en début d'après-midi. Ouais. L'Espagne qui a battu les Tchèques 1-0. Voilà ce qu'on suit le match. Ouais, sur Énergie. Allez, est 23h21 sur Énergie. Il y a une prise d'otage en ce moment dans le 78. Ouais. Apparemment, c'est un islamiste aussi. Ça vient de tomber à l'instant. Ah merde. T'as tous les jours, quoi. Donc, qui aurait tué. Voilà, ça vient de tomber. Mais alors, à l'instant, vraiment, je viens de l'avoir l'information par un canal lacté. Et voilà, apparemment, il aurait tenu des propos dans la rue en criant, voilà, des trucs qu'on entend. Et ils l'ont arrêté, malheureusement, de plus en plus souvent. Apparemment, mais il aurait crié des trucs par la fenêtre. Donc, ceci explique les messages que je viens de recevoir. Mais voilà, apparemment, à savoir dès qu'on aura des nouvelles, sans problème. Alors, en tout cas, on va se terminer l'énigme. Il est 23h22 avec Cyril qui est là. On a des PS4, on vous file des télés, des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Il y en a des imaginaires, on peut l'être mental. Certains travaillent comme lui, il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. Parle à mon cul, ma tête est un. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Et Grand Corps 1-1 en est un chanteur. Voilà, c'est son nom, Grand Corps 1-1. Voilà, Guillaume, un espace, vous mettez juste le mot que je cherche avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Quelle est la bonne réponse? On essaie de la trouver maintenant. On fait un petit tirage au sort. Est-ce que c'est un monstre? Non. Est-ce que c'est un fantôme, un château? Toujours pas. Un hurlement, un esprit? C'est pas plein ça. De messages qui arrivent, on termine après et on se fait le jeu des faits divers avec sur Énergie. Dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. Il y a des nouvelles recherches qui viennent de montrer qu'en fait, avec un simple test visuel, on peut prédire le QI d'une personne. Oh. Nico, tu vois ? J'imagine donc que moins tu vois, plus t'es intelligent. Je sais pas le rapport, mais en tout cas, il y a un rapport entre les tests visuels et le QI d'une personne. Du coup, maintenant, si vous allez chez l'ophtalmo, le mec pourra dire si t'as des bons yeux ou pas, et en plus, il pourra rejeter, et en plus, t'es un gros con. Ça fera plaisir, évidemment. Rendez-vous demain, 6h, 9h30, sur Énergie. Énergie présente Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin avec Sam. Le samedi 18 juin, les stars et DJ Énergie viennent faire la fête avec vous dans l'un des plus grands parcs aquatiques de France en Vendée. Retrouvez Oriska, Sound of Legend, Boosty, Unique et Souf. Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin. Surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant? Dial au 6-20-70. Vos plus belles rencontres par SMS. Envoyez par SMS Dial au 6-20-70 et découvrez que tout cela est possible. Des milliers de profils qui vous correspondent. Dial, D-I-A-L, au 6-20-70. Vos plus belles rencontres du bout des doigts. Dial au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS, d'énergie. Unreal, votre série inédite, demain à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Demain à 20h55 sur Énergie 12. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers that. Let me drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. After the club, I'm smashing. We'll come home. up. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show a lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gal is, I'm a stunter forever. Maison, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, on va prendre deux d'entre vous pour jouer avec nous sur, sur Énergie. On va jouer au jeu des faits divers comme tous les lundis. Il va nous raconter 10 histoires. Flo, qui s'occupe des cadeaux d'Énergie, il a écrit des histoires, il en a pris des autres vraies. Il va falloir savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Ça va être sur le thème de la Belgique aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de deux d'entre vous. Voilà, dans un instant, à faire un tirage au sort. Juste avant, on termine l'énigme en deux secondes. Tu m'entends, Cyril, toujours? Ouais, ouais, nickel, toujours. Allez, vas-y, gros. Est-ce que tu vas me redonner les 7 phrases de l'énigme de soir? On offre une télé, une PS4 ou une tablette Samsung Galaxy Tab A. Il suffit juste d'envoyer un petit texto. On offre le cadeau maintenant. Guillaume, un espace et le mot avec votre numéro 612. On t'écoute. Alors, il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. Il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Grand corps est un chanteur. Qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Guillaume, donc, est la bonne réponse au 6-11-12. Allez-y, hein, si vous avez trouvé la bonne réponse. C'est pas très compliqué en plus à trouver ce soir. Ouais, bonne chance. Avec les 6 phrases, il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. Il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Et grand corps est un chanteur. Voilà, Guillaume est la bonne réponse. Allez, c'est maintenant, on prend les gagnants. Dans 2 secondes, on se fait le jeu du fait divers. Est-ce que ça serait une cicatrice? Il faut les... Est-ce que c'est une plaie, P-L-A-I-E? Pas du tout. Est-ce que ce serait une cervelle? Toujours pas. Est-ce que ce serait la tête ou le cerveau? Pas encore. Un spectre? Pas du tout. Qui dit par message, est-ce que ce serait le cil ou le globe? C'est pas ça. Un bouton? Non. Une blessure ou une cicatrice? Essaye encore. Est-ce que ce serait les fesses ou un trou? Pas du tout. Est-ce que ce serait un cul? Toujours pas. Est-ce que c'est l'odeur? Non. Est-ce que ce serait un blessé qui arrive? Il y a plein de réponses. Est-ce que ce serait un fou? Pas du tout. 06 58 24 23. Salut gros, c'est pas la bonne réponse, je suis désolé pour ton message. Allez-y, Guillaume est la bonne réponse au 612. Si vous l'avez trouvé, on lit les messages qui défilent sur l'écran là. Il est 23h30 tout pile. Et l'énigme c'est: il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Certains travaillent comme lui. Il faut les soigner. On parle au cul quand la tête l'est. On dit parle à mon cul, ma tête est. Il faut aller chez le docteur quand on l'est. Grand corps est un chanteur. Voilà, la bonne réponse est au 612. On vous file le cadeau en 2 secondes. Ensuite, on se fait le jeu des faits divers. Ça défonce, c'est tous les lundis. Mais d'abord, il faudrait trouver la bonne réponse en 2 secondes. Amina du Standard, elle est sur le logiciel. Ouais. On va taper la bonne réponse dès que ça. Est-ce que ce serait l'œil? Pas du tout. Est-ce que ce serait le nez qui arrive? Toujours pas. Non, c'est pas ça. Qui suis-je alors? Est-ce que c'est un compte? Non. Non, c'est pas le compte. Il y en a qui veut une télé, une PS4, une tablette Samsung Galaxy Tab A. Il y aura le double hit qui va tomber ce soir avant 1h aussi. J'ai des places pour Maître Gims, pour Rihanna, pour Justin Bieber à vous offrir, pour Pharrell Williams. Ouais. Ah ouais. Pour Beyoncé. Putain, c'est trop bien. C'est ouf. Pour, Paris, Muse, là, ouais. Pour Selena Gomez. Putain, j'ai plein de places à vous offrir. Ah bah c'est cool. On va le faire après le double hit. Mais d'abord, on essaie de trouver la bonne réponse de cette énigme. Il y en a des imaginaires. On peut l'être mental. Est-ce que ce serait le malade? C'est ça. Tiens, d'arrive. Eh bah, c'est la bonne réponse. Bravo. Allez, on appuie sur malade, M-A-L-A-D-E, sur le logiciel. Ça va sonner en direct chez l'un d'entre vous. En numéro caché, donc faut vraiment répondre dès que ça va sonner. Il est 23h31, il y a eu 2-0 pour l'Italie ce soir. Ouais, face à la Belgique. C'est que du direct, il n'y a pas d'embrouille. Allô? Ouais. Oh, c'est un routier, ça. C'est un routier. Ouais, ouais, c'est ça. Ça roule ou quoi, ça? Ouais, ça. C'est quoi ton prénom? Jérémy. À fond. Eh bah, enchanté, mon Jérémy. De quelle ville, Jérémy? 5102. Ah bah ouais, dans l'Aisne. Vas-y, dédicace. La Picardie. Vers 50. Putain, j'en reviens pas, faut me merde. Eh, t'as vu ça? Eh, ça marche et tout, hein, ouais. Bon, t'as vu, mon Jérémy? Ouais, ouais. Eh, dédicace. Oh, bah, salut à tout l'Aisne, hein. Chauny, Saint-Quentin, Laon. Un peu partout, quoi, tout autour. Logne. Le 02. Elle représente. Hein. Eh bah, enchanté, mon Jérémy. Quel âge t'as, toi, Jérémy Routier, là? 26 ans. 26 ans. Eh bah, alors, eh, tu sais quoi, on va faire tourner la roue des cadeaux ensemble. Vas-y, ça marche. Ok, qu'est-ce que t'aimerais le plus, on va voir si on tombe bien? Oh, une PS4. Une PS4, très bien. Eh bah, vas-y, on va faire tourner la roue, on va voir si on tombe sur une PS4. Il y a une télé à gagner aussi, hein. Il y a des grosses télés. Ou des Samsung Galaxy Tab A, eh ben, JM du standard. Ouais, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît? Et tu vas faire tourner fort, mais là, tu me fais pas une. Je vais prendre de l'élan alors. Allez, vas-y, 3, 2, 1. Oh. Allez, Jérémy, le routier de Saint-Quentin dans le 02 dans l'Aisne. Et le cadeau pour toi ce soir, c'est. Une PS4. Eh bah, c'est gagné. Ouais. C'est gagné pour toi, gros. Je t'envoie la PS4 demain matin, d'accord? Ok, ça roule. C'est la première fois que tu passes en direct sur une radio? Ouais, mort. Ouais, première fois, dépucelage. Dépucelage. Okay. En direct, on fait péter la capsule. Oh. Et t'as vu que ça marche vraiment, hein. C'est dingue, hein, quand même. Ouais, sans déconner, ouais, j'y croyais pas. T'as vu, hein? C'est marrant, tu vois, t'y croyais quand même un petit peu, sinon t'aurais pas joué. Mais tu te disais quand même que c'était pas possible, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais bon, c'est le grand soir. Comme quoi, c'est pas de l'arnaque, hein. Tu vois, on se connaît pas, on est d'accord. C'est ça. Ah non, on se connaît pas du tout. Et tous les jours, on fait gagner les cadeaux. Y a pas de problème, quoi. Et écoute, je t'embrasse, mon Jérémy. Tu veux faire une dédicace, s'il te plaît? Ouais, je veux bien. Ouais. Après, on joue au jeu des faits divers. Vas-y, je t'écoute. Une dédicace à Ben, à Valoche et à Romain, de chez Douane. Et bah, dédicace à tout le monde. Alors, y a pas de problème. J'avais pas vu la Tour Eiffel. Elle est aux couleurs de. Hier, c'est la Turquie. Et Belgique, non? Bah non. Si. Non, non, elle est aux couleurs des États-Unis. Ouais, aujourd'hui, ouais. Ils l'ont mis aux couleurs des États-Unis en mode un peu friendly gay, je crois. Ils ont mis un mélange. Par rapport aux attentats. Un mélange par rapport aux attentats, exactement. Bon, je t'embrasse, mon Jérémy. Je te repasse Amina au standard. Ouais. On prend ton adresse postale et je te l'envoie demain matin. Ok, à bientôt. Merci, avec plaisir. Ouais, ciao. Bientôt, ciao, Jérémy. Ouais, Cyril, tu veux faire une dédicace aussi, j'imagine? Ouais, s'il te plaît. T'inquiète, ça va tomber sur toi. Vas-y, on t'écoute. Je fais une dédicace à Nathalie du Greta qui nous écoute. Je parle en ce moment avec elle par message. Ouais. Et à tous les collègues de Marseille avec qui je suis plus en ce moment, et à tout le monde. Je me demandais si c'était possible de gratter un cadeau. Il m'a dit ouais. Attends. T'as vu avec qui, t'as dit? Avec JM du standard. Ah, ça balance. Ouais. JM, qu'est-ce que tu promets, JM standard? Ah, moi j'ai juste dit qu'il aurait un cadeau, j'ai pas. Ah. Voilà, il a dit qu'il aurait un cadeau. Voilà. Il a pas promis, il a rien dit, il a pas dit quoi, il a rien dit. Voilà. Après un cadeau, c'est ouais. Un. Ouais, bah ça écoute. Peut, c'est tout et rien un cadeau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, tu sais quoi, je vais regarder ce qu'on a et on va t'envoyer un beau cadeau, mon pote. On t'emballe un truc. Je te repasse la mina au standard, d'accord? Ciao, ok, merci. Ok, avec plaisir, mon pote. À bientôt. Ciao et salut à tous les Italiens, les Rital. Et d'ailleurs, on va prendre deux d'entre vous. S'il y en a qui veulent venir jouer avec nous, vous m'envoyez Guillaume et je maintenant avec votre numéro 612. On en prend deux d'entre vous. Vous allez jouer au vrai ou faux. C'est pas compliqué. On joue au jeu des faits divers. Ouais. Vous passez à l'antenne, vous nous dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On fait un tirage au sort. Et parmi toutes les réponses, bah, on verra, parmi toutes les faits divers, pardon, de Flo des cadeaux, on verra lesquels sont vrais, lesquels sont faux. À chaque fois, je me fais niquer, moi. C'est énervant. C'est dur. Hein. Alors, mais d'abord, avant de, le temps de, que vous envoyez deux, trois messages, qu'on ait le temps de prendre certains d'entre vous au téléphone, vous envoyez Guillaume et je avec votre numéro de téléphone au 612. J'ai reçu un mail, une boîte, pardon, une vraie boîte à chaussures. Avec des chaussures emballées en colissimo de la part de Amandine Cabirol de Prié-Thorion dans le 87. Salut, 87. Voilà, Odienne, ouais. Et ça faisait 570 grammes. Alors, c'est un vrai colis dans une boîte à chaussures anglaise. Bonjour Guillaume et toute l'équipe, je m'appelle Amandine, je vais avoir 14 ans le 7 juin et j'habite à Saint-Priest-Thorion dans le Limousin. Je vous ai écrit cette lettre car le week-end du vendredi 24 au dimanche 26 juin, je suis de passage à Paris. Pour mon anniversaire, j'aimerais beaucoup venir vous rencontrer, visiter les studios, je vous adore, je vous écoute depuis 3 ans. C'est en voyant votre vidéo où vous faites visiter les studios que ça m'a vraiment donné envie de vous rencontrer et de venir voir les studios. Je vous laisse mon numéro de téléphone et ben avec plaisir, je te laisserai un petit message vocal après. Attends, c'est quoi, je t'appelle en direct. Ah bah oui. On la remercie. Hey, réponds-moi par contre, hein, si tu m'entends, c'est un numéro caché, hein, on va tenter. J'ai reçu un colis, comme ça je t'appelle direct. Attends, normalement, voilà, c'est bon. Alors attends, hop, tu m'appelles Amandine. Et puis ensuite, il y a des cadeaux à l'intérieur, un peu pour tout le monde. Ah, c'est un peu Noël, quoi. Alors, il y a des cadeaux, c'est très sympa. Il y a des cadeaux, pour JM du standard et pour Guillaume. Ah, c'est gentil. Une barre Nutella. Merci. Ah, attends, merde, faut que j'appuie sur le bouton. Une barre Nutella Birelli, là, les nouvelles barres. Ah ouais. Donc tiens, j'ai le standard, c'est pas mal. Ah ouais. Il y a un cadeau pour Amina du Standard. Oh, merci. Ah merde, ah, message. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06 40. Bon, attends, tant pis, je vais lui laisser un petit message vocal à Amandine. Amandine Cabirol. Eh ben, un gros bisou, Amandine Cabirol. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Elle a mis un t-shirt. Alors, salut Amandine Cabirol, je t'embrasse très fort, c'est Guillaume d'Énergie. Guillaume Play, j'espère que tu vas bien. Merci, alors tu as donné tu m'as donné une barre Nutella pour moi, une barre pour JM du Standard. Ouais, on va la partager. Un bracelet pour JM Stagiaire. Ah, merci Amandine pour le bracelet. Un bracelet pour Amina du Standard. Voilà. Merci. Et un magnifique t-shirt pour Flo des Cadeaux. Ah, merci Amandine. C'est le principe, hein, tous les soirs, vous donnez un t-shirt de nuit pour Flo des Cadeaux. Merci beaucoup. Mais les t-shirts les plus moches que vous ayez chez vous, vous me les envoyez à la radio par la poste. Guillaume Play, Énergie, 22 rue Boileau, 75-016 Paris. Il me fait rire, j'aime ça parce qu'il y a des fois, il baille de l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Et il se fait travailler, du coup, il se déforme. Ah ouais, ouais, on dira, tu en il avale son bail. Pardon, j'ai saisi. Il avale son bail. Il avale son quoi? Son bail. Son baillement, non? Ah, son bail. Merde. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Ah, je vais gamberger là. Ouais. Il avale son bail. Ah ouais, on dit baillement. En tout cas, tous les jours, vous m'envoyez un petit t-shirt Flo des Cadeaux. C'était quelqu'un qui a des petits problèmes de stylisme. Et là, c'est marrant parce que tu l'as brûlé le t-shirt. En fait, non, mais je trouve ça très fort. Alors, vous m'envoyez, voilà, là, c'est t-shirt Randonnez-vous, 12e Randonnez-vous. Voilà, c'est un t-shirt de randonnée, département Haute-Vienne, 12e édition de. Attends, de. Il va être beau avec. De Haute-Vienne. Et alors, il a tout défoncé derrière, il a brûlé le devant, il y a des trous partout. Oh là là, c'est qui le papa Flo des Cadeaux? Merci Amandine. GoPro PS4 est marqué partout, etc. Alors, tiens, on va le donner. Tu vas donner le t-shirt. Tiens, Amine Sandard aussi. Attends, je te mets le. Je le coince dans le bracelet, comme ça, t'auras le bracelet aussi. Et comme ça, t'es obligé de le porter. Hein. Je pars du principe, et c'est vraiment le délire qu'on a depuis quelques jours. C'est Flo des Cadeaux. À chaque fois que vous lui envoyez un t-shirt, il est obligé de le porter toute l'émission. Et donc, c'est-à-dire que sur les vidéos YouTube qu'on fera où il est dessus, ce qu'il est aussi filmé, et ben vous verrez votre t-shirt porté par quelqu'un de l'équipe. Ouais. C'est marrant à faire. Il est beau, l'envoyer dans une enveloppe, ça coûte rien. Voilà, vous me l'envoyez. Guillaume Play, Énergie, 22 rue Boileau, 75-016 Paris. Voilà, Guillaume Play, Énergie, 22 rue Boileau, 75-016 Paris. Merci à Amandine Cabirol qui a envoyé le truc. Merci beaucoup. On va te renvoyer un truc, ma chérie. Ah non, faut que je. Merde, j'ai jeté de la. Ouais, ouais, l'adresse récupérée. Tiens, j'ai le standard. Merci, Guillaume. Juste pour pas l'oublier tout à l'heure. Comme ça, on enverra un petit carte dédicacé, un petit poster à la maison sans problème. Allez, maintenant, j'ai besoin de deux d'entre vous, les potos. Deux d'entre vous pour jouer avec nous. Vous envoyez Guillaume et je avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. On fait les One Republic là. Whenever you go. Wherever I go, pardon. Et Badabing, il y aura Chris Cab et Youssoufa. On s'écoutera aussi dans la foulée. On joue au jeu des faits divers. 10 faits divers qui arrivent. Lesquels sont vrais, lesquels sont faux, juste après Spécial Belgique sur Énergie. Ok. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. But I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. Shame, shame, shame. I know I can lie, but I'm telling you. bienvenue chez vous. Guillaume Radio 2.0, 22h, 1h sur Énergie. Allez, on va jouer au jeu des faits divers. Maintenant, j'ai besoin de deux d'entre vous. Avec nous à l'antenne, vous envoyez bien Guillaume et je avec votre numéro au 6112. Le principe est simple. On va raconter des histoires en rapport avec des meurtres. Oula. Des tueurs en série ou des faits divers dramatiques. Et d'un côté, j'aurai avec nous, alors vous êtes très nombreux à vouloir jouer ce soir, il faudra dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'un côté, Christian, bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian, 31 ans Christian, c'est ça? Salut. 31 ans, oui, de Metz. Enchanté Christian, de Metz. Tu fais quoi dans la vie? Bah là, je suis sans emploi pour le moment. Tu cherches dans quoi? Oui. Ah, merde. Tu cherches dans quoi? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ouais. Très bien. Il n'y a pas de problème alors. On va faire le jeu avec Tom Minadusin qui a une particularité pour une sélection drastique. Vous pouvez le voir, hein, Minadusin, tu fais de mieux en mieux ton travail. Je sais, merci. Et je pense que les jeux vont de mieux en mieux se dérouler. Voilà. Grâce à une sélection aux petits oignons d'Amina du Standard, comme vous le voyez. Donc, Amina, tu vas sortir tes petits doigts. Oui. Et tu vas nous sortir des numéros, s'il te plaît. Avec plaisir. Dylan qui est là aussi. Dylan, bonsoir Dylan. C'est qui le papa? Bonsoir Dylan. Salut, papa. Enchanté mon Dylan. 17 ans, Saint-Étienne-de-Montluc, c'est ça dans le. Ouais. T'es pas déjà passé toi de Saint-Étienne-de-Montluc? Si, ouais, pour le PIV. Ah oui, c'est ça, je me rappelle très bien. Ouais. Ah, t'es un joueur, quoi. Je me rappelle que t'étais passé il y a quelques jours aussi, exactement. Ouais. On va jouer au jeu des faits divers dans un instant. Flo Descadeaux est en train de se préparer. Elle va nous raconter 10 histoires. Il faudra savoir lesquelles sont vraies et lesquelles sont faux dans 2 secondes. Il y avait juste aussi Loïc qui nous attendait depuis tout à l'heure au Standard. Bonsoir Loïc. On se racontait un peu les. Tu m'entends, Loïc, du Mont Doré? Ouais, ouais. Loïc, t'as 25 ans, toi, c'est ça? Oui. Ok, Loïc qui appelle du 6-3 et qui vient nous raconter une petite galère physique que tu n'arrivais pas à résoudre. Je l'ai résolu, mais. C'est-à-dire? Ben, je l'avais résolu. Ben, quand j'étais gamin, je suis un peu genre nerveux et j'étais devenu tout raide et tout bleu d'un coup comme ça. Et ça faisait peur à mes instincts. À chaque fois, elle a dit d'appeler ma mère parce qu'elle vient de me chercher. C'était un peu la merde. Ouais. Mais tu devenais tout raide et tout bleu, c'est ça? Ouais. À cause de quoi c'était? C'était, je sais pas, c'est le nerf, sans doute. Ouais. Change de couleur. C'est quoi? Parce que genre, t'étais un peu. T'étais nerveux pour. Pour les devoirs ou quoi? C'était quoi? Non, non, je sais pas. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un truc vraiment bizarre, spécial. Et ça m'est arrivé à. Ça m'a arrêté de m'arriver à 6 ans, et maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, une sorte de crise de tétanie en fait. Ouais, voilà. Attends, c'est vrai que c'est galère. Bah, t'es bleu, c'est. Ouais. Après, il y a des parties du corps qui peuvent devenir raides et bleues. Ouais, c'est vrai, comme un hématome en fait. Pas le corps en entier, ça c'est. T'es mort, non? Même la tête. Bah, c'est pas bon signe en général. Violet, bleu. Attends, c'est sûr que c'est pas normal. Loïc, 25 ans, du Mont Doré, dans le 6-3. Tu travailles dans quoi, Loïc? Du Mont d'Or, pardon. Et tu travailles dans quoi maintenant, toi, Loïc? Dans l'embouteillage. Dans l'embouteillage. Dans l'embouteillage. D'accord, ok. Embouteillage de quoi? D'eau minérale. Ah, laquelle? La Mont d'Or. Ah bah la Mont d'Or, là, tout simplement. Ouais, l'eau minérale de la Mont d'Or, ouais. Je connais pas, moi, attends, ouais. Attends, eau de la Mont d'Or, excuse-moi, mais alors attends, je connais pas du tout, là. Eau de la Mont d'Or. Comment se passe la prise d'otage? On sait pas trop, là, y a pas de nouvelles. Ouais, ça va. Attends, ça me dit rien, excusez-moi, je regarde la photo de. Ah si, la Mont d'Or, elle est verte, ok, très bien. Eh bah, je l'ai jamais vue. Voilà, cette bouteille d'eau minérale. Amina, elle l'avant, elle travaille chez Alcoolique Anonyme, cela explique cela, ça nous est geek. Je sais déjà, se fait enculer au Wild Blood par Jim du Standard. Ouais, non. Hicham du 13. Salut, Hicham. C'est le syndrome de Gargamel. Salut, Vienne du 44. Salut, Guillaume, pour la fête de la musique. Je chante à Paris un rêve qui se réalise. Salut, Céline. Bravo. C'est bientôt, là. Moi aussi, je deviens toute raide quand je vois Amina du Standard. Salut à toi. Alors, attends, il y avait Pierre. Tu m'entends, Pierre, au Standard? Allô. Ça va mon Pierre ou quoi? Vous allez bien? Hey, papa. Ça va gros? Excusez-moi, je me défoule. Pierre Capel de Maubeuge, hein, c'est ça? Hein. Dans le Nord. Ouais, c'est ça, ouais. Enchanté. Pierre Maubeuge dans le 59. Enchanté gros. Et avec toi, il y a Sarah qui est là. Salut Sarah, tu m'entends Sarah au Standard? Oui. Bonsoir Sarah. Ça va? Bon, salut Sarah. Sarah du 47, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, t'as 13 ans, c'est ça Sarah? Dans Lot-et-Garonne. Oui. Très bien. Sarah, 13 ans. Pierre, 16 ans de Maubeuge. On va essayer maintenant de jouer ensemble. Le principe est simple. Flo Descadeaux va raconter 10 histoires. Ouais. Vous devrez dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est tout simple, d'accord? Bonne chance. Vous avez déjà entendu le jeu tous les deux ou jamais? Ouais, déjà. Oui. Déjà entendu. Très bien. Alors, concentrez-vous. Le but du jeu, c'est de savoir. Peut-être en quelle classe, Pierre, 16 ans, là? Là, je passe en. Là, j'étais en première, mais je refais une première l'année prochaine, en fait. Ah ouais, donc tu passes le bac quand même ou pas pour le plaisir? Je passe le bac français, ouais. Ouais, comme ça, si jamais tu l'as, tu repasses pas l'année prochaine. C'est ça, c'est chiant. Ouais, voilà. Et comme ça, du coup, t'as deux fois. Je le fais pour rien, en fait. Ouais, non, pas pour rien, parce qu'il est valable après, je crois. Ouais. Hein. Il est valide ou pas? T'as de bonnes notes, Non, mais en fait, pour ce que je fais, parce que là, je vais en bac pro et il est pas valide, en fait. Tu changes de sélection. Tu fais pour le plaisir, quoi. Ouais, voilà. C'est un entraînement, c'est bien. Ça, c'est marrant. Bon, en tout cas. En tout cas, il y avait du coup Pierre qui était là. Sarah, t'es en quelle classe, toi? En cinquième. En cinquième, très bien. T'as eu le temps de prévenir des gens que tu passais ou pas du tout? Oui, il y a ma sœur avec moi. Ah bah, très bien. Eh ben, écoute, on va jouer ensemble maintenant. On va voir si ça fonctionne. Hop, c'est parti. Je prends ma petite liste. Flo des cadeaux. Ouais. C'est une spéciale Belgique ce soir, je précise. C'est que des histoires en rapport avec la Belgique. Des meurtres ou pas des meurtres, hein, d'ailleurs. Hein. Des faits divers. Il faut savoir, c'est des faits divers, exactement. Est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux? On t'écoute. Alors, ça s'est passé à Malines, donc en Belgique. C'est un ancien militaire qui a violé, publié des vidéos des viols et proposé son enfant à violer sur le Darknet contre de l'argent. Sauf qu'il a fait ça de sa naissance jusqu'à ses 11 ans. Et en fait, c'est la police australienne qui a capté une transaction sur le Darknet où c'est un policier allemand qui avait accepté l'offre pour aller donc violer le fils de ce militaire. Ils se sont fait choper et le pompier a été jugé en Allemagne. Le père, lui, il a été mis en détention le temps que son procès arrive. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, là. Ça s'est passé en octobre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça s'est passé en octobre. Ouais, 2015. En octobre 2015. Est-ce que c'est vrai, Pierre, d'après toi? Non, pour moi, non. Non, c'est faux, d'après toi, Pierre. Sarah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux. Deux faux pour l'instant, j'ai un stagiaire. Il a fait une faute, je crois, donc c'est faux. Jim du Standard. Moi, je vais dire vrai. Amina du Standard. Faux. Alors, juste Pierre ou Sarah, il y en a un des deux qui a mis le haut-parleur ou l'oreillette, ça frotte un peu. Ou qui fait du bruit dans la pièce. Si vous voulez bien juste enlever tout, les haut-parleurs, les oreillettes. Est-ce qu'il y en avait un qui avait les oreillettes, Pierre, Sarah? Non. Non, moi j'ai pas les oreillettes. Non. Alors attends, juste pas de bruit derrière. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait, mais juste ça fait beaucoup de bruit à l'antenne. Tout le monde dit faux, sauf JM du Standard. Ouais. Moi je pense que c'est faux aussi. Et la réponse est. Eh ben c'est vrai. Oh, putain. Oh, putain, JM du Standard qui est seul. La bonne réponse. Oh, merde. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais c'est dramatique. C'est horrible. Il a fait ça pendant 11 ans de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais il vendait ça? Il vendait, en fait, il publiait les photos, les vidéos sur le Darknet et en plus il le proposait à violer. Mais son fils? Ouais. Et il y a un fait qui est venu. À quel moment tu fais un enfant pendant 11 années? C'est pas un coup de folie, genre d'un soir? Même un coup de folie d'un soir, c'est inacceptable et tout ça, bien sûr. Mais je veux dire, c'est vraiment un mec, il fait un enfant et pendant 11 ans, il prend du plaisir à. Le mec, il allait pas à l'école, le fils? Je sais pas du tout. Je sais pas, mais en tout cas, il filmait donc les viols qu'il proposait, il les mettait après. Il se doute bien qu'un jour, il va se faire baiser par les services secrets. C'est très bien. Internet. Là, c'est la police australienne qui a chopé le truc. Oh là là. Et qui a renvoyé au service belge. Mais c'est loin l'Australien. C'est ouf, hein. Ouais. Putain, c'est dingue. Au Darknet, putain, mais il y a vraiment des fils de pute qui vont payer pour aller violer des enfants. Ouais, bah là, c'était un pompier allemand. Mais c'était un vrai pompier allemand? Ouais. Et en fait, il est allé là-bas, il a violé le petit, ils ont publié la vidéo. Et c'est là où ils se sont fait choper. Attends, mais à quel âge il avait le mec là, j'en sais rien. J'ai pas les âges. Putain, c'est drôle. Et le mec, il a quel âge aujourd'hui? Il a 11 ans, l'enfant? Il avait 11 ans, ouais. Ah ouais, putain, toute sa vie a été violée. Oh là là, c'est horrible. Salut, hein. En Belgique du coup. Ouais, à Malines. À Malines, bah gros bisous, hein, s'ils nous entendent ou hein, qui connaissent, c'est fou ça. Ouais. Bon courage. Hein. Ta histoire, c'est cette année en plus. Hein. Ouais, en octobre l'année. J'en ai pas entendu parler. Je sais pas où tu vas trouver ces trucs là. Ah bah, je cherche. Putain, merci les potos, je reviens pas. Vous êtes géniaux. Salut Jérémy, qui a gagné le. Bravo, bien joué encore. Salut man. Le seul alcool qu'Amina boit, c'est mon sperme. Ah non les gars, arrêtez. Non, c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Non, c'est pas chic. Bon, il y a des messages chic, drôles et chic. Oui. Ouais, voilà. Alors, donc vas-y, flot des cadeaux, 0 point pour l'instant pour personne. Seconde histoire, on t'écoute quand tu veux. Alors là, ça s'est passé à Mons. C'est un homme qui a décapité sa femme parce qu'elle lui avait servi de la purée et qu'il n'en voulait pas. Il l'a étranglée, ensuite il l'a décapitée. Il a épongé la purée qui était sur le sol avec sa tête. Et après, il a appelé la police pour se dénoncer. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé le mec en train d'avoir les mains dans sa femme qu'il avait éventrée. Oh. Et il a été condamné à perpétuité. Pierre? Moi je dirais faux. Faux? Sarah? Vrai. Toi tu dirais vrai. J'ai stagiaire. Ah c'est faux. J'aime le standard. Ah, c'est l'horreur, mais je vais dire vrai. Amina du standard. Histoire, ouais, cadeaux. Vrai aussi. Il est sale. Mais c'est faux ça. Non, c'est pas possible. Pourquoi tu me regardes pas les yeux, Flo des cadeaux? Si, je t'en regarde. Il a écrit ça. C'est faux ou c'est vrai, Flo des cadeaux? Ah, je sais pas. C'est le jeu. Ouais. Ouais, le plaisir, c'est que tu te trompes. Ouais, c'est faux. Bon, alors, j'ai une galère. Allez, vas-y, enculé, vas-y, allez, vas-y, c'est faux, faux et c'est vrai. Faux. Moi, je dis non, que c'est faux. Faux et la réponse est. Bah, ben, c'est faux. Ouais. Pour Pierre, ouais. 0 point pour Sarah, donc on continue ce soir le chemin. Parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. C'est le vagin d'Aminé Nusa qui a été ventré. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, arrêtez. Oh. Salut Guillaume, je ne sais pas si t'as vu, mais un commandant a été tué ce soir devant son domicile dans l'Essonne à Magnanville et l'assassin est rentré dans la maison du commandant. Et là, il y a le raid et la BRI immobilisée car on ne sait pas. Ah ouais, j'ai vu. Il n'y a pas de nouveau là. Et apparemment, c'est un islamiste. Hein, de... Après, certains médias, pas encore annoncé, mais je vous le dis d'avance. Par info certaine, hein. Certains médias commencent à le dire. Ça y est, il y a le premier site qui commence à le marquer là. Merde. Ce serait retranché. Salut Platoon 27. On va savoir ça, on vous le tient au courant. Attention, un point pour l'instant. Flo des cadeaux, on continue l'histoire. On joue les faits divers ce soir. Il faut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Sarah et Pierre, on vous écoute. D'abord, Flo des cadeaux. Alors là, ça s'est passé à Anderlecht. C'est une femme de 69 ans qui a dormi pendant un an avec le cadavre de son mari qui était décédé depuis un an. Elle l'a gardé pendant donc toute une année. C'est les voisins qui ont appelé puisque l'odeur commençait à être assez forte. Ils pensaient que c'était les poubelles qui ne descendaient pas, alors qu'en fait c'était le mari. Comme le couple payait plus le loyer, un avis d'expulsion avait été donné et c'est comme ça que la police a débarqué. Et donc il y avait le mari mort dans le lit. Oui, pendant depuis un an. Depuis un an. Elle ça devait sentir le fennec. Si elle l'avait vu. Ça devait sentir la mort. Pierre, attends d'abord Sarah. Je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai, Pierre? Oui. Vrai. Vrai, je vais s'agir. Ouais, vrai aussi. J'aime Zanda. Ouais, je vais dire vrai aussi. Amina du Standard. Pareil, vrai. Bon, bah, je dis que c'est vrai aussi. Elle est nulle ton histoire. Tout le monde dit que c'est vrai. Et la réponse est. Eh ben, c'est vrai. Ah ouais. Elle est pas nulle. Il y a déjà eu d'autres histoires comme ça. Ouais, c'est vrai. Et quand t'as un all-in, ça veut dire que t'as raté un peu ton coup. C'est vrai. C'est son but, c'est quand même de nous niquer. Mais elle est pas nulle, l'histoire. Ça fait 2 à 1. 2 points pour Pierre, 1 point pour Sarah. Et on continue direct dans l'histoire. C'est parti. Alors là, c'est un homme de 67 ans qui a été découvert chez lui sans jambes, sans bras et sans tête. Il était mort depuis 3 semaines et en fait, il est mort avec ses 4 petits chiens qui vivaient avec lui et qui l'ont dévoré pendant 3 semaines. C'est un voisin qui s'inquiétait de plus le voir qui a appelé la police et c'est comme ça qu'ils ont découvert le corps. Ils ont mangé tout. Ouais, c'était des petits teckels. Sarah. Faux. Sarah, faux Pierre. Faux. Faux, je viens de te dire. Les teckels, ça mange pas un homme, donc faux. C'est les chiens de chasse. Hein. Les petits teckels. Les petits teckels sont les chiens de chasse. J'hésite là. Hein. Faux. Amina du Standard. Ouais, vrai, c'est possible. Le seul truc, c'est que la tête, il bouffe pas l'os. Hein. Bah, comme par hasard, les pieds, les jambes. Ouais, c'est un peu fait parce tête, que. Non, mais je suis un peu d'accord, c'est un peu. Il nous prend un peu pour des Mongols. Il reste un tronc, en fait. Parce que, en vrai, quand tu réfléchis, ils auraient bouffé le bon ventre. Ouais, plus subtil. Ça. Alors, ouais. Ou alors, c'est parce qu'ils sont petits qu'ils peuvent mordre que les. La tête, c'est gros. Écoute, je dirais faux et la réponse est. Bah, ben, c'est vrai. Merde. C'est où ça? C'est à Anderlecht que ça s'est passé. Ah ouais, Anderlecht aussi, salut. Alors les poteaux bruxellois là. Et les chiens ont été tués. Ah, c'est vrai? Ouais, ils les ont enfin. Bah, c'est dégueulasse, ils y peuvent rien. Bah ouais, mais bon, ils étaient. Ils l'ont mangé quand même. Devenus un peu bizarres, quoi. Oui, mais il fallait bien qu'ils se nourrissent, hein, les chiens. Ouais, ouais, mais trois semaines à manger de la chair humaine, à mon avis, ça les change un peu, quoi. Bah pourquoi? Bah, ils deviennent plus agressifs. Ouais, après, peut-être qu'ils te voient comme un bout de viande. Ouais. En même temps, un teckel, c'est pas très gros non plus. Hein. Ils ont quand même les teckels, c'est les boudins sur pattes, un peu, ouais. Bah après, s'ils ont que ça à foutre de la journée, bah ils vont le mordre petit à petit, quoi. La prise de tâche, c'est à Magnanville. Ouais, salut, man. On va suivre évidemment le truc de très près. Attention, histoire suivante, Flo des cadeaux, on t'écoute. Alors là, ça s'est passé à Gand. C'est la maîtresse d'une classe de 3e primaire, donc c'est l'équivalent du CE2, qui filmait en fait les punitions qu'elle donnait aux élèves. Donc en gros, ça consistait à les mettre cul nu à genoux et à leur donner des fessées pendant 10 à 15 minutes. Et c'est un élève qui a parlé des vidéos à ses parents, et donc la police a léché la maîtresse. Et ils ont perquisitionné plus de 10 heures de vidéos de fessées et elle a été condamnée à 4 ans de prison. Elle se filmait? Ouais, elle filmait les punitions qu'elle donnait aux élèves en classe. Sadique. Sarah, vrai ou faux? Vrai. Vrai, Pierre? Faux. Faux, je viens stagiaire. Vrai. Les fessées, vous pensez que c'est vrai ou vous pensez que c'est faux? J'en ai un. Faux. Amina du Standard. Non, faux, c'est vrai. Bon, je pense que ça peut être que vrai. Oui, bon. Pourquoi il aura inventé une histoire comme ça, Flo des cadeaux? Et la réponse est? Ben, c'est faux. Je ne me laissais pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Putain, il m'a niqué cet enculé. Vénère. Putain. Il y avait un de fou. J'ai mis à quand tu te trompes. Ouais, t'inquiète pas. Attends, vrai, la réponse était faux. C'était ouais, faux, donc c'est un point faux de plus pour Pierre. 3 points à 1, on se fait Chris Crab là, on se fait Chris Crab, Youssoufa et Badabing. Et juste après, on continue le jeu sur Énergie. Qui va y aller? On se le fait en direct. Chris Crab, Youssoufa est dans la maison. Devant, vive Badabing, non. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. But after all, I can't recall. I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until yeah, the morning yeah, and to make a yeah, man dash. Et ça fait pas d'un pic, et ça fait ça même, et ça fait électrique et l'avenir est étriqué. Faut qu'on perd fort, faire fort, finir friqué. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more. Kept moving yeah, that way. On a que la police, get on star, ghetto star. Nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. Want to, you can stay. Et je représente le hip hop, symbole de la vie, ce que ma clique porte. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Hey now, hey now, what a way to join the party. Hey now, hey now, I'm on the run, I'm on the run. Paris, Miami, Kinshasa. Ce n'est que le début. On arrive sur le reste du monde. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. C'est ça, mec. Guillaume Radio 2.0. Guillaume Radio 2.0. Tu t'es cru où là? Tu t'es pris pour un cowboy? De 22h à 1h. Sur Énergie. Allez, de retour. Moi je trouve Amina du Standard très jolie. Salut à toi, entends-moi très fort. Ah, merci. Salut les gars, elle tue ton émission. Merci Baptiste du 29, gros bisous. Hein. Merci. Salut gars, c'est. Alors attends, c'est quoi les sources qui disent que c'est un islamiste? Ici ça parle d'un voisin, ancien légionnaire, retrouve du comportement. C'est sûr, alors je te le dis parce que ça vient de paraître sur le site. Metro News, voilà, tout simplement. Ah, voilà, c'est pour regarder. C'est pas moi qui l'ai inventé, gros. Mais après, peut-être que c'est, ça peut être un ancien légionnaire. Et apparemment, il aurait créé des trucs un peu bizarres d'après les voisins qui étaient sur place au moment où il a attaqué. Ouais. Les témoins. Enfin, de toute façon, moi, je m'en bats. Enfin, c'est un peu triste, quoi, que ça soit ça ou ça. Enfin, c'est malheureusement, ouais. Salut, Guillaume, tu pourrais mettre, s'il te plaît, le nouveau Soprano. On va se le caler juste après. Non, le diable s'habille plus en Prada. Sarah, tu connais depuis quand mon émission d'ailleurs qui appelle de Villeneuve sur l'autre là? Ça doit faire 7 mois. Ah ouais? Ah, ça fait pas très longtemps. Oui. Hein. Et t'écoutes de quelle heure à quelle heure en général toi, Sarah là? 22h, 1h et le dimanche. Ah, tu connais bien les. Ouais, et t'arrives à rester parfois jusqu'à 1h? Oui. C'est vrai? Avec les cours et tout, tu te lèves à quelle heure toi en général le matin? 7h. D'accord, ah ouais. Ah, c'est tôt. Et toi, Pierre? Moi, ça fait depuis 3 ans que je fais une émission. Sérieux? Putain, et... c'est cool. Merci. Ouais, merci. Grâce à vos vidéos YouTube. Ah, c'est grâce à YouTube. Ouais. C'est grâce à YouTube. T'as tapé sur Yahoo et t'as trouvé la vidéo sur YouTube. Ah, c'est gentil. Et toi, Sarah, t'as découvert comment il y a 7 mois? YouTube, je crois. Ah, YouTube aussi, ouais, énorme. Oui. Intervention du raid. Ah, ça tape là, c'est en train de taper là. Ouais. Voilà, ça, attends, ça attaque. Il n'y a pas d'arme, Lucie. Il a un couteau. Ah, non, il a un couteau, mais si t'as un couteau et un enfant, c'est compliqué, quoi. Attends. Fou. Alors, le temps que je branche BFM, on est en direct. Hein, alors, on va essayer de se connecter là, voir si ça. Attends, je sais pas s'ils le disent, mais je sais pas. Et qui vont lancer un assaut. Ils en parlent là. Ouais. C'est ce qui s'était passé, notamment. Ah non, image en direct. À l'épicerie Cachère, par exemple. Exactement. De la porte de Vincennes. Quoi. Exactement. Il y a un flic qui est sans cagoule avec la mitraille juste devant la caméra. Investissent le lieu. Indienne. Pourquoi en file indienne? Parce que le premier est un porteur de bouclier qui est par balle. Donc les gens se mettent derrière. Bon, bah dès qu'il y a quelque chose, on va dire. Attends, mais c'est fou, ils filment le pavillon en direct, quoi. On voit tout, en fait. Voilà, ça fait. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait pas de. Ils aiment pas les policiers. Ça fait un peu américain. D'être donné. Du voyeurisme. On se domicile de Magnan. Ville dans les Yvelines, domicile à l'intérieur duquel est retranchée au moins une personne, à savoir l'agresseur du commandant de police. Nous n'avons aucune certitude sur les motivations du forcené pour l'instant. Il dit aussi un peu. 42 ans, c'était en milieu de soirée. Dominique, c'est à l'arme blanche qu'il a été assassiné. Donc on ne sait pas, attendez, on écoute 10 secondes. Un commandant adjoint de police des Mureaux, enfin commandant de police qui est l'adjoint du commissaire, donc le numéro 2 du commissariat des Mureaux, un fonctionnaire de la sécurité publique qui a été tué alors qu'il rentrait chez lui devant son domicile de 9 coup de couteau à l'abdomen par visiblement un homme qui est un voisin, qui serait un ancien légionnaire. Ah ouais, bah voilà, ça a changé. Et qui s'est ensuite retranché dans le domicile du policier. Le policier est marié à une femme, à un enfant, et on ne sait pas si sa femme et son enfant se trouvaient à l'intérieur de ce domicile dans lequel visiblement on vient d'entendre la police. Donc la police, c'est le RAID et la BRI de Versailles, la BRI de la direction centrale. Bon, on s'y est en courant dès qu'on a des infos promis pour ceux qui habitent vers ça les fait bureaux, peur, tout ça. Gros bisous à tous les poteaux du 7-8. Et puis Pierre, Sarah qui sont là, les deux du coup, et qui vont jouer. Il y a pour l'instant 3 points pour Pierre, 1 point pour Sarah. Ouais. Et toi, t'avais découvert comment? Tu m'as dit, Sarah, sur YouTube aussi? Oui. Ah ouais, directement, d'accord. T'as un petit chéri, Sarah, t'es célibataire, t'es comment toi, ma belle? Non, je suis célibataire. Ouais, t'es célibataire, ouais. Et toi, Pierre, t'es célibataire aussi? Ouais, pareil. Ouais, c'est vrai, putain, deux célibataires. Ah, si vous, je vais vous brancher, vous aurez un enfant. On est manège. C'est notre premier enfant 2.0. Ouais. Et allez, Sarah et Pierre, on va continuer de jouer. Flo des cadeaux, vas-y, c'est parti, tu nous racontes des histoires, on va essayer de trouver la bonne. T'es un petit peu stressée, Sarah, de passer à l'antenne, non? Oui, un peu. Mais détends-toi, ma chérie. Hey, si vous passez c'est toi qui as demandé de passer, t'as envoyé beaucoup de messages. T'as pas forcé, hein? Non, j'ai envoyé un seul message. T'as envoyé un seul message, mais au bon moment, alors voilà. Ouais, de la chance. Mais si t'as envoyé un message, c'est que tu voulais passer. Oui. Et ben alors, et les gens, ils ont pas envie d'entendre quelqu'un qui est stressé, hein. Ouais, mais sois à l'aise. Mets-toi à la place de ceux qui écoutent la radio. D'accord. T'as envie de passer un bon moment? Attends, mais j'ai l'impression que tu viens d'apprendre un drame. Elle se referme sur elle-même, là. Attends, Pierre, t'es pas stressé, toi? Non, non. Bah voilà, tranquille. Alors attends, les gars, on est là pour rigoler. Oh. Vas-y, bah ouais. Flo des cadeaux, vas-y, raconte-nous une histoire. Oh là, ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va détendre. Alors, ouais, il y aura une histoire. Une histoire horrible. Vas-y, on t'écoute. Alors là, c'est à Louvain. C'est des voisins qui se sont plaints de l'odeur d'un autre voisin. La police est allée chez lui et ils ont découvert un appartement qui était rempli de cadavres d'animaux. Ils en ont compté plus de 300 et le locataire était parti en vacances, donc ils l'ont interpellé quand il est revenu. Et en fait, il s'est justifié en disant qu'il avait une fascination pour les chats. Il a été placé en détention et il sera jugé en juillet prochain. J'ai pas compris ce qu'il a fait. En fait, il avait son cadavre qui était rempli de cadavres de chats. Son appart. Il avait son appart. Ouais. Pas son cadavre. Son appart, pardon. Son appart qui était rempli de cadavres de chats. Et la police en a compté plus de 300. Plus de 300. C'était où ça? C'était à Louvain. À Louvain. Très bien. À Louvain quoi? À Louvain, je sais pas. J'ai juste. Mais moi, je connais la. Non, parce qu'il y a deux Louvain. Il y a Leuven en Flandre ou Louvain-la-Neuve. Ah bah j'ai juste noté Louvain. D'accord. Très bien. Pierre. Moi, je dirais vrai. Un mec qui avait 300 cadavres de chats chez lui, Sarah. Ouais. Ah, mais entendu. Sarah. Oui. Tu dis vrai ou tu dis faux pour l'histoire des 300 chats chez? Faux. J'ai pas compris ta Sarah. Elle a dit faux. T'as dit quoi, Sarah? J'ai dit faux. Attends, mais pourquoi tu parles encore moins fort qu'avant, ma belle? Je sais pas. Bah alors, tranquille, à la cool. Hein. Parle fort, maman. Tu dis faux. Vas-y, parle bien fort, que je t'entende bien, s'il te plaît. Alors, faux. D'accord. Faux et vrai pour Pierre. Moi, je dirais faux, je stagiaire. Moi, j'irais vrai. J'aime le standard. C'est faux. Amina du standard. C'est faux aussi. Et la réponse est? Bah, c'est faux. La faire encore une fois. Moi je tourne dans le panneau. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Jim Sandard. Si c'était vrai, il aurait sorti le bon nom de la ville. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas il était pas sûr, il était pas sûr. Ah, j'ai un peu niqué, j'ai un peu niqué avant l'heure là. Et la réponse était faux, donc c'est un point de plus pour Sarah. Sarah, t'es plus qu'à un point de gagner. Bravo Sarah. Allez, on continue. Flo des cadeaux, c'est parti. Et on y va avec la dernière histoire. Alors là, ça s'est passé à Rin ou à Ris. Après, on parle de fion du cul. C'est un homme de 56 ans qui a essayé de se suicider en ouvrant une bonbonne de gaz dans sa camionnette. Sauf qu'il a changé d'avis, il a fermé la bonbonne et il a allumé une cigarette juste après. Donc du coup, sa camionnette a explosé. Lui, il n'est pas mort, mais il a été gravement brûlé. Il a été admis à l'hôpital. Attends, dans sa camionnette, qu'est-ce qu'il foutait qu'une bouteille de gaz ? Il a ouvert une bouteille de gaz pour se suicider dans sa camionnette. Il a changé d'avis, il l'a fermé et après, il a allumé une clope. Donc du coup, ça a explosé. C'est bête, hein ? Ouais, Sarah, tu penses que c'est vrai ou faux ? Vrai. Toi, tu penses que c'est vrai ? Et toi, Pierre ? Moi, je dirais vrai. Vrai ? Alors, il faut vraiment être débile, hein. Je sais, Gérard. Ouais, vrai aussi, il a pas de chance. Du standard. Ouais, vrai. Amina du standard. Ouais, vrai, c'est possible. Non, mais moi, j'ai déjà entendu cette histoire, je crois. C'est vrai, alors. Alors, une vidéo. Attends, je sais, Gérard, toi, tu fais genre, tu sais pas, mais tu sais pas. Ah non, c'est pas. Comme par hasard, non, le mec, non, non. Direct, sans réfléchir. J'ai tout faux depuis le début, mais l'histoire, elle est pas ouf, hein. Allez, vas-y. Alors, vas-y. Flo des cadeaux, on t'écoute. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je dirais que c'est vrai. Et la réponse est ? Bah, c'est vrai. Mais tu te fais ken toute la soirée. Ah, je vous ai beaucoup 4 plus su que... à 3 non, pour l'instant. Attention, si. dernière histoire du coup, vraiment pour terminer. Ok. Alors là, c'est à Vilvoorde. C'est un homme qui a fauché une petite fille de 12 ans qui faisait du vélo. En pensant qu'elle était morte, il l'a fui, il l'a traîné sur 40 mètres à 150 km/h. Puis il a fait demi-tour parce qu'il a eu des remords. Il s'est rendu à la police. Il n'a jamais eu de permis. Il avait déjà été arrêté 7 fois pour conduite sans permis, sans assurance. Et il a été relâché puisqu'il a payé sa caution. Et il a fait quoi, le mec ? En fait, il a fauché une petite fille. Et comme il croyait qu'elle était morte, il a fui. Et il l'a traîné sur 40 mètres à 150 km/h. Attends, j'ai pas compris. Excuse-moi, là, faut vraiment que je me concentre. Il a fauché une petite fille, croyait qu'elle était morte, donc il l'a fui. Il l'a traîné sur 40 mètres à 150 km/h. Et après, il a été pris de remords, donc il a fait demi-tour, il est allé à la police. Mais il l'a fauché à combien ? À 150. Et il s'est accroché à la voiture ? Ouais, il l'a accroché, il l'a traîné sur 40 mètres. Donc elle est morte ? Ouais. Fais gaffe, Sarah, t'as mis le son, t'as mis le haut-parleur, Sarah, non ? Non. Ça me fait un petit écho avec toi, faut juste que tu baisses un tout petit peu le volume du téléphone, ma belle, parce que sinon ça fait un petit écho à l'antenne. Ça se met à siffler. Est-ce que tu penses que c'est vrai l'histoire de la fille fauchée à 150 à l'heure, Sarah ? Non, je pense que c'est faux. Toi, tu penses que c'est fake ? Sarah pense que c'est faux, Pierre ? Faux aussi. Et après, on parle de cucu. On a un sujet énorme, c'est les meilleurs jeux sexuels à la cam. Ah, et des couples qui ont des jeux sexuels à faire en webcam. On va en parler dans deux minutes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Tout le monde dit que c'est faux, l'histoire 150, je sais, GR. Moi, j'y vrai. JM du standard. Non, c'est faux, 150 km. Amina du standard. J'espère que c'est faux, moi, j'y faux. Moi, je dirais que c'est faux, la réponse est. Eh ben, c'est vrai. Ouais. Et je suis seul. Eh ben, c'est bien. Ah là, mon petit point. Eh ben, voilà. Et c'est ouf, c'est qu'il a été arrêté 7 fois déjà, il a pas été condamné. Quoi. Ouais, c'est fou, hein. Il y a un vide. Il a pas été condamné ? Pas été condamné, conduit sans permis, sans assurance. Il a pas. Et c'est où ça ? À Vilvoorde. T'as le laxisme de ouf. Ouais, il y a un problème là. Et le mec, il a tué la petite fille ? Ouais, ouais. C'est pas vrai. Il a payé sa caution, donc il est sorti. Mais tu payes, tu sais. C'est vrai ? C'est vrai ? 15 000 euros. Non, mais c'est pas possible. Si. Il a jamais fait de prison. Non. Dans quelle année ? Il a été condamné cette fois. C'était en octobre l'année dernière. Mais c'est pas possible. Non, je te dis. Non. On est en Europe. On est en Europe. Attends, la Belgique. Quelqu'un, le mec, il paye une. 15 000 euros, tu sors. Non, c'est pas possible, gros. Il a jamais été condamné. Ah, bah, c'est pas possible. Ah oui, il est pas encore passé au procès, là. Non, mais il a déjà été arrêté 7 fois avant. Il a jamais été condamné avant. Ouais, mais il a peut-être pas tué quelqu'un avant. Bah, non, mais bon, arrêté 7 fois sans permis. Il est diplomate, il y a un truc. Je sais pas. C'est bizarre. Il a de quoi payer sa caution de 15 000 euros. Ouais, mais bon, c'est. On s'en fout de ça. Non, mais, ouais, mais bon, pas logique. Cette fois, une caution. Et c'est une fille de quel âge qui a été tuée ? 12 ans. Ah ouais, putain, c'est ouf. Hein. On avait quel, pas... À Vilvoorde ? À Vilvoorde. Putain, c'est ouf cette histoire-là. J'ai pas du tout entendu parler de cette histoire-là. Wesh, ma poule, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas possible de passer à l'hôtel, la famille. Radio 13, bien sûr, Radio. Là. Salut. On va t'appeler. Oh. Salut, man. Merci beaucoup. Salut, Guillaume. Pourrais-tu mettre Donetsk Prison en entier ? Salut, gros. Eh ben, salut, les mecs. Apparemment, intervention du raid ou en quoi ? La personne a été neutralisée. Ah. Et on peut dire que la mission est terminée. Donc là, la phase finale est entamée. Oui. La personne a été neutralisée. En termes policiers, on rappelle que neutralisée, ça veut dire qu'elle est vivante ou décédée. Hein. Voilà. Ça peut être les deux. Oui. Là, on ne peut pas savoir si elle a été... Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a eu que deux explosions. Donc, on suppose que... C'est assez étonnant, pardonnez-moi ces images, mais enfin que les hommes de la BRI passent aussi près des journalistes. Il y a un périmètre de sécurité quand même qui est mis en place. Ah, putain, c'est ouf, hein. On vient les voir passer avec... La cagoule à moitié ouverte, ouais, et tout. Les caméras qui sont proches. On voit quasiment la tête des mecs et tout. Et attends, le mec il passe là ? Non, ça, on peut pas. Les journalistes, s'ils sont là, c'est qu'ils sont assez loin de la zone. Hein. Donc on peut pas boucler non plus, mobiliser des policiers pour faire un bouclage énorme. Bien sûr. Il y en a qui a une cagoule, c'est pas comme les autres. Ouais. Ils ont ce qu'on appelle les cagoules chouettes, c'est-à-dire les deux yeux qui sont ouverts. Ah oui, oui. Et il y en a un qui a une cagoule avec une barre à la place, ça fait peur. Hein, ouais. Putain. Mais la cagoule, ça fait forcément. Un truc du chevalier de l'époque, James Sandard. Il y en a un, on aurait dit qu'il avait une survêt gris, t'as vu ? Et oui, mais c'était le mec. Ouais, bah après, c'est des mecs de la BAC. Ouais, c'est... Je pense qu'ils ont les équipements en plus pour se mettre à... Il était en mode sport, peut-être qu'il était en mode sport à côté. Ouais, bah, ouais, ça peut arriver. Ça y est, J-1 pour le bac, je suis dans la merde. Ah, ouais, mercredi, c'est la philo, les mecs, là. Ouais, bon courage, les potos, on est ensemble, on est ensemble, les mecs. Allez, 4 points, du coup, pour Pierre, 3 points pour Massara. Bravo, mon Pierre. Bien bravo, joué, Pierre. Bien joué pour la réponse. Eh, hey, tu veux faire une dédicace, mon Pierre? Ouais, dédicace déjà à toute ma famille, à tous mes potos de Maubeuge, j'ai dédicace à vous car vous êtes les meilleurs. Vas-y mon gros. Merci beaucoup. Et merci poto. Hein. On va parler de cul avec Jérémy. Tu bouges pas Jérémy, on parle de cul avec toi après. Hein. Ouais, pas de... Ok, tu bouges pas. Juste avant, Sarah, tu veux faire une dédicace? Oui, une dédicace à toute ma famille au collège Anatole France. Eh ben très bien, eh ben y a pas de problème. Eh ben grosse dédicace, ma puce. Eh, faut pas que tu stresses. Hein. Et la radio, c'est du plaisir, c'est du divertissement. C'est un loisir, hein. Non mais je comprends moi quand je suis passé à la radio derrière. Mais là tu fais vraiment pétrifier. Je suis genre j'ai envie de te faire un câlin. Bichet. C'est pas le but de passer à la radio ma belle. Hein. Oui. Hein, c'est pas pour passer une mauvaise soirée à la radio. Hein. Ouais. Oh la pauvre. C'est bon, pire en pire. Je te repasse Amina au standard, oui. D'accord. D'accord. Ok. Elle va te donner une petite pastille Vichy, un truc. Un bisou. Enfin, un bisou, ma Sarah. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Ciao. Jérémy, qui est là pour parler de cucu. Tu m'entends, Jérémy? Ouais, je t'entends. Qui avait appelé, t'as 22 ans, t'appelles de Belgique aussi, toi. Ouais, c'est ça, ouais. Et, tu voulais raconter un truc. Toi, tu sors avec une fille plus jeune, c'est ça? Ouais, relativement plus jeune, ouais. Toi, t'as 22, elle a quel âge? Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Et, et c'était quoi les délires avec la cam, alors? On a déjà fait des petits jeux à la cam, un peu excitant comme ça. Enfin, on se montrait nu à la cam, Et on dormait aussi la nuit avec la webcam dirigée vers notre lit, voilà. Parce qu'en fait, ça a fait des problèmes avec tes parents, c'est ça l'histoire? Oui, ça fait de gros problèmes avec les parents parce que les parents ont remarqué que la caméra était dirigée vers le lit de ma copine et il y a eu une enquête policière et voilà. C'est vrai? Ils ont porté plainte? Ouais. Parce qu'ils ont rendu compte que la cam était allumée vers le lit de ta meuf, quoi. Ouais, qui dormait. C'est ça, ouais. Et toi, t'as pas juste dit, tout simplement, moi, on aime bien se voir, c'est un délire. Mais pas forcément pour faire l'amour, en gros, vous regardez, dormir. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, il y en a un qui se réveille, tu vas voir la cam et tu la regardes dormir. Tu vas te faire chier. Hein. Bah, il y a rien à faire. Et t'as beau aimer très fort une meuf. Au pire, elle ronfle, tu rigoles. Elle doit se mettre en mode infrarouge, la caméra, donc en mode vert et noir. Ah, bah oui, il fait nuit. Donc, non, c'est pas ça. Non, mais en fait, elle a l'habitude de dormir avec la lumière et moi, j'ai l'écran de mon ordinateur qui reflète sur moi, donc on voit bien. Bref, avec la lumière. Mais comment elle fait? C'est un vrai sommeil. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin, dormir avec la lumière, la webcam sur soi, moi je pourrais dormir en sachant que je suis filmé. Ah, c'est secret de souris, le truc. C'est quand même pas agréable, quoi. Attends, et au final, comment ça s'est terminé, l'enquête de police? Ils ont rien contre moi, donc il se passe rien, juste que les parents me détestent et ils veulent pas que je vienne chez eux, quoi. Ah, c'est vrai? Ça commence mal, ouais. À cause de ton âge, genre vous êtes un peu d'écart d'âge ou rien à voir? C'est un peu l'écart d'âge, mais aussi, avec l'enquête, ils avaient placé un logiciel sur le PC de ma copine et ils ont filmé nos moments intimes. C'est très mal passé au niveau des parents, quoi. C'est vrai? Et ils ont tout fouillé? Oh là là, putain. Eh, c'est vraiment comme dans le bureau des légendes. Ouais, là, ouais. Ils mettent un logiciel sur ton truc et ils enregistrent tout sur ton ordinateur pendant plusieurs heures et tout. Ah, t'as plus vie après. Putain, c'est dingue. Et au final, donc t'as pas eu de problème parce qu'elle avait 15 ans et t'as 22, genre? Ouais, non, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, on n'a rien à me reprocher puisque, apparemment, la majorité sexuelle, c'est 15 ans, il me semble, en France. Donc, ouais. Voilà. C'est pareil en Belgique, non, je crois? En Belgique, elle est descendue à 14 ans depuis janvier, il me semble. Ah, c'est vrai, ouais. Ils l'ont baissé. Ouais. Et ta copine, elle est française? Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça, elle habite où? Elle habite dans le sud, du côté de Biarritz. Attends, mais comment tu fais pour la voir, du coup? Comment tu l'as rencontrée? C'est loin. Sur les jeux vidéo, et on se voit tous les jours sur Skype à la webcam. Attends, mais tu l'as déjà vue en vrai? Non, jamais. Ah, c'est virtuel? Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et ça dure plus d'un an. Non, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi t'as jamais pris un billet pour aller la voir? Prends le train, Pierre. À 22 ans, pourquoi tu prends pas ta bagnole, quoi? T'as pas de caisse? Ouais, non, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, j'ai pas de travail. Ah ouais? Ouais. Tu vas voir à Paris, Et pour Noël, t'aurais pas pu t'offrir un billet ou un truc comme ça? Mais le problème, c'est pas le trajet, ça, y a pas de soucis, j'ai déjà regardé. Le problème, c'est le logement, quoi. Ouais. Ouais. Après, chez elle, c'est compliqué. Ouais, hein. Pour un hôtel pour une nuit, y en a. Attends, mais cher. Ça veut dire que t'as été convoqué à la police en Belgique et tout? Non, même pas. J'ai absolument rien eu. Rien du tout, puisqu'il y a absolument rien à me reprocher, quoi. Putain, c'est ouf. Hein. Ah, ils sont quand même venus. C'est dingue, cette histoire. Ouais, c'est juste les parents maintenant qui m'apprécient pas du tout, quoi. Putain, c'est dingue. Elle est mineure aussi. Ouais, ils te connaissent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un mec en Belgique. Ah, ils ont jamais voulu venir me rencontrer, me parler par Skype ou autre. Jamais voulu apprendre à me connaître, ni rien du tout. Attends, mais c'est que une relation uniquement sur le net. Mais moi, j'aurais peur chaque jour qui passe de me dire, ah, putain, mais le jour où je vais la voir, je ne la connaîtrai pas, quoi. Ah, mais c'est ça. Mais il faut quand même se dire que, imagine, t'as pas peur de la rencontrer maintenant au bout d'un an. Bah, 10 heures par jour pendant plus d'un an, je pense que je la connais un minimum quand même. Quoi. Non, physiquement. Non, il y a des phéromones, il y a des trucs qui passent, il y a une odeur. Enfin, tu vois, il y a un truc qui passe. J'ai jamais vu en vrai. Il y a un truc qui passe, tu vois. Il y en a qui sont très forts, c'est peut-être pas la. T'as eu les parents au téléphone déjà ou pas? Non, jamais, ils ont jamais voulu. Ouais. Donc c'est une vraie, je pense. Non, jamais. C'est vrai, jamais. Après, t'en sais rien si c'est une vraie. Ouais, franchement, tu sais pas. Attends, il y a tellement de trucs là, et de je sais pas, il y a tellement de trucs bizarres en ce moment que c'est vrai qu'on sait pas effectivement. Hein. C'est quand même dingue toutes ces histoires. Et tu l'as jamais rencontré, quoi. En vrai, non. Mais genre, vous faites quoi comme jeu à la webcam? Tu sors ta top, quoi. Ouais, voilà, elle monte le haut, le bas, enfin voilà, des petits tricks soft, quoi. Ouais, ouais. Oui, pas grand chose, quoi. Ouais, enfin, faut pas oublier non plus qu'elle est pas majeure non plus, donc voilà, elle, c'est un peu nouveau tout ça pour elle, donc j'essaie de la respecter un minimum aussi, quoi. Ouais, ouais. J'aime du standard. Ouais, ils ont abattu le preneur d'otage. Ah, ça y est, ils ont abattu le mec. Ouais, ils l'ont. Ah bon, attends, il y a le. Et rapidement arrivé sur les lieux, des négociations ont été entamées. Un plan d'assaut a aussi été mis au point et les négociations. Ne pouvant aboutir, il a été décidé de donner l'assaut. Ce sont les explosions et les coups de feu que vous avez entendus tout à l'heure. Le bilan est un bilan lourd puisque vous avez ce commandant et ce fonctionnaire de police qui a été mortellement touché par l'individu. Et durant les investigations menées par les policiers du RAID, nous avons découvert le cadavre d'une femme. Voilà. Ah ouais. L'assaillant a lui été abattu, le forcené a été abattu par les policiers du RAID. Heureusement, il y a un petit garçon qui a été sauvé, qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf, qui a été sauvé par les policiers du RAID et qui a été pris en charge, bien évidemment, par des équipes médicales. Putain, c'est fou. Bah, là, les mecs du RAID, ils ont dit bon, bah, on y va. Hein, ils ont dû voir à la webcam, il a tué sa femme aussi. Ah, quoi. Putain, t'imagines un peu. Bah, t'façon, ils sont tous morts. Ça sert à quoi de faire ça? Le matin, tu te réveilles et le soir. Tout le monde est mort. C'est vraiment. Le pauvre fils, quoi. Là, t'imagines un peu la vie. Il a plus ses parents d'un coup, du jour au lendemain. Il aurait pu dormir, jouer, prendre un bain demain, mais il n'y a plus ses parents, c'est fini. C'est triste, quand même, comme histoire. Excuse-moi, Jérémy. Mais attends, parce que là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Il y a vraiment le truc. On est en direct. En plus, il est minuit 20. Il y a eu le match. Belgique tout à l'heure contre l'Italie, 2-0 pour l'Italie. Ouais, c'est ça, l'Euro, ouais. Pour les matchs, là. Ça fait aussi un an que je connais une fille, elle habite dans le 93, moi, à Marseille, jamais vu. Putain, c'est ouf, hein. Après, c'est possible hein, de sortir à distance. Ouais. Hein. Bah oui. Attends, tu sais quoi, moi j'ai ma petite nièce, enfin c'est pas vraiment ma nièce, c'est la fille de ma cousine, je sais pas comment on dit. Ta petite cousine. Ma petite cousine qui sort avec un mec de Paris alors qu'elle habite à Grenoble. Et ils se sont rencontrés sur Facebook, ils ont 15 et 17 ans. Et ils sont vus. Et ils se sont vus 3-4 fois. Et, ah mais ils la connaissent, c'est mignon. Non mais ils se sont rencontrés sur Facebook. Ils se plaisent alors. Et il est descendu, etc. C'est marrant quand même. C'est différent encore. Donc ça peut fonctionner. Comment ils font pour la pipe, il y en a un qui dit. Ouais. Oh. Est-ce que vous avez déjà fait des jeux avec la webcam, Amina du standard? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais franchement, c'est pas trop mon délire. En mode, le faire sérieusement, non, mais avec des copines, par exemple, ça me fait rigoler. Avec mes copines, souvent, on allait sur chatroulette ou sur webcamo, des trucs comme ça. C'est-à-dire? Bah, tu sais, c'est les sites où t'es en webcam et en fait, ça mais te fait. Mais ça, je sais ce que c'est, merci. Ouais, voilà. Tu faisais quoi, mais au cas où, tu veux expliquer Facebook Mais non. Et en fait, non. T'as plein de webcams, voilà. Webcamo, les chips roulettes, tout ça, c'est les webcams et tu défiles de webcam en webcam. Voilà, c'est ça. Tu tombes chez quelqu'un qui a. Voilà, ça tombe au hasard en fait, c'est une roulette. Voilà. Et en fait, on tombait sur des mecs et puis on disait que, voilà, avec ma copine, on était ensemble, qu'on était chaudes, patati patata. Et au moment de se foutre à poil, en fait, à chaque fois, on prenait le chat de ma pote et on faisait un gros plan sur le chat, ça nous faisait hurler de rire. Ah, tu vois, ma chatte. Ouais, c'est ça. Et on la blague, oh là là, la roulou. Excuse-moi, pas me mettre à poil sur les pcamo, oh, désolé. Vas-y pas. Mais je m'en fous, c'est pour rigoler. Mais ça te sert à quoi de faire du mal à des hommes qui ont des cœurs doux mous? Ça sert à me venger. Mais ça te sert à te venger de quoi? Voilà, t'es vraiment une tueuse en série. Et toi, t'es vraiment un vrai corbeau aussi. T'as raison. Elle est en mode. Attends, parce que t'as vraiment de la haine envers toi, parce que envers les gens, envers les hommes, parce que pour aller. Mais non, mais tu vas chauffer des hommes qui n'ont rien demandé, des petits cœurs tout mous. Des petites queues toutes dures, ouais, t'en rigoles ou quoi? Parce que tu on y arrive. Fais des cadeaux, merci. Attends. Et donc, des petits cœurs et des petites queues tout mou. Ouais, voilà. Bon, et vous savez quoi, on en parle après. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs sur les jeux sexuels à la webcam ou sur internet? On en parle juste après. Là. Ok. Gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Ready? Muse. Justin Bieber. Selena Gomez. Beyoncé. Juan. Pharrell Williams. Maître Gims à Carcassonne. Rihanna en Norvège. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar Énergie préféré. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit Music Only. Énergie Hit Music Only avec le Festival de Carcassonne. Du 4 juillet au 1er août à Carcassonne, retrouvez Louane, Maître Gims, Lefa, Nekfeu, LJ, Indochine et bien d'autres. Attention, événement, le 17 juillet, concert exceptionnel de Pharrell Williams. Info et réservation, énergie.fr et festivaldecarcassonne.fr. Le Festival de Carcassonne, un événement Énergie. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Dans le fion aussi, et puis la chatte à ta mère dans mon fion. De 22h à 1h sur Énergie. Allez, de retour avec Justin Timberlake. On se le cale, Can't Stop the Feeling. On se le calera juste après. Et le jeu des hôtels. Un jeu des hôtels qui arrive dans deux minutes. Et comme tous les lundis, ce sera le jeu en mode gros bâtard. On va le faire dans deux minutes. On va appeler les hôtels. Chaque fin de phrase, il faudra finir par gros bâtard. Bonjour monsieur, excusez-moi gros bâtard. J'aimerais réserver une chambre gros bâtard. On va le faire juste après. À chaque fois, c'est des fouets. On le fait sur Énergie là. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere. Dernier, c'est pas celui-là, mais. Je me suis trompé de CD. Quel débile aussi, moi, putain. Ah, si, c'est le nouveau. Non. Mais oui, c'est le nouveau, pardon. C'est Si, c'est le nouveau. Merde, pardon. Ah, et là, tu me dis non. Non, mais parce que il y en a un autre qui tourne en même pareil. On se fera. Pardon. Shitcode. Nouveau Drake. On se fera Erais Treffy. Jim Sandar. Ouais, il a 3 semaines en fait. Le... Oui, bah voilà, donc c'est nouveau. Ouais. Attends, on se fera Niash. I hate you, I love you. Je te déteste et je t'aime. Je te déteste, je t'aime. Elle a mis le clip en mai. J'ai rencontré le père de ma fille sur un site avec une webcam et ça fonctionne. Ça a fonctionné 5 ans, Virginie du 13. Ah bien, ouais. Putain, c'est dingue. Moi, je suis sorti exactement 1 an, 3 mois et 8 jours avec une Québécoise alors que j'habite à Montpellier. Et du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle. Ah ouais. Mais comme quoi. Cocureuil, salut Cocureuil. C'est de la merde. Bah ouais, bah après, rencontre un mec au Canada, quoi. Bah ouais. C'est facile. C'est ça un truc. Hein. On se raconte un peu nos histoires là. Je viens d'arriver sur l'émission, j'ai déjà une histoire avec une meuf avec des jeux webcam comme ça. Bah vas-y, bah laisse ton numéro, on va en parler alors, il y a pas de problème maintenant. Salut Guillaume. Ouais, donc les deux parents décédés, l'enfant de 3 ans sauvé par leur triste réalité. Bisous à toute l'équipe, Alex du 77. Salut gros. C'est horrible. Ouais, putain, ils savaient pas le couple, ils avaient moins ce soir. T'as vu, c'est dingue aussi, hein, tout à l'heure. Ils ont fait les courses hier et tout. Ouais, arrête, c'est ouf hein, quand même. Salut à toute la team, je viens de m'engueuler avec mon père et c'était hard. Même mon pragmatique de frère n'en peut plus, je ne sais pas quoi faire. Rester tout le temps chez ma mère, on continue à y aller. Eh bah, laisse ton numéro, puis on va en discuter aussi, les gars. Là. Moi, je suis allé au concert d'Adèle, c'était trop bien. Salut Man. J'aurais aimé que tu. Rencontre en vrai, mais dommage, tu me passeras jamais dans ma ville. Ah, pourquoi c'est où là? J'aurais aimé que tu rencontre en vrai. Bah, viens avec plaisir, on vient dans plein de villes. Vendredi, on est encore à Rennes. Ouais, ouais. Pour se rencontrer, on vient à Rennes à la Fnac. Ceux qui veulent venir de 16h, hein, vous venez même 10 minutes si vous avez le bac. Un si vous êtes en révision du bac, vous êtes 10 minutes, faire un petit bisou, un petit selfie, une petite photo, on se tape dans la main, on se rencontre, c'est marrant. Samedi de midi à 15h à la Fnac de Caen. Et dimanche, vendredi à Rouen. Pour l'émission en direct de 20h à minuit dans les studios, ce sera au 19 rue de l'Aubette. Donc ceux qui veulent venir, vous êtes évidemment les bienvenus aussi avec nous sans problème. On se fera. Il y en a qui m'avaient demandé tout à l'heure aussi, il est où le nouveau Guetta là? Il est là. C'est la musique de l'Euro. Nouveau Calvin Harris, c'est Rihanna. Et le nouveau Coldplay. Moi, je suis resté 2 ans avec une fille, elle m'a largué parce que j'ai fait le con, Natsu. Mort de rire, salut à toi. Alors, attends, on va t'appeler là. Moi, j'ai rencontré ma femme sur un chat et on a fait en ménage direct 3 enfants et ensemble depuis 8 ans, rencontrés sur un chat. C'est ouf. Hein, ah, vous êtes chaud. On se raconte nos histoires ce soir. Dylan qui est avec nous pour le jeu des hôtels et on parle de cucu avec Camille qui nous appelle dans 2 minutes. On va l'apprendre dans 2 minutes. Vous êtes tous les bienvenus si vous venez délire avec nous. Est-ce que vous êtes déjà pareil resté? Vous avez déjà fait des jeux à la webcam, des jeux en numérique. Tu m'entends, Dylan? Allô? Ça va, mon Dylan? Vous allez bien? Salut. Il y a un petit écho, mon Dylan, derrière là. Ah ouais, bah, je suis dans une chambre. Ah, je crois que. Attends, ouais, c'est bon, ouais. T'as coupé le haut-parleur? Ouais, ouais, il n'y a pas de haut-parleur. Ah, vas-y, mon con. Hey, on appelle les hôtels. Le principe est très simple. Tu dois finir toutes les phrases par gros bâtard, d'accord? Ah, bonne chance, mec. Il faut que t'arrives à caler 7 fois le mot gros bâtard en moins d'une minute 30 sans que le mec raccroche, d'accord? On y va. Allez, juste si tu peux baisser un tout petit peu le son de ton téléphone, s'il te plaît. Votre télébis vous invite à patienter quelques instants. Allez, ensuite, on parle de cul. Car quoi de plus juste? Tu es quand à Rennes que tu viens de dire vendredi? Hôtel Ibis d'un quelques centrières, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous apprête de se préserver une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard. Allô, c'est normal, c'est normal. Ouais. Vas-y, vas-y. Attends, on en fait un deuxième, on en fait. Et puis après, j'appellerai ma femme. Oui, je suis la chérie. Ah, elle est complètement déçue, ma femme, que je suis pas venue. Oui, gros bâtard. Ah, ramasse ma pêche, ma femme. Attends, on le fera après. Attends, qu'est-ce qu'il y a, j'ai ça? Gros bâtard, votre femme. Ouais, ouais. Je me souviens, il croit qu'il a remonté la lune. Et Estelle, tu le smoker, avec toi, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle, ce serait pour ça, une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard. Quoi? Excuse-moi. Quoi, bah, je vous demande de réserver une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard. On est complet, désolé. Comment? Attends, on est allô complet. On est complet. Gros bâtard. Allô? Et ta mère, quoi? Ta mère, bah, quoi? Bah, je veux réserver une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard. Quoi? Allô? Ta mère fait quoi? De quoi? Ta mère, bâtard. Quoi? Je veux réserver une chambre, s'il vous plaît, gros bâtard, je suis poli. Sur domination, quoi? De comment? Hein? Gros bâtard. Elle fait un coup de quoi? Allô? Allô? Il a quelqu'un qui t'a fait un pipe? J'ai pas compris, gros bâtard. Hey, c'est bien, bravo. Attends, le rappel, elle le est rappel, drôle. Attends, le rappel. Attends, je suis maintenant une femme. Je suis transformée en femme. Et je suis une belle femme. Je suis avec ma sœur, Patricia. Ah bah oui, qu'est-ce qui se passe? Patricia. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, ramène ton petit popotin. Attends, je suis toute nue, je mets une petite slip. Allez. Mais quoi? Une petite slip. Une petite slip. Une petite culotte, quoi. Alors, vas-y. J'ai compris, slip et culotte, c'est pas grave. Allez, m'assistant, on appelle. Ouais, cool. Attends. Girls power, on va tenter, mec. On va tenter de tomber sur le mec, là. Attends, le mec, il est chaud, on va le calmer. Je crois qu'il n'ose même pas me parler, il flippe. J'ai tout gâché. Un réseau international d'hôtels. Ah ouais, ça sonne, c'est bien. Allô? Ah non, il a raccroché. Ouais, voilà, c'est bien. Ah, laisse tomber, il répondra plus. Vas-y, mon diable, on en refait un autre. On appelle à 13 dans le 33. Ouais, en Gironde. Allez, c'est parti. Il faut juste qu'on essaie de répondre. Minuit 36. Salut, je viens à Rennes vous voir que si Amine a dîné avec moi le soir. Bah, viens pas, salopard. Oh, t'as cru que c'était Amine, ça, c'était un appât ou quoi? Oh, bah non. Allô? L'hôtel? Putain, mais j'aimerais bien qu'on m'explique les mecs qui sont embauchés. Comment ils arrivent, ils attendent le coup de jour. Allô ? Bienvenue à Ibiza, il faut en fichier d'autres noms, Isabelle, bonsoir. Ouais, bonsoir Isabelle, j'aimerais réserver une chambre d'hôtel, gros bâtard. Allô ? Pardon ? Non, je dis j'aimerais réserver une chambre d'hôtel pour ce soir, gros bâtard. Pour ce soir, pardon ? Oui, ça serait pour... J'aimerais bien réserver une chambre d'hôtel pour ce soir, gros bâtard. Ce serait pour venir avant. Là, vas-y, c'est bon. Ah, ben gros bâtard. Vas-y, mon Dylan, c'est à toi, refais-en une. Hein. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Les loups se feront manger par le berger. Allô? Allô? Ouais, bonsoir à toi, comment tu vas? Je suis bien à l'hôtel? Allô? Pardon, oui? Je suis bien à l'hôtel? Oui, c'est ça. Bah, hésite pas à me parler, gros bâtard. T'es au standard, tu parles pas, gros bâtard. Je veux une chambre, s'il te plaît, pour demain. C'est qui encore? Non, je suis client. Comme les cuisines, monsieur Schmitt. J'aimerais bien réserver ma petite couillasse là. Tu bouffes des pommes, toi? T'en veux une quand même? Je trouve bien un petit michoui avec une toi. Une pomme? Oh non, non, non. Une petite pomme dans la bouche, cul nu, quand j'arrive. Tu m'accueilles, tu me prosternes. Bah, allez, ça roule. Hein, lèche-moi l'orteil. Et tu veux bien me réserver une chambre d'hôtel, gros bâtard, s'il te plaît là? Ouais, c'est ça, j'ai que ça à foutre. Non, bah attends, mais tranquille, bah, c'est ton taf. Pourquoi tu veux pas faire? Attends. Non, je te jure. Et par contre, vraiment, ce qui me ferait plaisir. C'est quand j'y arrive, tu te penches en avant, tu vois, et tu te mets en fait un petit peu en mode levrette sur le comptoir. Moi, je passe derrière toi et je te mets une grosse chips, tu vois, je te mets une grosse frite avec ma main, quoi. Oh non, non, je suis pas chaud, non. Ou alors je prends, tu sais ce que j'aime bien faire maintenant, moi j'ai découvert ça avec les petites catins comme toi, j'aime bien prendre un petit truc pour ça, un petit torchon, quoi, voilà. Ouais. Je prends un torchon et je te mets une petite frite avec un torchon, mais bien sec sur le petit cul, quoi, toi. Tu marques un peu ton petit cul, quoi, il devient rouge ou pas qu'on met des petites gifles dessus comme ça, hein. Non, est-ce que les mecs ont des culs plus ou moins marquants, tu vois, qui marquent plus ou moins vite? Oui, et puis je fais pareil sur toi après. Ah bah non, et j'ose même pas te raconter mes fantasmes, Pépère, sinon t'es mort. Hein. Oh bah toi aussi t'es mort. Moi j'aime bien qu'on suspende par les boules, moi tu sais, je fais des trucs sales, hein, mon vieux. Ah, mais moi aussi je suis sale. Moi j'aime bien qu'on m'accroche sur une croix, déjà, c'est mon petit trip. On pourrait peut-être aller en club échangiste à deux, remarque. Hein. Ah bah ouais. Eh, s'il faut. Un petit club échangiste chrétien, là, ce serait cool. Bah ouais, tu sais, pourquoi pas. Ah bah ouais, complètement, ouais. Pourquoi tu vas pas dans les clubs échangistes, toi? Hein? Tu vas pas dans les clubs échangistes, toi? Ah si, j'adore. Ah, ouais. Pourquoi tu dis club échangiste chrétien? Quoi? La croix, c'est ça, non? Ah bah la croix, ouais. Ah non, mais ça, moi c'est pas une croix comme ça, moi c'est une croix en X, hein. Moi j'ai vraiment KX en Y. Non, moi c'est vraiment me mettre en X à la cool, quoi. Tu t'es jamais fait fouetter le cul dans un club échangiste SM? Tu veux que je te présente? Je connais une maîtresse, c'est Sadomaso, si tu veux, je te la présente. Attends, je te la présente, c'est une maîtresse Sadomaso. Attends. Maîtresse Inka! Oui. Non, mais une maîtresse! Oui. Maîtresse Cynthia! Oui. Qu'est-ce que vous allez lui faire, l'homme de l'hôtel Best Western? Je vais lui faire sucer du feu. Et ensuite, on le mettra à la broche et on le dégustera avec les convives. Ah. Oh, j'ai chaud. Ah, est-ce que vous avez envie ou pas, du coup, l'hôtel Best Western? Ça vous dit pas de venir sucer du feu avec nous? Attendez, je vais mettre une petite musique parce que je trouve que nous sommes sans musique et ça ne suffit pas. Alors, je vais mettre une musique. Vas-y, envoie le son. Attends, une petite musique. Ouais, une petite musique angoissante comme ça là. Ah oh oui. Ah, on est mieux là. Oh, ben, directement, ah, voilà, ça change l'ambiance. C'est tendu déjà. Ah, attends. C'est voilà, cool, regardez, voilà, vous allez venir avec nous sucer du feu. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez lui faire d'autre pour lui faire mal, maîtresse Cynthia? Eh ben, il va faire sa petite balade, ses petites crottes. Ses petites crottes? Et après, il va donner la papade et on va lui faire pipi dessus. Ah, bah, si tu veux, moi je te chie partout dessus, hein, y'a pas de problème. Ah non, c'est quoi la merde? Vous voulez prendre le fouet, maîtresse Cynthia? Ah, bah, avec plaisir, oui, hein, j'ai chaud. Ah bah alors vous avez... Ah, je goûte. Alors j'aimerais bien que vous avez chaud à ce moment-là. Ah oui. Alors attendez, qu'est-ce que vous voulez comme ustensile? Ah, mettez une gifle déjà là. Ah oui, tiens la gifle. Alors, le il chien. Aime bien les gifles à sa gueule. Allez, donne la papade à maman. Allez, voilà, allez, allez. Allez, et tiens la langue. Allez, tiens. Cassez-lui la gueule. Allez, un coup de scooter. Ah, ça va pas non plus, là. Ah, bah, je sais pas. Qui est chaud. Ah, oui. Attends, vous voulez pas lui pisser dessus, maîtresse Cynthia? Attendez, maîtresse Cynthia doit parler avant vous. J'écarte les jambes. Ah, alors, attendez deux minutes. J'ai vu du choix que ça brume. Lâchez-lui une pêche dessus. Oh, voilà. Pissez-lui dessus. C'est bon, c'est bien rentré. Lâchez-lui un prout dessus, maîtresse Cynthia. Oh, je me sens mieux. Foutez-lui dans le nez. J'ai perdu 500 grammes. Oh là là là là. Ils sont graves ou pas, maître Cynthia? Oui, j'ai mangé un churros. Ah, bah ça, c'est un beau prout. Je ne me retiens plus. Ah, maître Cynthia, et faites le grand écart. Attendez, 1, 2, 3. Ouh là là là là là là. Ça sort du fond des ténèbres. Ça sort de. Ah, mais vous n'avez pas ramené votre chat qui pète, maître Cynthia? Ah, il est à côté. Oh. Mais attendez, j'en vois un autre de chat qui pète. Ah bah non. Putain, il a une maxi chef lui, non? Et j'ai pas compris. Et il a quand même une maxi chef lui, non? Une maxi quoi? Ah ouais, bah moins que maîtresse India, maîtresse India, levez la jambe. Oui. Pardon. Ah, dis donc, ils sont beaux ces petits proutes. J'avais, oui. Ouais, ça fait. Il y a du talon derrière. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce petit prouti là. Bon, et alors, excusez-moi, maîtresse Cynthia, vous vouliez pas le gifler et tout là? Je croyais qu'on n'avait pas censé en CSM, on est un peu déçu. Il va passer au sécateur. Ah, il y a des chandelles. Oh là là. Peut-être pas au sécateur non plus. J'ai autre chose. Ah bah oui, alors vous avez quoi d'autre? J'ai un tournevis. Vous avez quoi? Un tournevis. Petite tronçonneuse. Ah bah alors attendez, vous savez quoi? Déjà prenez votre vibromasseur, foutez-le dans la bouche. Allez, tiens. Suce l'hôtel. Suce-le. Le best western, suce-le. Allez, le western. Ah, c'est bon ça. Allez, comme au Texas. Allez, l'interrupteur de votre Godemichet est tombé en panne, maîtresse Cynthia. Ah bah on va le recharger, hein. Allez, c'est reparti. Allez. Voilà, ah, voilà, c'est bon, j'avais mal mis le truc. Il aime ça, le gars de la réception. Ah, il aime ça, sucer les godes. Ah, il a la bouche pleine. Ah, il a la bouche pleine, le godeur. Ah, il fait moins le malin, hein. Ah, mettez-lui la boîte à meux dans le cul. La boîte à meux dans le cucu. Ah, la boîte à meux dans le cucu, ça c'est bon, ça. Est-ce qu'il a fait sa toilette? Éternuez-lui dans le visage, maître Cynthia. Ah, tchoum. Voilà. C'était violent. Ah bah c'était bon ça. Prenez les castagnettes et claquez-lui les couilles. Ça me rappellera Séville. Ah, et Roland Carlos que j'avais sucé. Non, on se calme. On se calme, maîtresse Cynthia. Vous allez voir les. Non, mais pas le même, hein, on passe à un autre. Je vais faire rentrer votre frère, maîtresse Cynthia. Ah oui, le frère. Allez, faites rentrer le frère de maîtresse Cynthia. Il sort d'une rêve partie, le frérot. Il est chaud. Ouais, il y a trois piercings à l'arcade. Comment ça va, jeune homme? Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'aller très fort. C'est Taz, hein. Son frère. De quoi? J'ai pas compris. C'est Taz, ton frère. Ouais, bah, il a un petit air. C'est vrai qu'il a un air de famille avec Taz. Oui. C'est vrai que maintenant que tu me dis. Excuse-moi, je suis en train de marcher dans la neige. Attends, je suis en train d'arriver là. Je suis face à un éléphant. Parce qu'il fout là. Il est bizarre ce club SM, maître Cynthia. Ah oui, c'est le seul et unique en Europe. Ah, je me demande à quoi. Alors, vous voulez pas la visseuse pour lui mettre une vis dans le genou? Ah oui, quand il veut. Ouais, on va enlever la petite vis, hein, tranquille. Hein. Il aime ça, les vis. Moi, j'aimerais bien que vous marchiez les talons aiguilles, maîtresse Cynthia. Là. Ah oui, ils sont bien aiguisés. Non, aiguisés. Ah oui. Maîtresse Cynthia. Non, pas grave. Hein. Ah, c'est bon, ça. Vous allez les mettre. Ah, c'est bon, ça. Ah oui. Oh, j'aime bien entendre les bruits des talons aiguilles ça comme goûte, ça. Ça goûte. Et que ça coûte de quoi, là? Je vois pas le rapport. Ah, je mouille. Ah, mouille. Ah, bah voilà. J'entends une petite fille qui dit quelque chose. On y vient. Bon, vous voulez lui faire quoi, maîtresse Cynthia? Je suis avec votre disciple. Je suis avec votre. Attendez. Donnez-moi votre papate et votre prénom. Oh, il est plus là, il est soumis. Allô? Quel est votre prénom? Valentin. Oh, Valentin. Oh, yeah. Rentrez-lui votre flûte dans les fesses, monsieur. Madame le procureur, j'allais dire. Bah, appelez-moi le procureur. Non, madame le SM. Madame, oui. Maîtresse Cynthia. Ma flûte traversière. Oh. Après, allez aux toilettes. Oh. Et mettez la tête dans la cuvette. Meulez-lui le gland. Sciez-lui le zizi. Oh, qu'il se défenestre après. Faites-moi ce plaisir. Oh, on l'a jamais fait, on l'a toujours refusé. Coupez-lui la tête, maîtresse Cynthia. Il se guillotine. Ah, oui. Louis, plantez-lui un clou dans le front, maîtresse Cynthia. Ah oui, faisons une Jeanne d'Arc, qu'on le brûle vif. Calme-toi. Oh. Fouettez-lui le cul, maîtresse Cynthia. Oui. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bon, je crois que tu nous as reconnu, j'ai entendu, je crois, le nom de la radio derrière toi il y a quelques secondes. Hein. C'est ça, t'avais reconnu. Bah oui, qui c'est t'a... ça, mais vous saviez qu'en fait, vous m'avez appelé il y a deux mois à peu près. Ah merde. Ah bah c'est possible, tu sais, il y a que 40 000 hôtels ouais. en France. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être que tu nous as fait beaucoup rire. Ouais, ouais c'est possible. Non, je sais pas pourquoi, ouais. Comment ça se fait, ouais. On t'a déjà appelé, tu connaissais l'émission déjà ou pas? On t'aime bien, mec. Hein. Bah je connaissais, enfin maintenant, ouais, maintenant tu connais, ouais. Ah bah c'est gentil, mec. Et, bah, et c'est quoi ton prénom déjà alors, toi? Bah c'est Valentin. Eh ben enchanté, Valentin. Et le bonjour de maîtresse Intia. Voilà, qui t'embrasse. Elle mangeait beaucoup de churros, c'est Nadine. Ah ouais, elle a mangé grave. Et bon, on t'embrasse, mon poteau, là. Je te repasse à Minostre. Allez, gros bisous, ciao. Salut, ciao, mec. Hey, on a fait. Hey, Dylan, on en fait une dinette. Mais je crois que t'avais un problème de téléphone, ça faisait un écho depuis tout à l'heure. On t'a appelé ouais, sur ton fixe, là hein. À toi, à toi. Ibis Lorient. Sur ton téléphone, bonjour. Je peux regarder une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, gros bâtard. Vous savez, ça m'amuse pas du tout. Hein. Donc, comment vous je vois, je vous demande de réserver. Ça m'amuse pas du tout. S'il vous plaît, gros bâtard. Qu'est-ce que vous voulez? C'est allô? Ce serait pour vendredi, s'il vous plaît, gros bâtard. T'as y'a raccroche, t'as marre. Attends, j'en fais juste un où je pète et après je te le passe, d'accord, Dylan? Vas-y. Ah. On appelle à Versailles, en 78. Allez, c'est parti. Allô? Hôtel Ibis, château de Versailles, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Bonsoir, je suis bien à l'Ibis de Versailles. Oui, tout à fait, monsieur. Oh, sorry for that. J'aurais aimé réserver une chambre d'hôtel, please. Pour quelle date, s'il vous plaît, monsieur? Oh, ça serait pour tomorrow, pour demain, s'il vous plaît. Pour demain? Je serai là, aux alentours de 23h, 11h du soir. Oh, ah, bah oui, bah nous, on est complet pour le moment, demain. Oh, vous êtes complet, oh. Sorry for the brute. J'aurais juste aimé réserver tomorrow et je reviens aussi la semaine prochaine pour le match France-Pigalle. Ça serait lundi soir, s'il vous plaît. Lundi soir. Monday or night. Oh, c'est un peu comme Holiday on Ice, mais plus gras. Ah, on est complet, monsieur. Vous savez, j'ai remarqué un truc chez vous, les Frenchies. Quand on mange du fromage, on digère quand même beaucoup moins bien le gaz. J'ai remarqué que je suis beaucoup plus gazéifié que quand je suis chez moi en Amérique. J'ai remarqué que le volumétrie de gaz, notamment quand je prends des volumes laitiers pour la vie, c'est parce qu'on dit les produits laitiers sont vos amis pour la... Parce qu'en vrai, tu as chiasse, non, quand tu bois beaucoup de lait, bro. Hein? Je te passe mon petit frère, Dylan. Oui. Dylan, mon frère français, prends le téléphone, bro. Oui, comment? Prends le téléphone, bro, pour réserver le chat, Ibis. Ah, ok. Allô. Allô. Non, je crois que le monsieur a voulu parler. C'est pas. On en appelle un autre. Oh, sorry for that. Attends. On en rappelle. Est-ce qu'il bat le moral de la réception? Ça dit vous bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous parlez français? Oui, bien sûr. Oh, ok. Bonsoir, monsieur. Je suis américain. J'aimerais réserver une chambre pour tomorrow. Demain, s'il vous plaît. Comment? Je suis bien à Saint-Malo. Oui, exactement. C'est bien en Bretagne? En Bretagne? Oui, c'est ça. En Bretagne. C'est bien le nord de France, non? Oui, exactement. Oh, shit. I proved that. J'aimerais avoir une chambre juste pour tomorrow, if I can. Si c'est possible, si je peux. Juste son instant, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire un truc, bro. Ici, c'est la Saint-Sylvester. Et à Saint-Sylvester, on mange que du pudding et shit. Man, c'est le bordel de mon slip. J'aurais dû réserver une chambre d'hôtel. For me and my wife, qui s'appelle Sylviana. Yeah, I'm Sylvia. Nice to meet you. Enchanté. Est-ce que c'est possible, monsieur, de, mister, de make a reservation for the room for tomorrow? Yes. Pour combien de nuits? Oh, vous savez, j'aurais dû rester deux nuits, mais ce soir, bordel, c'est le feu d'artifice on my face. Oh, happy New Year, darling. Tweetling. Pour combien de nuits, monsieur? Alors, ça serait pour, comment on dit, one night. One night. One night for two people with the breakfast for tomorrow. If I take a breakfast, continental breakfast, you have eggs, bacon and scrambled eggs. Is it possible to make a reservation for have a scrambled eggs for my wife? Yes, of course. My wife adore manger des œufs. D'ailleurs, chérie? Yeah. Fais-moi un petit prouti comme tu aimes faire. Allez, je fais le prouti. Oh, qu'il est beau celui-là, chérie. À la française. Ah. Élégance. C'est le French prout, baby. Salut. Oh, Moulin Rouge. Qu'est-ce que je t'aime quand tu proutes comme ça? On est des prouteurs. Alors, j'ai une chambre standard pour deux personnes à 108 euros la nuit. Oh, 108 euros. Alors, Dylan, mon fiston, réserve la chambre, s'il te plaît, darling. Oui. Allô? Allô? Non, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas te parler à toi. Ils n'aiment pas l'Angleterre. Monsieur de l'hôtel? Oui. Je vous passe mon fils, Dylan, il parle mieux français que moi. Oui, hello. Et vive la France. Hello. Le French putaprout. Donnez-moi le numéro de carte de crédit pour garantir la réservation, s'il vous plaît. Non, pas possible. On a une Eurocard, Mastercard. Nous, on a des Amex, American Express. Oui, c'est bon. Vous avez l'American Express aussi? Oui. Ok, je vous donne le number. Juste un instant. Donnez-moi votre nom de famille. Moi, c'est Williams, comme le prénom Williams. John Williams. W-I-L-L-I-A-M-S. My prénom is Y-W-D-11-17-5-13-11-6-4-5-7-6. Oh my gosh. Dobidoo. Hashtag. Tash. Kobiro. Biro. Tash. Tiré du bas. Underscore. Hate. Vous avez noté, monsieur, ou pas? C'est dit votre nom de famille. Yes, c'est ça. Si je viens de vous le donner. Redonnez-le-moi. Alors, c'est William W L E F G K L M 2 P 2 P 2 K L M 2 40 49 11 17 17 14 14 7 17 underscore 8 slash doobidoo slash dash doobidoo slash. I come from New York and I visit the French for 2 days with my wife, with my girlfriend, is Sylviana. I'm Sylviana, the girlfriend of my boyfriend, we are in Paris. C'est possible. Ah non, il a raccroché. Putain, elle a pas de cul, mon dieu. Eh, fais un dernier, gros, vas-y. Et on termine tranquille, vas-y. T'as dit quoi? Mode gros bâtard. Ouais, vas-y, vas-y, tranquille, tranquille. Mode gros bâtard. C'est moyen de règle, le plus c'est drôle. Ou alors tu peux faire un mot qu'on comprend pas aussi. Vas-y. Genre, tu sais, tu fais un mot, mais en fait, on n'est pas sûr. Genre, bonjour monsieur, excusez-moi, j'aurais voulu raisonner si c'est possible, vous me dites. Parce que moi, j'aime pas manger le matin. Putain, on a deux hôtels qui répondent. On appelle à Ajax. On vient vous voir en Corse le 25, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Pour le concert. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, je suis bien en Corse? Oui. Bonsoir monsieur, j'avais une question s'il vous plaît pour le petit déjeuner. Est-ce que vous savez s'il y a des œufs? Voilà. Ah, bah, ils aiment pas les œufs. Non, mais je crois que. Ah, c'est les œufs. Hey, on appelle Ajax. Ouais, on l'a réveillé, je crois. Ah, tu crois, non? Il travaille. C'est pas une heure pour dormir, minuit 54. Hein. Non, appelle un autre, on appelle un autre. Eh, hey, mon Dylan, vas-y, je te suis. Moi, je suis derrière ton cul. Et j'arrive à un moment donné dans le jeu, d'accord? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Gros bâtard. Enfin, si ça répond. On appelle encore un hôtel à Rennes. Putain, s'il faut, c'est si on va dormir. Oh, l'Ibis de Rennes. Ah merde. C'est fort probable en plus. Faut pas qu'on s'embrouille trop avec lui. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Tu crois bien, je me laisse aller. On appelle au pion en vlé aussi dans le 43. On appelle deux d'un coup et le premier qui répond, c'est celui qui a perdu en fait. Ouais. Au final. Hôtel Ibis, le Pierre Volet, bonjour. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle pour examiner une chambre pour ce soir. Demain. Pour demain? On est complet demain. Oh, wow, je dois voir. On est complet. Bah, comme vous voulez, parce que moi, en fait, voilà, je dois venir chez vous là. Et voilà, je suis accompagné là, je suis avec mon grand frère. Ouais, bonsoir monsieur. Ouais, salut. Tranquille ou quoi, bien? Grosse taxa en décon. Hasta la vista, baby. Fucking shit, putain, je viens de manger sa mère là, un melon là, un cavaillon là. Les melons, nom de Dieu. Ah putain, c'est bon ça, gros. Hey, mon frère, il voulait savoir si c'était possible de faire une division pour mieux régner. Hein, c'est possible ou pas? Non, non, c'est impossible. Parce que j'ai, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que ma petite fille est en train de faire une crise de nerfs depuis tout à l'heure. Et elle est pas contente du tout parce que je suis avec ma petite fille de 4 ans qui s'appelle Sylviana. Oui, bonsoir, c'est Sylviana, la petite fille. Voilà, et elle est super triste parce qu'elle est en train de faire sa crise de nerfs parce qu'elle a pas le. Elle a pas le jeu, elle a pas le. Sylviana, tu te calmes. Elle a pas le jeu qui est brûlé. Elle est très déçue. Vous m'entendez, monsieur? Très bien. Ah, excusez-moi, j'ai un accouché, moi. Enfin, ma femme vient d'accoucher d'une sorte de fille un peu bizarre et j'aimerais bien réserver une chambre d'hôtel. Vous me dites si c'est possible ou pas. Voilà, moi, ma fille est très bizarre, elle est très bizarre, c'est comme ça. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Non, tout va bien, tout va bien. Et dit les insanités d'un coup, les saletés. Cet animus rentre dans les peaux funèbres. Mais non, c'est pas ça, putain. Ah, c'est quoi? Mais non, c'est genre baise-moi et tout. Ouais. Ah, d'accord. T'as pas vu l'exorciste? Non, je l'ai pas vu, non. Non, c'est vrai? Non, oui, désolé. Ah, parce que l'exorciste, c'est dit baise-moi, baise-moi, baise-moi. Ah, d'où le truc. Bon, hey, Dylan, tu veux faire une dédicace avant de partir, gros? Bah ouais, bah dédicace à vous, déjà. Vas-y, merci, pote. Merci, ouais. Merci. Grosse émission et on vous kiffe. Hein. Merci, et mon pote. Dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront et puis Montpellier, et puis bah voilà. Ah ben, y a pas de problème. Dédicace à tous les Montpelliérains, Pradelet, etc. Qu'on représente. Le 34. Tout le 34. Tu fais quoi dans la vie, toi, Dylan? Ouais, je suis animateur. Animateur. À la recherche d'emploi. Ouais, bah ouais. D'accord, c'est un peu dur à trouver là dans le 34, c'est relou. Ah ouais, c'est un peu chaud là. Ouais, c'est vrai. Bon, putain, bon courage un peu, en tout cas. Même dans les campings et tout pour l'été là. Ouais, dans les campings, ouais, bon, je me suis pris un peu tard quoi, mais bon. Ah, c'est vrai, là, moi, assez tôt, quoi. Pourquoi t'as fait quoi cette année là? Cette année, bah moi j'ai travaillé, voilà, je vais faire une formation en tant que formateur d'affaires. Ouais. Et après j'ai travaillé dans les centres de loisirs, tout ça, mais bon, pas grand chose quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ça a déjà commencé les saisons là dans les campings, même s'il fait pas beau. Les saisons dans les campings, ça a déjà commencé. Je suis pris un peu trop tard. On est en juin. Ouais, ouais, ça a un peu commencé. Ah ouais, ouais. Ouais, ça a peut-être déjà un peu. C'est vrai que c'est peut-être un peu déjà parti. Ouais. Et enfin, parfois, il y en a qui ont des désistements au dernier moment. Grave, faut pas les remplaçants. Ouais, c'est pour ça. On va voir les annonces d'emploi, on verra bien ce qu'il y a. Ouais, bien sûr. Et n'oublie pas, mon prénom c'est William WBFGI. Le French Prout, mais pété de rire. Salut les mecs, c'est moi. Il se donne un accent, le mec de l'hôtel. Faut que tu arrêtes, j'ai un accident avec mon camion, bordel, j'ai des chartes. Merci les mecs. Hey, gros bisous les gars, à demain, Dylan. Allez, on se fait Amir et juste après Mickaël, ok? Tu raccroches pas, mon Dylan. Ça va. Je te passe Amina du standard. Et juste Camille, tu bouges pas, Camille. On prendra une minute après. Avant Mickaël qui arrive juste après. Camille, 19 ans, d'une ville anonyme. Elle a fait un jeu sexuel à la webcam et nous raconte juste après sur Rémi. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes Vous êtes à la maison, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, pour terminer une minute avant de vous laisser avec Mickaël ce soir, Guillaume Radio 2.0. Juste pour vous dire, à Rennes, vendredi 16h à 19h30, on vient vous rencontrer en Ille-et-Vilaine dans le 35, les copains. Donc si vous voulez venir à la FNAC exprès, hein, on vient, on se rencontre même 10 minutes et tout, même pendant les révisions du bac et tout. 16h, 19h30, samedi à 15h, midi 15h, de midi jusqu'à 15h, à la FNAC de Caen, et dimanche en direct de Rouen. On fera l'émission, il y aura Kinvé qui sera avec nous apparemment, là, peut-être sûrement, c'est rigolo. 20h à minuit en direct des studios d'énergie Rouen. Et Camille, jusqu'à appeler 10 secondes. Ça va, Camille? Oui, bonsoir. Ça va, Camille? T'as 19 ans, on sait pas d'où tu viens, c'est pas ton vrai prénom. T'es passé en mode incognito total. Exactement. T'es resté 3 ans avec un mec sans jamais le rencontrer. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Jamais, jamais, à part en cam. Mais comment c'est possible? De quel âge à quel âge? J'ai fait de 16 ans à 18 ans parce qu'on s'est parlé, on s'est séparé l'année dernière. Non mais, et t'as eu des vrais mecs déjà? Oui, oui, oui, oui. Mais du coup, en fait, on s'était rencontrés et puis on s'était attachés l'un à l'autre. Et puis lui, par contre, il était plus âgé. Donc il aurait pu venir, mais il y a toujours une excuse. En quel âge? Quel âge? Lui, il avait 21 quand j'en avais 16. Attends, mais franchement, même quand t'as 16 ans, quand ça fait 3 ans que t'es avec la personne, tu te démerdes pour faire emmener. Ah oui, tu prends le train. Ah bah oui, oui, oui. Il habitait loin? J'étais à Lyon, il était à Paris. Bah, en train, c'est 2 heures. Une heure. Attends, comment c'est possible? Ouais. Il y a les bus maintenant aussi. Attends, et pourquoi tu l'as jamais rencontré? C'était un souhait? Moi déjà, que mes parents n'étaient pas au courant et que j'étais vachement jeune et que je leur ai jamais dit. Et lui, parce qu'il y avait toujours une excuse, un truc qui allait pas, ou des fois il me disait qu'il venait. Donc j'organisais tout et puis au dernier moment, non. Et tu crois pas que c'était une couille, le mec? Ah non, non, non, bah non, parce que je l'ai vu en cam et tout ça. Bon, après j'ai appris qu'il était pas super sérieux au final avec moi. Mais attends, mais comment tu peux perdre 3 ans de ta vie? Ouais, c'est ouf. Ah, tu l'aimes aller vers quelqu'un d'autre? Ça doit être frustrant. Mais bon, alors que. Et le mec, il veut jamais venir. Attends, franchement, il a 21 ans, c'est bon, gros, prends ta voiture. Et à un moment donné. C'est la passion, ouais, peut-être, c'est virtuel. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, mais tu penses comme ça avec du recul. Moi, sur le coup, j'en avais pas. Et j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie. J'étais conne. Sans le connaître. Ouais, attends. Je suis tombée malade à cette époque-là. Il était là avec moi. Donc, du coup, après, on s'attache. Puis on reste, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et t'as fait des jeux à la webcam? T'as fait quoi? Ah bah ouais, mais puis plusieurs fois quoi, c'était pratiquement tous les jours. Et puis bah au début c'était un peu discret, on se montrait et tout, puis à la fin il y avait carrément des. Bah j'avais acheté des sextoys et tout ça, donc c'était vachement poussé. Mais genre elle s'est balayée? Non, c'est vraiment arrivé vers les derniers mois quoi. Entre 18 ans. T'as acheté des godes et tu te les mettais devant ton mec à la Alors que c'est mieux en vrai quand même. T'es pas peur qu'il te filme? Ah ouais. Qui capte le truc. On voyait ton visage en plus ou pas? Ah bah oui, sur les photos que j'envoyais. Ou les Alors t'as jamais vu le mec, c'est où? Ah là par contre t'as pris des risques, je sais pas s'il les a gardés. Enfin, ça continue encore, donc bien sûr. De quoi ça continue? Bah j'ai pris un plaisir à m'exhiber comme ça, et des fois j'ai vraiment envie de lui envoyer des photos. Bon je le fais pas parce qu'on est plus en mais toujours, ah ouais c'est ouf. Ah ouais, comme mais quoi. Mais du coup maintenant j'arrive plus du tout à avoir une relation avec un mec parce que ça m'excite pas, je préfère être toute seule moi, et voilà. C'est vrai, c'est ouf. Oui. Parce que t'as jamais fait un gold devant une webcam. T'as jamais de la vie, n'importe quoi. On va laisser la place à Mickaël. Je pourrais te rappeler demain, Camille? Oui, bien sûr, c'est aussi. On va retrouver toi, Yéline, qui a mangé des tartines de sperme devant la cam avec une dominatrice. J'ai un peu du mal à croire, mais. Ah bah non, c'est pas. Avec une dominatrice, ouais. C'est un peu être un jeu sexuel. Ouais, on avait déjà fait les limites de manger du caca à un mec quand c'était passé pour une femme. Ouais. Je t'embrasse, ma Camille, à demain, ma chérie, d'accord? Oui, bisous. Gros bisous, ma Camille. À demain, tout le monde, à demain, j'ai un stagiaire. À demain, Guillaume, j'ai bon du standard. À demain, Guillaume, j'ai du standard. Flo des cadeaux. À demain. Dormez bien. À demain, tout le monde, je vous embrasse très fort. On se retrouve à partir de 22h sur Énergie. Joule, jeudi, qu'est-ce qu'il y a, Non, c'est. J'attends que Mickaël me parle en fait. Ah, je m'en garde. Tu voulais demander une histoire sur la webcam à Mickaël ou quoi? Ouais, voilà, c'est jamais s'il a. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Ben oui, je t'entends. Ah, ouais. C'est marrant. Mais quoi, il a quand même pas tout le week-end que je lui parle. Il pouvait m'appeler sinon. Non, mais moi je lui ai dit t'attends que ce moment. T'es hâte de revenir sur l'énergie. Alors vraiment, on parlait lundi soir à 1h. C'est fou. Il attend son petit combat de boxe. Ouais, voilà. Il a mis les gants. Eh bien, non, ce soir je suis peace and love. Ah, ben pareil. C'est bien. Vous avez déjà fait des trucs? J'ai sorti le drapeau blanc. Déjà fait des pas trucs suffis. À la webcam ou pas, Mickaël? Absolument pas. Non. Enfin, moi pas. Toi, certainement, je suis beaucoup trop parano. Bien sûr. Moi, bien je suis sûr. Beaucoup trop parano pour ça. Ah ouais. C'est impossible. Alors là, vraiment pas. Toi, t'as déjà fait de la merde, toi, là. Ah bah, toujours. En fait, webcam, une fois. Ouais. Une fois. Sinon, plus des trucs Snapchat, parce que j'ai. Plus l'espoir de croire que ça s'efface. Non mais en fait Snap c'est vraiment une merde parce qu'il y a plein d'applications qui peuvent enregistrer Snap. Oui. C'est ça. Ouais mais c'est pareil les webcams aussi, tu vois les Skype et tout, les gens ils peuvent enregistrer aussi, donc au final t'es niqué partout quoi. T'as fait quoi? Ouais, j'ai montré des photos de ma bite. Bien sûr, c'est la base. Et par contre, mais moi j'ai peur que Snap se fasse pirater un jour. Mais ça va, parce que c'est déjà arrivé. Et que toutes les photos, tu vois, imagine sortent un jour. Bah là c'est la fin du monde. Ah ouais, Amina du standard, t'as des problèmes. C'est marrant quand il dit c'est la fin du monde alors qu'elle arrête pas de dire qu'elle a rien fait. Non, j'ai rien fait, mais bon, c'est perso quand même, c'est le truc que t'envoies à tes potes. On va retrouver les sons d'Amina Mistral. Ouais, ça va être classe. Ah, ça va être chic. Non, mais et, c'est vrai que ça serait un drame absolu. Hein. Bah, c'est déjà arrivé après si tu déjà Facebook, il y avait eu des galères et tout avec des sites là. Et toi, ta photo de la bite sur Snapchat, t'as pas peur? Ouais, mais des photos de bah, c'est que la bite, ça va. Mais bah, attends, si tu la veux, on tu peux l'avoir sur ton portable. Bien sûr, en 3 minutes. Hein. Ah bah, Amina du Standard est sur Snapchat. Non, non, tout le c'est temps. Gentil. Il peut lui envoyer des photos. Arrête de dire ça, Amina, c'est pour moi, je te l'envoie en SMS, ça me fait plaisir. Quelle gentillesse alors, quand même. Merci pour la proposition. Et bah, être content, t'es recevoir plein du coup. Non, non, arrête. Après, je m'engueule toute la journée. Bah, allez, bonne nuit, les mecs, amusez-vous bien. Ça roule. Et à demain, les bonnes nuits à vous aussi. Ciao, tout le monde. Demain, 22h. Et là, c'est parti, on dirait jusqu'à 4h. Bienvenue. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent, on va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Tom va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent, quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie, en live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L. Officiel. Ouais, d'ailleurs, il y a un nouveau jeu sur Facebook hein, pour gagner la PS4 pendant toute la semaine. Si vous voulez tenter votre chance, rencard sur Facebook, M-I-K-L officiel. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un bon week-end de Euro 2016 avec la France hein, qui a démarré timidement, mais qui a gagné quand même sur le fil vendredi soir. La Vive Belgique, la France qui s'est pris une tôle là. Qui a été magnifique, qui a été magistral. Pour avoir vu le match, effectivement, la Belgique n'a pas été très très bonne au début. L'Italie méritait de gagner, au moins nul, mais en tout cas méritait de gagner. Ouais. Mais par contre, les Italiens, quoi, sans déconner. Enfin, après, ouais. Les joueurs m'écoutent pas, mais arrêtez les fautes scandaleuses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dès que vous êtes en panique, enfin, dès que les joueurs étaient en panique, hop, ils faisaient des accroche-pieds, ils étranglaient les joueurs. Eh, mec, c'est leur style de jeu. Hein. Ouais, mais c'est pas du foot. Enfin, il y a un moment, c'est pas du catch. Roumains avec la France, c'était pareil. Déjà, j'ai pas vu le match, je peux pas dire. Mais c'est pour voler leur portefeuille. Ah. T'as pas compris, c'est pour ça qu'il est taclé comme ça. C'est une vanne. C'est drôle, c'est... ça. Ouais, ouais. Non, mais j'avais pas. C'est pas raciste. Elle hein, a dû arriver. Ouais. Tu crois qu'ils ont fait le coup de la pièce ou pas? C'est ça. Le ballon. La bague. Il y a le ballon là. Vous voulez qu'on le coupe en deux et je vous donne la moitié. Donnez-moi 50 euros. Non, on rigole évidemment. Voilà. Donc, si vous avez suivi un petit peu le foot, bah, vous pouvez venir nous en parler. Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Demain, il y a le Portugal qui affronte l'Islande. Hein, autant dire que normalement, ce sera un boulevard. Mais on verra. On sait jamais. Et puis, Toff, il a passé un bon week-end. Ah oui, ah putain, alors. Magnifique, j'ai passé un magnifique week-end. Déjà, on va avoir le gagnant aussi de celui qui a gagné la PS4 la semaine dernière. Donc, jeudi soir, tirage au sort sur Facebook. Le Rémi qui avait gagné, on va l'avoir au téléphone dans quelques minutes. Et puis, bah, vous le savez, depuis la semaine dernière, ça fait une semaine aujourd'hui. Toff a démarré le ramadan. Il n'est pas musulman, mais l'année dernière, on avait fait un. C'est même pas à Paris, hein. Mais on avait fait un deal avec lui, puisqu'il avait dit oui, voilà, ça doit être dur le ramadan, machin, pendant un mois. En plus, il faisait 40 degrés l'année dernière. Bon, là, cette année c'est tranquille. Hein, cette année c'est plutôt cool, ouais. Mais je crois que t'as choisi de plus long, hein. C'est les jours les plus longs, là. Ouais, là, c'est les plus longs. Ouais. C'est les jours les plus longs, mais il fait bon. Ouais, il fait pas trop chaud, quoi. Ouais, parce qu'il ferait 40 degrés, je pense que je le vivrai autrement. Ouais, et donc du coup, on lui avait dit, bah, Toff, t'as qu'à faire le ramadan les prochains. Il avait dit, bien, oui, très bien. Bon, bref, déjà, je le ferai par solidarité. Voilà, il a commencé le ramadan lundi, sauf que pas de bol. En Belgique, ce week-end, c'était la fête des pères. Et donc, du coup, Toff a dû aller chez Philippe, son père. Voilà. Et chez Rizma, sa mère. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, Maryse, donc, qui n'est pas catholique ni musulmane ni enfin n'a rien. En fait, ma mère est athée et donc la religion à la maison c'est un sujet très sensible. Voilà, donc quelle que soit la religion, quand le fils débarque à la maison en disant je ne mange pas du gâteau car je fais le ramadan, s'est-il passé? Donc en fait il faut expliquer que je suis arrivé le samedi soir et donc le samedi pour éviter le conflit je suis arrivé après 22h. Donc comme ça du coup je pouvais manger direct, ça, la question se posait pas. Fumeur. Mais comment ça t'es arrivé après 22h pour la fête des pères? Mais non, le samedi. Ah d'accord, pardon. Le samedi soir je suis arrivé donc après 22h, comme ça j'avais enfumé le truc. Donc par contre, parce qu'après 22h on peut manger, voilà. Le soleil est couché et voilà. Et donc forcément j'ai commencé à soulever l'idée du fait que je ne mangerai pas le lendemain. Et c'est pas très bien passé. Et donc le truc c'est que sa mère a dû se faire une fête de préparer à bouffer pour son fils. Non, c'est ça. Oui, on a acheté à manger. Mais je dis, mais c'est pas grave, j'emporterai, je mangerai le soir à la maison. Oui, mais enfin bon, c'est ton père, machin, etc. Blablabla. Bref, donc je vais me coucher. Et sauf que le matin, je me suis réveillé, j'avais la migraine. Donc forcément, oui, tu vois, c'est parce que tu ne manges pas. Et donc voilà, donc j'en ai... Mais du coup, tu peux pas prendre de cacheton. Ah si, si c'est malade, oui. Si si, il est malade, il a le droit. Ouais. Ouais. Donc du coup, oui, tu vois, c'est parce que donc tu vas prendre ça et tu vas manger à midi, hein, et tu ne discutes pas. Donc pour éviter tout conflit, j'ai mangé à midi et j'ai repris juste après être parti de la maison. Ah, donc t'as foiré le ramadan. Ah ouais, non, non, mais t'aurais dû le continuer. Il va le rattraper. En fait, quand t'es malade, quand tu voyages et tout, tu peux le rattraper. Eh ben c'est ce que je dis, j'ai repris une fois que j'ai quitté la maison. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et okay. Donc j'ai réattendu jusqu'à 22 ans. Donc il y a une petite parenthèse à cause de Maryse, quoi. Voilà, parce que j'ai voulu éviter tout conflit familial, ouais, en plus avec la famille qui était là et tout. Évidemment, ça. Évidemment. Tiens, message qui salue l'équipe, viva l'Italie, Rémi de Macon. Non, mais bon, après, voilà, après, que le meilleur gagne, il y a un problème. Après, c'est pas grave. C'est juste la manière, quoi. C'est quand tu les vois les mecs en train de faire des accroche-pieds, étrangler les gens pour pas qu'ils attaquent. Tu veux, il y a un moment, bof, moyen, quoi. Raptor qui salue l'équipe, content de voir. Ça faisait longtemps, faites-moi péter de rire et coup de pelle au chien de la casse avec grand plaisir. C'est Toff évidemment et Victo qui dit salut les mecs, content de vous retrouver, je suis chaud pour le bac qui est dans deux jours. Et bon courage, c'est vrai ça. Un lutteur qui m'a envoyé un message tout à l'heure, ouais, tu me files un cadeau pour m'encourager pour le bac. Je fais, t'as pas autre chose à faire que de venir m'écrire, t'as pas un bac à réviser. Bah oui. Au lieu de venir perdre ton temps à... Rémi est avec nous maintenant, salut Rémi, comment ça va? Salut, bah ça va super bien et vous? Bah oui, salut Rémi, à toi. Ouais, bah oui. On sent hein, Rémi. Bah Rémi, il a gagné une PS4 jeudi, alors heureusement sinon on n'aurait même pas à l'antenne du coup. Ça va Rémi? Ah bah ça ne peut qu'aller bien. Ah, comme quoi ça fonctionne hein? Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, on gagne jamais, c'est que les filles, c'est que les mecs, donc t'as bien joué. C'est tout le monde en fait, si c'est que les filles, c'est que les mecs. Mais non, mais un coup, c'est, si je te ressors un mec, ça va être ouais, c'est toujours les mecs qui gagnent, si je te ressors une fille, c'est toujours les filles qui gagnent. Donc voilà, comme quoi, la preuve, Rémi. Il y a toujours pour parler. Bah oui, mais je sais bien, il y a toujours des aigris partout, des mauvais perdants, c'est évident. Bon, du coup, t'as joué au hasard, t'as été tiré au sort au hasard, justement, c'est le principe. Et puis, bah t'es là, par chance, quoi. Ouais, carrément. Très bien, bah, ouf, voilà. Et bah PS4 pour toi en tout cas, bah félicitations Rémi hein. Y'a moyen que tu te réveilles un peu Rémi ou pas? Non mais il est 1h du mat, tu fais quoi dans la vie Rémi? Étudiant, un chômeur. Ah c'est pour ça que tu révises, t'es en pleine révision là. Ah oui, d'accord, ouais, ok, très bien. Et bah écoute, tu sais quoi, on va modifier le jeu finalement, t'auras la PS4 si tu réussis le bac. Oh, c'est drôle ça. T'imagines, ouais, problème. Ouais, tous ceux qui gagnent les cadeaux à partir d'aujourd'hui ne gagneront que s'ils réussissent le bac. C'est pour ceux qui le passent évidemment. Faut le valider. Voilà, faut valider, preuve à l'appui. Bon bah ouais, bah voilà. Bon bah Rémi, en tout cas, bravo à toi, bonne chance pour le bac. Je te renvoie chez Valentino Standard pour les coordonnées. Et puis bravo pour la PS4. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Salut à toi Rémi. Salut. Ciao Rémi. Bon, et les autres du coup, il y a une autre PS4 à gagner cette fois-ci, mais sans le jeu. Overwatch, on les a tous filés la semaine dernière. Si vous voulez repartir avec la PS4, rencard sur le Facebook de l'émission maintenant. Vous tapez MIKL officiel. Allez faire. Je vous demandais quel était pour vous le meilleur jeu sur PS4. Si vous avez eu envie de réagir. Recommander Doom. C'est-à-dire qu'il est encore plus gore que dans mes souvenirs. C'est vrai? Ah ouais, j'ai joué ce week-end, c'est Doom. Mais tu sais que ce truc, c'est un vieux truc, non, Doom? Ah, c'est Doom, c'est le premier jeu que j'ai eu sur PC. Ah oui, oui, c'est super vieux. Tu sais que c'est un des rares jeux, et j'avais envie de vomir. T'sais, ah ouais, non mais. Ah, tu sais, le truc quand tu tournes, ça me donne envie de vomir. C'est-à-dire que là, dans la version, la nouvelle qui vient de sortir, c'est-à-dire que non seulement t'as toujours cet effet, et en plus, c'est tellement réaliste que c'est dingue. Dites-nous les jeux vous kiffez le plus sur PS, justement. Et puis, je tirerai au sort une des réponses jeudi dans la nuit, de jeudi à vendredi à 1h30 du mat. Et on filera encore une PS4, donc MIKL officiel. On écoutera Kungs tout à l'heure, vous bougez pas de là. Il y aura Enrique Iglesias. Il y aura 10 euros pour rester dans le côté hispanique. Et un son que j'adore, je vous le mettrai tout à l'heure avant de partir. Walking on Cars. Ah, il est excellent. On est au cœur de la nuit sans pub également, ça c'est la bonne nouvelle. Et un message qui dit putain, perdu 2-0. Mais bon, vous allez me rendre le sourire. Coup de pelle à l'autre blaireau que j'attends pour aller à la Jonquera. C'est Johan, transport Maillé à Limoges, Forza Belgica. Attends, je vais lui remettre. Voilà, je lui mine dans la gueule, il n'y a pas de problème. Bon, et puis si vous avez envie de participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous avez vu qu'il y a le soldat qui est tombé pendant le défilé de l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Ah oh ouais, le pauvre. Ah, la tristesse, c'est dur quand même. Ah oui, mais surtout quand tu sais que t'es regardé par le monde entier. Mais ah c'est ouais. les bobies. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les fameux mecs, en fait, avec la tenue rouge, enfin la veste rouge et l'espèce de chapeau en poil d'ours. Exactement. Ouais. Et en fait, les mecs, ils passent, ils n'ont pas le droit de bouger. Ils ne bougent pas, tu mets pas un pouce, hein. Rien, rien ne bouge. Mais c'est un truc de ouf. Déjà, je sais pas comment ils font pour rester comme ça, statique. Je sais pas. Et le mec, en fait, donc, bah, il est tombé, rien de grave, hein, cela dit, il a eu un petit malaise. Bon, pas rien de catastrophique. Mais du coup, bah, forcément, le monde entier l'a vu. Et en plus, on sait très bien que ces gens-là ne doivent pas bouger. Donc, forcément, c'est un peu la honte. Donc, venez nous raconter si vous avez eu des grands moments de solitude déjà. Valentine, au standard, t'as déjà eu un grand moment de solitude ou pas? Oui, ça m'est arrivé, ouais. C'est quoi? C'était la jupe qui s'est levée à cause du vent alors que j'étais sur scène. Sur scène? Ouais, c'était un spectacle au lycée. Ah, d'accord, ok. Sur scène, je me dis, ça y est, elle fait du rock maintenant. Tu sais, elle chante et tout. Non, pas encore. Ah, d'accord, ok. Bon, dites-nous du coup si vous avez déjà eu des moments de solitude. 01 40 71 5000, numéro du standard. Vous nous appelez, on est là en direct. Il y a Valentine Etoff qui décroche. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1. Et puis, on va commencer le son de Justin. On va commencer l'émission, pardon, avec le son de Justin Timberlake. Maintenant, il est 1h17. C'est Mickaël sur Énergie. On se fera le chéri. Je peux te faire cocu tout à l'heure également. Inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance.